rien ne l'effraie. Il détourne un tsunami à main nue. Son souffle provoque un ouragan. Quand il marche, il provoque des séismes. Et il fait de la radio en parlant. Vince, 21h minuit sur Énergie. Vince est dans la maison. Bonsoir Énergie, bonsoir tout le monde, bonsoir la Belgique entière. J'espère que vous allez bien. Oh oui. Ouais. J'espère qu'aujourd'hui, tranquille, on vous a bien préparé à manger. Ou vous êtes bien préparé à manger. Vous êtes passé un bon moment à l'école, à l'université, peut-être au boulot, je ne sais pas. Mon nom c'est Vince, pour vous présenter cette émission jusqu'à minuit. Je vous présente également mes acolytes, mes compères, mes friends, mon squad, mes puants. Oui, il s'agit bien sûr de Nigel qui est dans la maison. Ça va Nigel? Et merci, hein. Ouais, ça va très bien, ouais. Je sens oui. Hyper bon aujourd'hui. La journée s'est bien passée, Nigel? Ouais, franchement cool, je suis parti manger plein de trucs et tout, c'était cool. Ah ouais, t'as mangé quoi comme plein de truc, tu veux dire Ouais, une pizza. Ah, bah ouais. Ouais. D'ailleurs, voilà. C'est rare, mais Nigel a eu assez de sa pizza. Ça ne t'arrive Comment jamais ça, d'habitude. C'est rare. Bah jamais, d'habitude tu manges la pizza genre oh j'ai encore faim et tout là t'as même pas fini ta pizza, tu m'as laissé la dernière part. Bah je partage toujours avec les gens mais ouais non c'est vrai que t'avais moment, dit ouais donc t'étais comblé comme ça. Ouais non mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop faim ouais. Nigel dans la maison qui est le tuck de service hein, je le précise. Ouais là. J'ai un peu changé en prison là. Voilà ouais t'as un gars comme ça effectivement. On a également Lara qui est là, ça va Lara? Mais super bien. T'as passé une bonne journée Lara? Très bonne. Ouais. Et ça me fait un peu rebondir ce truc de bouffe parce que en fait Nigel et moi on fait des combats de bouffe parfois et en fait je mange beaucoup plus que lui. Comment c'est possible ça? Je te jure je mange plus que Nigel. Ah c'est une battle de bouffe bizarre quand mais même. Non mais hein. C'est grave possible hein. Genre même quand on habite ensemble, même toi tu mangeais plus que moi hein. Moi? Heureusement que t'as complété la phrase. Ouais. Quand tu habites ensemble. Oui non mais comment, toi tu manges pas beaucoup? Moins que Vince. Non. Bah jamais, arrête. Faut pas abuser non. Mais arrête, mais Vince il mange grave en cachette. Ouais. Voilà ce que je te dis moi, incroyable. Mais ça veut pas dire que t'es gros, ça veut dire que tu manges beaucoup, ça a aucun c'est vrai, je consomme beaucoup, effectivement. Ça va, la bille est belle, Lara, là, tout se passe bien, tranquille. La bille est belle, la ouais. La bille est belle aussi. La bille aussi. Oh non, c'est Lara, toi-même tu sais. Et là, je suis content, ouais. Et ouais, du côté merci. Du standard, on a Thibaut qui est là, ça va Thibaut? Ouais, super. Ouais, super. Hey, quelques secondes seulement, t'as déjà bugué, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais c'est parce que je m'entends pas dans le casque, du coup j'ai cru que. Ah, mais c'est ton casque qui déconne. Ah, non, mais... c'est parce que t'as trop de séroumène. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Thibaut c'est notre standardiste et on n'arrête pas de le taquiner parce qu'il est roux, n'est-ce pas d'ailleurs, Thibaut? Ouais, tout à fait. Voilà. Il le prend ah, super mal. Il dit oui. Non, mais c'est bon, j'ai décidé de le faire. Mal, c'est toi qui m'as dit que t'étais blond finalement. Il est blond vénitien, genre, mais roux, mais c'est trop magnifique comme couleur. Vraiment, t'es des beaux gosses, hein. Mais c'est tellement beau. Comment tu peux ne pas t'aimer? Je comprends pas. Accepte-toi comme tu es. Ah non, mais je parle de la couleur rousse hein. Moi, bah je toi tu es bah si, tu es blond vénitien, c'est pareil hein. Ouais, et puis on a Eddie qui est là, ça va Eddie? Yo, ça va super bien. Yo Eddie dans la main. Super bien là, vraiment super bien. Ouais. Je suis très content de travailler avec Thibaut ce soir. C'est vrai? Je sais pas, il a lâché des bonnes vannes et tout aujourd'hui, c'est-à-dire il est chaud. Il était en forme aujourd'hui, je sais pas ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui il était énervé, il était excité. Ouais, c'était très bizarre. D'ailleurs sa sœur qui apparaît dans les vidéos du docteur Idéologie et tout là, oulala. C'est une famille de stars. Ouais, complètement, c'est incroyable. Docteur Idéologie, pour ceux qui connaissent pas, il fait des vidéos sur le net là. Sur Facebook et tout. Et à sa sœur qui arrive dedans, et sa sœur elle parle chelou quand même. Ouais, et elle a on dirait pas qu'elle vient de Nivelles comme toi. Je hein. La trouve super belle. Ah moi. Non, elle c'est de Bruxelles. Hein. Ah, elle représente Bruxelles, le quartier. Elle représente Bruxelles. Elle est hyper mignonne, sa sœur. Bruxelles. Ah oui, tellement c'est... vivante, tellement sympa. Ouais, pétillante de life, hein, ça c'est pétillante. Sûr. Pétillante. Belle et qu'elle va se faire tacler. Bon, les amis, vous êtes très nombreux ce soir à te connecter. Merci à tous ceux qui sont là dans le standard. Il y a Camille qui est là, il y a Arma aussi. Yes, Vince, 21h. Et Vince est dans la maison. Comme on a team déchiré tout comme d'hab. Et merci! Gros bisous à vous et venez vendez-nous de rêve ce soir. Pas de soucis, Armand, on est là. Armand, d'ailleurs, ta vidéo, elle est bientôt disponible. Elle sera disponible demain. Hein. La vidéo d'Arma, Armand, il a téléphoné, il a fait le premier prank de l'extrême hier soir. C'est l'émission. Vrai, ouais. C'est vrai. Ah, il a mis une grosse pression quand même. Il y a Lucas qui est là. Bonsoir, Vince. Lucas est dans son lit qui m'a envoyé. Maxime est connecté. Il y a Noah aussi. Vince, tiens une preuve que je suis un fan de manga. Ah ouais, joli. Belle petite collection, très sympathique, là, qui m'a envoyé en photo, là. Vince, je tiens à remercier Eddie qui a gentiment proposé de participer à votre émission de ce soir. Et ce soir, figure-toi, je bosse de nuit. Eh ben, bon courage, mon pote, hein, que tout se passe bien. Vince, que tu peux me rajouter, s'il te plaît? Bah, ça y est, t'es ajouté. Tu m'envoies un numéro sur le numéro du standard, du WhatsApp. 0492 222 002. Vous pouvez faire de même ce soir, les amis. On vous offre des jeux PS4, Xbox One. On a quoi encore à offrir? Et PC aussi. Ouais, on a plein de jeux PC. On a plein. Il y a Wolfenstein encore à offrir. Ouais, Wolfenstein sur PC en édition collector. On a plein de nouvelles figurines aussi qui sont arrivées. Grave, ouais. On a des jeux PS4. On a plein d'autres concours. Figurines manga Brussels. On a même des places à faire offrir pour la nuit d'Halloween que tu vas. Où tu vas mixer, hein, d'ailleurs. Ouais, exactement. Le 31 octobre, ouais. La nuit d'Halloween à La Louvière. Loire. Ouais. Au Louvre Expo, ça va être gigantesque, ça va être ouf. Il y aura des animations, il y aura une déco de malade, il y aura des attractions, des ateliers pour vous faire flipper. Et on sera au platine avec DJ Flash, d'ailleurs, que je salue, qui va se taper la route de Liège jusqu'à la Louvière. Ça va être très sympa. On aura également, on a également des GoPros à vous offrir. Et je me trompe pas, la Symphonie Dragon Ball. Yeah, ouais, ça par contre, c'est un cadeau de ouf. Ah, mais ça, c'est magique. Hein. Symphonie Dragon Ball qui aura lieu du côté du Palais 12 du Ezel. Ça va être le 29, le 30, pardon. Ouais, le 30, ouais. Le mardi 30 octobre pendant les vacances de Toussaint. Ça va être très sympa, j'y serai et je sais que vous êtes très nombreux à vouloir choper des places là. Les amis, on aura le Kiff ta mère. Ah non pardon, Kiff ta sœur ce soir, ouais. Il se transforme là un petit peu là, c'est le premier de la saison. Kiff ta sœur est prévu pour ce soir. On aura également le jeu du dragophone, ce sera tout à l'heure sur Énergie. On aura également la friend zone et puis bien sûr plein de sujets là ce soir. On va parler d'un truc assez sympatoche. C'est-à-dire comment je peux vous expliquer ça concrètement et facilement. En gros, ce dont on va parler ce soir, c'est d'un truc qui fait un peu froid dans le dos. Quoi? Les voilà des oh putain j'ai peur, tu sais ça fait flipper d'en parler quoi. Pourquoi? Bah, oh, ce dont on va parler ce sont les oh là là les c'est horrible araignées. C'est horrible non c'est pire mais que c'est ça. Quoi? Bah c'est pire que ça, c'est un truc pas cool en fait, c'est un truc vraiment un truc qui fait peur. Les boutons avec des poils dedans? Non. L'autre là, Damien qui met des trucs dans son cul. Non, dans son pet. Ouais, du coup. Non, on va parler d'un truc, j'ai jamais parlé de ça en radio et ça m'est super malaise d'en parler, mais il faut en parler. Bah, on va parler des enfants tueurs. Voilà, allez, hop là! C'est le pré-Halloween, les amis, voilà, parce qu'en Halloween, on va faire une émission de ouf jeudi. Et là, ce soir, ça commence déjà avec. Voilà, non, mais j'ai lu un thread sur Twitter, j'ai découvert un truc. Hein. Oh là là, une auditrice va venir nous en parler. Les enfants tueurs, voilà. Oui, bah, des enfants qui tuent. Ah ouais, c'est possible ça? Oui, c'est possible. Genre, jamais tu peux commencer à tuer genre à l'âge de 8 ans? Ouais, je crois que c'est déjà arrivé, effectivement. Et voilà, donc on va en parler tard dans l'émission, bien sûr. Avant ça, on va parler d'un truc beaucoup plus cool, beaucoup plus soft. Hein. Est-ce que vous êtes déjà été témoin d'un braquage? Voilà, allez. Qu'est-ce que c'est que cette émission? On est hardcore ce soir. Ah non, mais vous voulez du sang, vous allez en avoir. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Vous connaissez à la longue. Hein. Il y a plein de messages qui arrivent là. On a Clan qui est là. C'est ça son nom, je crois. Clan ou Clan, salut. Oui, salut. Yo. On t'appelle Clan ou Clan? Clan. Ah oh, bah, Clan dans la maison. Ça va, Clan? Tu vas bien, Clan? Ça va, toi, ça va? Ouais, ça va, c'est pas ton vrai blaze au Clan, on est d'accord? Ouais, voilà. Ah, c'est un pseudo, toi. Alors, voilà. Parce qu'on voulait parler, lancer ce gros sujet, là, on l'a lancé sur WhatsApp, on a eu plein de réactions qui sont arrivées, ouais. C'est un truc de ouf. Tiens, après, vous êtes des milliers sur WhatsApp. Je sais pas combien exactement, parce qu'on vous ajoute, et on n'arrive pas à comptabiliser le truc, mais voilà, vous êtes des milliers, c'est assez hallucinant d'ailleurs. D'ailleurs, je vous donne le numéro 0492-222-002. Et avec toi, on va parler justement de ces histoires de braquage et tout. Alors toi, raconte-moi, t'as été victime d'un braquage ou autre chose? Non, j'ai fait un braquage qui a mal tourné. Ah ouais? What the fuck? Eh, vous me commencez cette émission directement avec des auditeurs qui ont braqué. Oh, tout va bien. Ah. Eh ben, Clan, écoute, tu vas nous expliquer déjà pourquoi et tu vas nous expliquer comment ça s'est mal passé. Intéressant. Tu sais quoi? Je vais en profiter pour regarder sur internet toutes les histoires de braquage qui ont mal tourné. Mais c'est un truc de ouf, ça. J'adore, tu sais, on fait une émission comme ça, on veut parler d'un sujet, boum, directement les réactions, c'est des trucs de ouf. Ah, en fait, lui, il s'appelle Clan, parce qu'il faisait partie d'un clan de gangsters. Voilà, exactement, il faisait partie du Wu-Tang Clan. En espagnol, c'est clandestino. D'accord, arrête de faire l'ancien. Ok, très bien. C'est bon. Pas des trucs auxquels on pense. Hein. Non, c'est sûr. Mon pote, reste avec nous à l'antenne, là, tu vas nous raconter ton truc, là, et puis on va également avoir Noémie, là, on a Noémie qui est dans le standard, là. Salut Noémie. Oui, bonsoir. Yo Noémie, dans la maison. Et Noémie, toi par contre, t'as été victime d'un braquage. Oui, à l'époque, en fait, j'ai travaillé comme étudiante au CLIC de la bascule. Et on faisait la mise en place le matin avant d'ouvrir. Et tu nous racontes la suite après. Ça va? Ok. Splendide, ouais. Splendide. Et n'hésitez pas à vos réactions, les amis. 0800-23456 ou alors sur le WhatsApp. 0492-222-002. Dans la team, il y en a des gens qui ont des trucs à raconter là sur les braquages. Ouais, de ouf. Bah, putain, mais tout le monde a vécu un truc. Ça se voit que c'est la Belgique. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On est tous des thugs. Belgique, c'est le Bronx. Attention, c'est Canton. Ça ne rigole plus maintenant. Hein. Et les amis, ce soir, on aura des cadeaux à vous offrir avec le quiz manga. Et s'il vous plaît, maximum de bruit pour Tolga de Manga Vox. Ouais qui est là. Tolga, est-ce que t'es prêt pour qu'on réfléchisse ce soir? Ouais, je suis chaud. Eh ben c'est parfait, c'est tout de suite sur la culture manga. Bienvenue sur Énergie. You're a world away, somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left to say. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe, are you happy? Il est bien sur la Z avec Happy Now sur Energy. Votre soirée démarre dès 21h. 21h sur Energy avec Vince. Vince est sur Energy. Bienvenue sur Energy, Vince dans la maison. En direct live, j'espère que vous allez bien les amis. Merci pour tous vos messages, il y en a beaucoup en ce début d'émission. Un message d'ailleurs de Joe qui me dit: Vince, dans le bus numéro 38 qui va arriver à Montjoie, le chauffeur t'écoute, respect à lui, tu perds sa estime. Ah bah franchement, ça fait plaisir. Alors là, hey, big up au bus 38. Attends, le bus 38, je vais voir ce qu'il fait, le bus 38 comme parcours. C'est quelle ligne ça? Bah, c'est le bus 38. Ah, c'est Héros, il va jusqu'à Héros. Ah, jusqu'à Uccle, c'est ça alors ouais. Du coup. Ah ouais, grave, jusqu'à Héros. Il passe par Gare Centrale, Beaux-Arts et tout. Eh bah franchement, ça fait plaisir. Bah, merci à un des pilotes du bus 38. Ça doit lui... Franchement, t'imagines, il a été entendu par un auditeur qui nous l'envoie par message. Ouais. Et là, t'as le mec. Il se rend compte qu'on parle de lui en ce moment. Ça déchire. Et s'il vous plaît, je sais pas si tout le bus l'entend. Je ne sais pas, j'ignore vraiment si tout le... Faites du bruit si vous nous entendez. Voilà, si par contre il y a tout le bus qui entend et qui écoute Énergie, eh ben, un maximum de bruit s'il vous plaît pour le chauffeur de bus. Bravo, ouais, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Par bravo contre, lui. Hey, faites attention au prochain arrêt, il y a des contrôleurs. Vous t'imagines. Vrai. Ouais, je sais pas. Non, Nigel, il dit ça comme ça. Bon les amis, tout de suite on se met en mode... Mode manga, bienvenue à toi Dolga, comment ça va? Ça va super et vous? Bah, on va très bien, tranquille. Dolga est dans la maison! Alors Dolga, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas vraiment un nom de manga, mais c'est le patron de Manga Brussels à Bruxelles, bien sûr, 94 boulevard Hanspach à côté de la Bourse, avec leur site internet qui livre dans toute la Belgique. Vous êtes leader sur les mangas, on est d'accord? Hein, c'est ça, c'est ça. Et bah, c'est pour ça que vous êtes sur Énergie, parce que nous on est leader sur les jeunes, c'est pour ça, c'est comme ça que ça se passe. Et donc du coup, aujourd'hui, tu viens poser des questions de culture générale pour que les auditeurs repartent avec des beaux cadeaux. Exactement. J'ai préparé pas mal de questions. Eh ben c'est bien ça. Bien parler dans le micro, attention. Hein. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. C'est vrai qu'il a l'air un petit peu blasé. Et comme j'adore. Ça de la live. Non, juste un peu fatigué, mais ça va aller là, je suis chaud. Quoi? On n'a pas le droit d'utiliser radio, ce mot. Il faut sourire, il faut sourire. Non, je suis, ouais, ouais, et jamais on dit qu'on est fatigué, jamais. Mais le pauvre, il est attends, le mec il vend des mangas, il fait des conventions, il est pas animateur radio. Il a une responsabilité. Franchement, merci parce que regardez ce qu'il m'a offert. C'est Goldorak. Wow. Non, c'est pas Goldorak, il m'a offert un Gundam géant, le Gundam ouais. Unicorn. Tu sais, ça vaut 500 balles le truc. Ah ouais, il paraît que ça vaut cher. Eh ben franchement, Tolga, merci, ça me touche beaucoup. C'est hyper beau. C'est bon anniversaire encore. Hein. Ouais, t'as dit quoi? Ah ouais. Bon anniversaire encore. Oh, merci, merci. Bah, c'est vraiment ça, cool. C'est un vrai cadeau, ça. Eh, ça, c'est un cadeau, je sais pas, comme vos cadeaux de merde là, que vous m'avez offert hier. Moi hein. Oui, toi et ton Sunday Man, là. Ton... Elle m'offre de l'alcool. Elle m'a pris pour. Je voulais me tranquilliser un peu. Elle m'a pris pour un mec, tu sais, pour un alcoolique et tout. Non, je t'arrache, je te taquine, tu sais que j'adore le Porto. J'en consomme pas souvent, un petit peu, comme ça, un petit verre avec des amis, mais vraiment, ça me fait plaisir. Par contre, Tolga, ton cadeau déchire encore plus. Ouais, j'avoue, tu nous as foutu la pression. Bon, sauf qu'il le paye 25 euros, ça. Ouais, non. Quand même. L'histoire voilà. De prix de revient, je sais pas trop, là. Bon, salut Ryan qui est connecté. Vin, j'ai une photo, un dossier sur une personne de l'équipe. Je la balance ou pas? C'est une photo de dossier sur une personne de l'équipe qui a un I dans son prénom. Bah, il y a Vince. Il y a Nigel, il y a Eddie, non, il y a Thibaut aussi, donc c'est ou Thibaut, Nigel ou moi. Vas-y Ryan, envoie. Balance. Envoie un truc. Vin, j'adore le petit énergie là. Eh, hey, trop cool, merci pour la photo là. Merci Ziara, c'est gentil. Attention, j'ai le plaisir d'accueillir Saba qui est avec nous. Salut Saba. Salut. Je vais dire Aïcha, prends tout. Énergie. Reine de Saba, bienvenue. Sinon, Saba. Ça va bien et toi? Oh la pauvre, la vanne. Ça veut dire matin, non? Matin? Je ne sais pas. Oui, ça va le matin, oui. Ça veut dire le matin. Je découvre quelque chose, je l'ignorais, tiens. Qui s'en bat les couilles? Voilà. Non. Je m'en bats pas les couilles, j'ai appris un truc. Bon, Saba, ce soir, tu vas jouer au quiz manga et tu vas affronter Ali qui est là. Allô, Ali? Ali, allô? Ali est dans la maison! Sur Internet. Oh my gosh, exactement. Bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour vous affronter? Ok. Dans une fight exceptionnelle. Alors, les questions, elles sont dures ou pas, Tolga? Non, elles sont faciles. Ouais, bon, on dit ça. Même lui, il connaît les réponses. Exactement. La semaine dernière, c'est moi qui avais écrit, là. Cette fois-ci, c'est lui, visiblement. Ah, bah, ça va aller, alors. Bah, j'espère, en tout cas. Voilà. Il l'écrit, mais il ne les écrit pas. Arrêtez de taquiner, le pauvre. Il a écrit en hiéroglyphe. Laissez-le, il n'a pas le même répondant que vous. Il n'y a que lui qui s'est déchiré. Laissez-le. Non, je réponds, mais on m'a coupé le micro. Ouais. Pas du tout. Vous le faites stresser. Allez, c'est parti. C'est Saba contre Ali. Et c'est l'un après l'autre doit répondre aux questions. Attention, l'un après l'autre. D'accord, on va commencer honneur aux dames. Saba, t'es bien une demoiselle, on est d'accord. Hein. Oui. Ok, super. C'est parti, on commence avec Saba. Let's go. Allez. Goku étant enfant, devient faible quand? On comprend pas ce que tu dis. Mais le pauvre, c'est pas évident. Goku, tu vois, un peu. Sans Goku. Goku étant enfant, oui. Devient faible quand? A. Il est B. Il a perdu sa queue. Articule. C. Il a lu trop de livres. Il a lu trop de livres. Le pauvre. D. Goku. Attendez, s'il vous plaît. Attends, ça va. On va l'expliquer. Arrêtez de rigoler au standard, là. Bon, je t'explique. Le pauvre. Tolga, la radio, c'est pas facile et ça fout un coup de stress. On est d'accord? Non, je suis à l'aise en plus. Qu'est-ce que c'est quand t'es stressé? Ah, moi, je parle comme ça tous les jours, mais quand même qu'on prenne. Voilà, vas-y, recommence. Alors, on recommence. Goku étant enfant, devient faible quand A. Il n'a pas dormi. B. Il a perdu sa queue. C. Il a lu trop de livres. Mais B. Hein. Bonne réponse. C'est entouré ou quoi, la réponse est soulignée. Bien joué. Alors. Donc donc Goku il devient faible quand il quoi? Quand il perd sa queue. Quand on lui retire la queue. Ouais, quand on lui serre la queue. Ah bah ouais. Voilà. Moi perso je kiffe, mais bon, c'est pas ça, chacun ses goûts. Ah ouais. On continue? On continue. Ok. Ça c'est pour Ali. L'inconvénient du fruit du démon dans One Piece empêche A de pouvoir nager, B de grandir, C de bien dormir. C'est le A. Bravo, bonne réponse. C'était quoi? Bravo. De pouvoir nager. Mais c'est quoi la question? C'est l'inconvénient du fruit du démon dans One Piece empêche. De nager. Ouais. Ah, mais n'empêche, Ali, il a donné une réponse express. Hein. Ali Express. C'est drôle parce que Ali qui joue contre Saba, ça fait. J'ai failli raconter une blague de merde, mais Ali, c'est pas grave. Saba? Ben non. Ali Baba? Voilà, merci. Allez, hop, mais non, c'est super, ça va Ali. Bah oui. Ça va Ali. Allez, on arrête de. Les amis, ça va et Ali, on est désolé, vraiment. Moi, Saba et Ali. Non, mais pas de soucis. Allez, c'est parti, on continue. On retourne à Saba. Ne vous inquiétez pas. Comment se fait appeler l'ennemi de Kira dans Death Note? A. P. B. L. C. Q. BPL. C. Combien? B. Ça, c'est la bonne réponse. Bravo. Bravo, Saba. Ouais. L'ennemi de Kira s'appelle comment? L. Pardon? Il s'appelle L. Oui, réponse B, L. Ok, putain, c'était compliqué. Ah oui. Mais attends, mais genre, non, c'est des réponses. Genre, non, c'est genre elle juste une lettre. Ouais. Genre L. Ouais. Non, mais ça va, elle a juste. Bonne réponse. On continue pour Ali. Alors, dans quelle célèbre émission est apparu Goldorak en France? A. Club Manga. B. Club Dorothée. C. Club TF1. Club Manga. Ah Non, c'est une mauvaise réponse. Oh non. Eh, mais moi qui regarde pas les mangas, j'avais la réponse. Alors, excusez-moi, petite rectification, ça n'a jamais commencé au Club Dorothée, ça a commencé dans Récréa 2, Goldorak. Oh, mais c'est qui a écrit les réponses? C'est toi? En France. En France, Récréa 2, je confirme. Oui, avec le Jacques. Dorothée était sur Récréa 2, sur Antenne 2, sur France 2 à l'époque. J'étais pas né, je sais, mais t'inquiète pas, la culture, cette culture-là, on la connaît, hein. Et Goldorak avait commencé là-bas et après a continué sur Club Dorothée. Voilà, mais justement. Donc, mais c'est pas grave, il a répondu Club Manga. Alors, donc, c'était Club Dorothée. Voilà. Et personne n'a pensé à mes Club Sandwich en troisième réponse. Quand même, un peu de bolo ici. On retourne, attention, deux points d'avance pour deux points de Saba et un point Ali. On retourne à Saba, c'est parti. Allez les bleus. Comment se nomme le chat de Sailor Moon? Vas-y. A. Luna. B. Sailor Cat. C. Cat Moon. Cat Moon. A. Bonne réponse. Bonne réponse avec Luna. Luna. Luna. Voilà. Mais elle est forte, hein, Saba. Ouais, elle se débrouille bien. Attention, retourne à Ali. Attention, 3-1 Ali pour monter, attention. Alors, quel est le nom du Gundam exposé en taille réelle à Tokyo? Oh oh. A. Gundam Eric 78. B. Unicorn Gundam. C. Gundam Barbatos. A. Non, mauvaise réponse. C'était la B. Ah, c'est la Gundam Unicorn. Hein. Unicorn ouais, effectivement. Et avant ça, c'était la RX 78 qui a été remplacée par la Unicorn. Bravo, effectivement, joli. Attention, c'est pas fini pour toi, Ali. C'est encore possible. Ça va. C'est à toi de jouer. Je précise que on est pour l'instant à 3-2. On y va. Quel est le nom du Pokémon portant le numéro 151? Oh. A. Pikachu. B. Mewtwo. C. Mew. Il y a un piège, c'est chaud. C'est chaud. Faut répéter Les réponses ou Vite, parce qu'il faut. Parce qu'il y a Google là, attention, je connais. Hein. Ah ouais, non. Ouais. Pikachu, Mewtwo ou Mew? Qui est le 151e Pokémon? Vite, 3, 2, 1. Le A. Le A, mauvaise réponse. Pikachu. Non, non. Trop tard, non, désolé, on va y aller. Non, désolé. Elle était sur Google, wesh. Ouais, désolé. Non. Désolé. Attention les amis. Là, Ali, tu peux égaliser. Fais gaffe, c'est toujours 3-2. Ali, c'est parti, on écoute. Vous pouvez jouer avec nous sur WhatsApp si vous voulez. 0492 222 002. Let's go. Dans My Hero Academia, quel est le surnom de Izuku Midoriya? Le mec a jamais regardé. Deku. Ah, bonne réponse. Bonne réponse aujourd'hui. Oh là là là là. Attention. Parce qu'à partir de maintenant, balle du match. C'est la balle de match. C'est le premier qui se trompe, qui perd. Oh my god. Donc c'est égalité. C'est parti, on retourne à Saba, let's go. Alors attends, je recherche la fonderie. Et bravo, il y en a plein qui sont très forts d'ailleurs, je tiens à préciser sur le WhatsApp. Hein. Et big up à tous les nouveaux qui sont arrivés là. Big up. Numéro qui termine par 77, l'autre par 42, le numéro qui termine par 56. Mettez votre prénom, dites-nous comment vous appelez les amis, c'est important. Très important. Let's go. Combien possède de queue le démon renard Kyuubi appartenant à Naruto? A. 5. Eh hey, je suis sûr, elle va sur Google. Ouais, mais pendant qu'on parle, elle va vite B, sur Google. Vite. Je vous jure que 7, non. Je vous jure que non. C. 9. Donc combien 2, 5. 5, 7 ou 9. Facile. 3. 9 est une bonne réponse. Moi, je suis sûr qu'elle va sur Google. Arrêtez non, mais un peu. Ouais, mais justement, le fait de parler. Quelqu'un connaît des trucs, c'est bon. Eh, Saba, t'inquiète pas, franchement, je te fais confiance, y'a pas de problème. Vas-y. Ali, à toi de jouer. Attention, si tu perds Ali, c'est Saba qui gagne. Let's go. Oh là là. Dans Jojo Bizarre Aventure, quel est le nom du grand méchant de la saison 1 et saison 3? Oula. A. Dio Brando. B. Speedwagon. C. Yoshikage Kira. C'est Dio, non? Dio Brando, bravo, c'est la bonne réponse. Oh, joli. Hey, eh, c'est chaud là. C'est très chaud là, alors, attention. C'est combien là? 4-4. C'est égalité partout pour l'instant, égalité parfaite. Premier qui perd, qui rate, perd, attention. 4-4. C'est reparti, encore une question pour Saba. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus de questions ou quoi? Ouais, j'ai plus de questions. Non, arrête. Alors c'est toi qui pose une question, Vince. T'as sérieux? T'as plus de questions? Ouais, non, mais j'ai plus de questions. Eh ben putain, à Bruxelles, ça travaille pas de ouf. T'as plus de questions sur ton t-shirt, genre le 8ème stade ou le 6ème stade? Ok, très bien, attention. Eh putain, c'est vrai que j'ai un t-shirt avec. Par contre, est-ce qu'on donnerait pas genre un temps de réponse genre dans les 3 secondes parce que. Ouais, si. Ça bat pas de soin. Si, effectivement. Oh là là. C'est le premier qui donne, c'est ça? Attention. Ouais. Ah ouais, premier qui donne, ouais. Ouais, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Le premier qui donne. Quelle transformation de Son Goku lui épuise très rapidement tout son ki. Ali a dit Super Saiyan 3. Hein, bravo! J'ai mis une question, elle était hardcore. Eh, mais enfin, il y a de la justice. Ouais, Saba, elle a même pas parlé, frère. Elle était. Non, elle avait. Sauf que j'ai une question pour Saba. Est-ce que tu connais vraiment sur le bout des doigts, genre DBZ ou pas? Ça dépend sur quoi. Enfin, moi, je connais, mais voilà. C'est vrai que c'était une question plus masculine. Garçon, hein. Voilà. C'était une question plus masculine. Là, c'était une question orientée. Okay. Bah, je pense qu'on va lui offrir une figurine aussi. Parce bah oui, Saba a été super forte. Franchement, respect. Bravo. Ouais, joli. Ah, ça a joué sévère, là. C'est eh ben, c'est bien. Merci, Tolga Mangabrosa. Ouais, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est quoi le site internet pour te choper, voir un petit peu ce qu'on peut commander de sympa chez toi, là, et tout? www.mangabruxelles.be. Ouais. Et à partir de 60 euros en plus, la livraison est offerte en ce moment. Ah, c'est cool, ça. Oui, il est grave sympa. Eh ben, parfait. Jason Derulo avec Goodbye tout de suite sur NRJ. On fait un gros bisou. Merci, Saba. Merci, Ali. Allez, raccrochez pas, on prend vos coordonnées tout de suite. Hein. Bravo, Saba. Et bravo, Ali aussi. Bravo à toi. Hein. T'en prie. Ah mais vous l'avez mis hors antenne. Non mais les gars, il allait parler, vous l'avez mis hors antenne, c'est pas cool. Il y a de la musique aussi. Ouais, bah je sais, il y a Jason Derulo derrière. Je suis en train de parler sur Jason Derulo, c'est pas cool hein. Je allez, on arrive tout de suite. Hein? Bienvenue sur NRJ. Sur Énergie. Il y a Vince dans la maison. J'espère que vous allez bien les amis, en direct en live avec vous bien sûr, 21h28. Et il y a Champions League ce soir. Quel match? Et bah il y a Bayern de Munich qui a mis une petite claque gentille à l'extérieur contre l'AEK Athènes, 0-2. Ah ouais. Ajax Benfica, ça joue en ce moment, c'est 0-0. Offenheim contre Lyon, 0-1 pour Lyon là. Manchester City contre le Shakhtar Donetsk, bah c'est 0-0 pour l'instant. Real Madrid contre Victoria Plzeň. Eh, donnez-moi un score. 1-0, non? 1-0, toi tu dis, c'est Lara, ça dit quoi? Bah oui, Real Madrid. 2-3. Bah, j'espère 3. Qu'ils sont en train de gagner, parce qu'en ce moment, c'est pas trop le top. C'est hein. Bien 1-0, je confirme. Ah. 1-0 pour Real Madrid contre le Victoria Plzeň. Ah. La Roma contre CSKA Moscou, c'est 0-0. Les Young Boys ont fait 1-1, donc Young Boys de Suisse. On fait 1-1 contre Valence. Et actuellement, Manchester United contre Juventus. Eh ben, la Juventus est en train de battre Manchester sur leur terrain, les amis, ah, cool. À raison de 0-1. Voilà, on vous tient informé concernant la suite des matchs. Hein, et c'est tout. Il voilà, n'y a pas beaucoup de matchs ce soir, en fait. Hein, enfin, bon, pas beaucoup. Bah si, il y en a beaucoup quand même. Il manque de mois. Bah non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas beaucoup, dis non, mais qui se joue encore. Il y a peut-être quoi, genre 8 matchs qui se jouent. Non, il y a 7 matchs qui se jouent en ce moment, c'est quoi, tout. C'est beaucoup. 6 matchs. C'est 6 pas matchs. Beaucoup, ça. Non, d'habitude, en Champions League, on a quand même en même temps 8. Hein. 8 non, mais en d'habitude, fait. D'habitude, 8. Oui, mais c'est parce qu'ils ont joué avec des décalages horaires. Maintenant, il y a des décalages horaires. Du coup, il y a des matchs qui jouent à 19h. Voilà, ça explique tout. Bon, les amis. On va parler de braquage dans quelques instants. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un braquage ou est-ce que vous avez déjà été témoin d'un braquage? On a Clan, lui il est venu réagir à l'antenne et lui c'est le pire de tout. Lui il a fait un braquage, il va nous raconter son histoire dans quelques minutes. On aura également le kiff ta sœur qui va débarquer sur Énergie. Yeah. C'est un peu un kiff ta mère, sauf que je kiffe ta sœur. Ouais, c'est ça. Voilà, je sais pas très bien comment la personne va le prendre. C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure sur Énergie. Le jeu du dragophone également. La friendzone. On a plein de cadeaux pour vous ce soir, je tiens à vous le rappeler. Et le temps pour moi, rapidement, de vous préciser un truc important, c'est que le numéro du WhatsApp, il y en a beaucoup qui le demandent là actuellement sur le SMS, le 3018, parce qu'effectivement, il y en a qui n'ont pas WhatsApp et qui me disent: Vince, je n'ai de WhatsApp, comment je fais pour t'envoyer un message? Alors, c'est très simple. Tu m'ajoutes dans tes contacts et tu écris 0492 222 002. Le 0492 222 002. Là-bas, dès que c'est fait, tu m'ajoutes à tes contacts, écris Vince Energy. Et puis sur WhatsApp, tu peux m'envoyer un message et ça y est, on les lit directement en live à l'antenne. Il y a Arnaud d'ailleurs qui est connecté. Vince, moi je suis en train de manger un McDo. Et ben, bon appétit. Oh. Bon app. Et à Tony qui nous dit: Vince, moi j'ai effectivement vécu à mon boulot un braquage. On s'est fait braquer arme en main, etc. Là, oh, chaud quand même, hein, comme truc. Sergio et Vito sont dans la maison et quelqu'un qui me dit: coucou, moi c'est François. Et ben salut François. Il me demande s'il est dans le groupe. Oui, François, t'es dans le groupe de l'émission. Il y a pas de problème. Forza Juve, je vous écoute en même temps que je mate le match. Merci pour ton message. Et on a plein qui sont arrivés aussi des notes vocales, là j'ai pas eu l'occasion de les play. Alors ça dit quoi en notes vocales? On commence là, hop. Oh les gars, je crois que ça me dit j'ai fumé de la Marie parce que ça part loin. J'ai rien compris, Florian. Je crois qu'il est un peu high. Florian, il faut arrêtez de fumer votre lavande là. Oh là là, incroyable. Quoi, il est passé où là, le 21h21? Ça part ou quoi? Ah ouais, on a raté le 21h21. Non, mais sinon, on le fait pas. Non, on le fait pas. Non, 22h22, ça passe mieux, je trouve. Je sais pas, on trouve ça plus magique un peu en fait. Hein. Vince, n'oubliez pas le plus 32 pour le numéro WhatsApp. Ah oui. Effectivement, faut, pour ceux qui nous écoutent de l'étranger, il faut mettre le plus 32, c'est important. Plus 32, 409, 422, pardon. Plus 32, 400. 192-222-002. C'est clair? Ouais, ça c'est hyper clair. Plus 32-492-222-002. C'est bon? Ouais, c'est bon. Si tes coups de Besançon, 492, ça fait quoi? Ok, ça va. Alors, 04, pardon. Okay. Plus 32, 492 pour les Français, 222. 002, c'est clair? Je crois que là, c'est clair. J'attends de le faire en allemand, peut-être? Vas-y. Non, non, non, je suis incapable de le faire en allemand. Non, non. Ah ouais? Nul, fir. 92. Ok, 92. Oh, moi, arrête de me casser les couilles. Ouais, bah oublie. 002. Voilà. Après, ouais. Hey, franchement, s'il y a des gens qui nous écoutent en Allemagne. Ah ouais. Ah ouais. Wunderbar. Ouais, complètement. Wunderbar. Allez. Vince in the house. Big up, bro. Thank you, Steph. Thank you very much, sir. Elle est dans un autre monde. Ouais, ouais, complètement. Et merci pour tous vos messages. Il y en a vraiment beaucoup qui sont arrivés. Vince, on étudie avec vous dans les écouteurs. Et ben, ça fait plaisir. Et on arrive tout de suite. Bienvenue sur Énergie. Vince, ouais. 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez vos messages. Dès votre réveil, c'est Marco, Jérém et Frisco dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez chaque jour jusqu'à 500€ cash en écoutant Énergie à 8h05. Jusqu'à 500€ cash en jeu tous les jours sur Énergie à 8h05. Pour jouer, c'est simple. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Duel par SMS au 78. Et rendez-vous sur Énergie à 8h05. 1€ par SMS envoyé et reçu. So strong, I know you've been treating yourself wrong. So- le soir dès 21h. Vince est sur Énergie. Welcome sur Énergie. Dans quelques minutes, on va se faire un kiff ta sœur là ce soir. C'est le premier prank de la soirée qui va débarquer là. Merci pour les messages, il y en a vraiment beaucoup. Vince, vous êtes vraiment super, c'est gentil. Merci à tous les nouveaux qui sont là. Salut Vince, vous avez parlé de Braco. J'en ai fait pas mal durant ma jeunesse. Au moins 10 au total. Eh ben, dis donc! C'est incroyable, mais un jour on va avoir la police qui va débarquer en disant bonjour, on a plein de trucs qui lui ont pas élucidé. On aurait bien que vous donniez votre petite base de données, on dirait que vous êtes écouté par les braqueurs, dites donc. Vince, premier sur la Thug Life. Premier sur les mecs en prison. Ouais, aussi, c'est vrai ça. D'ailleurs, on a Clank avec qui il voulait parler avec nous ce soir. Clank, c'est son pseudonyme, hein, avec qui on va parler après le son Dimitri Vegas, Like Mike, Wiz Khalifa. Allo Clank, est-ce que tu nous reçois 5 sur 5 ? Oui, 10 sur 10. Voilà, parfait, encore mieux. Alors Clank, toi mon pote, voilà, t'es... on en parle dans quelques minutes, mais en gros. T'as déjà braqué, t'as fait un braquage ou plusieurs ? Bah juste un, après j'ai regretté. Un seul et puis t'as regretté, c'est parti en sucette il paraît, ça s'est pas bien passé en fait. Voilà. Rassure-moi qu'il n'y a pas eu de mort dans cette histoire parce que ce serait galère d'en parler à l'antenne, tu comprends ? Oui, y'a pas de problème. Et rassure-moi qu'il n'y a pas eu de... voilà, il n'y a pas eu de mort, rassure-moi. Non, okay. Pas du tout. Donc, à ce moment-là, on était encore jeunes, donc... Voilà. Pas le rapport, hein. Ouais, non, mais parce que, voilà... Il y a pas de rapport entre la jeunesse et le fait qu'il n'y ait pas de mort, c'est possible. Ah, bien sûr, c'est tout à fait possible, hein, mais c'est voilà, la raison pour laquelle, parce qu'on me demande aussi sur WhatsApp, pourquoi Vince, pas de mort, je comprends pas, ben, c'est très simple, j'ai quand même un respect, si jamais il y a eu des victimes potentielles, j'ai un respect pour la famille, j'ai pas envie d'aborder ce genre de trucs à l'antenne. Il va nous raconter une connerie de jeunesse, Clan et Noémie, ben, justement l'inverse, elle a été victime d'un braquage, elle va nous expliquer comment ça s'est passé, parce que voilà, c'est des trucs de la life. Et les amis, ça peut choquer ce genre de truc. Hein. Et jusqu'au bout de la vie, tu peux être traumatisé. Exactement, dingue, hein. Exactement. C'est juste après Dimitri Vegas, Black Mike et Wiz Khalifa. When I grow up. Quand je grandirai, j'arrêterai les braquages. Oh my god. Il faut. Bienvenue. WhatsApp, le numéro 0492 222 002. It's true if you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. I'm by my mama house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. Person, I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I made the cars, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing now. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. Yo. I'm by my mama house upon the Yo. Hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. Le soir. Du lundi au vendredi. Dès 1h. Et sur Énergie. Comme sur Énergie, 21h40 les amis, merci. Il y a trop de messages là, il y a Chloé qui est là, Vince mon pote, Lucas fait des bisous à Lara. Oh. Petit message pour toi Lara, t'es trop fort, bisous, bah, merci, c'est gentil, dis donc là. Vince, tu peux mettre Damso VXV et Macarena et du Cobaladé. J'ai déjà trois braqueurs. Mais attendez les gars, je reçois que des messages de braqueurs, je sais pas ce qui se passe dans cette émission, mais c'est un truc de ouf. T'as ouvert la boîte là. Ah mais complètement, la boîte de Pandore, oulala. 0492-222-002, Vince, je vous écoute tous les soirs pour m'endormir, je vous kiffe. Gros bisous à vous, PS, je m'appelle Marine, j'ai 12 ans, gros bisous, merci Marine, c'est gentil ça. Yeah, toute l'équipe, pendant que j'arrache des betteraves, grosse dédicace à tous les agriculteurs, demain, Yacour, Martin, bon courage mon pote Martin là, et il y a Rotaru qui nous divise depuis la Roumanie, je vous écoute avec une heure de décalage, un grand plaisir chaque soir, tard la nuit. Ah oui, donc il doit être 22h41 ouais, alors chez déjà. Toi, hein. On est bien d'accord. Ouais. Et ben ça fait zizir. Bon allez, on récupère Clan, alors Clan, qu'est-ce qui s'est passé, faut que tu nous racontes mon pote, on parle de braquage ce soir. Oui, du braquage. Donc voilà, l'histoire, bah, je vais vous raconter en bref. Donc là, t'as quel âge là par exemple? 29 ans. 29 ans et t'as déconné quand t'avais quel âge? 18 ans. D'accord, ok, c'était une petite dizaine d'années, ça va. Allez, vas-y, raconte-nous voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Il paraît que c'est parti en sucette. Après, j'aurais des trucs à vous raconter, ça va être énorme. On y va. Donc voilà, j'avais un pote que je le considérais comme un frère à moi. Donc on a tout fait ensemble. Et ouais. Puis un jour, on a décidé de braquer une bijouterie qui se situait dans le bas centre-ville où j'habitais. Et puis, en plus, dans le centre-ville où tu habitais. Ouais. C'est dangereux de faire ça dans un endroit où on habite. Non, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de vie. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, vas-y, continue. Ouais. Donc, c'était 9h du matin, donc voilà, on est parti. Je suis rentré, moi lui je lui dis qu'il reste dehors. Je suis rentré, c'était un homme vieux, donc encore pire. Quoi, j'ai pas compris, un homme vieux. Ah, un homme vieux. Mais devant, attends, et t'es rentré avec quoi, t'étais armé, t'avais masqué. Je suis rentré avec un couteau, un couteau. Et t'étais masqué ou pas, ou t'avais une casquette ou comment? Oui, j'avais une capote sur la tête. J'avais juste un capuche, oui. Ah d'accord, donc on voyait ton visage. Ouais, ok. La capuche, mais on voyait pas trop mon visage, c'est juste qui a vu mon visage, juste voilà. Mes yeux, mon nez, ma bouche. Voilà. Ça va. Ah merde, ouais. D'accord, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu voulais nous dire que ça s'est mal passé et tout. Enfin, ça s'est mal passé, ça veut dire qu'il n'a pas eu son truc, j'imagine. Mais vas-y, raconte. Heureusement, Daniel. Non, donc je lui ai demandé qu'il me passe des bijoux et tout. Donc il m'a dit oui. Donc il a commencé à chercher, à faire son plan de chercher et tout. On a vu, il avait déjà appelé les flics. Ah oui, je crois que. Il y a un bouton, je crois. Il y a des boutons, des armes silencieuses. Ouais, hein, ouais vas-y. Donc voilà. Au moment où il a sorti une sacoche remplie de bijoux, donc je l'ai pris pour sortir et tout. Au moment de sortir, je cherchais après mon pote, je l'ai pas trouvé, donc est-ce que j'ai trouvé des flics devant moi. Non, et lui il s'est barré, tu vois. Et voilà, et les flics. Lui il s'est barré? Bah oui. Oui, c'est barré. Ah, donc, pote à mon frère, mon sauce et tout là. Dès que la police arrive, il y a plus de potes qui tiennent, hein. Il y a plus rien. Allez. Là, c'est chacun pour soi là, chacun pour sa gueule. Toi là, t'allais juste braquer pour le mettre bien. C'est pas comme dans GTA les gars, hein. GTA, hop, c'est bon, tu fais le code hélicoptère, t'as un hélicoptère, tu t'envoles. Ah, il a pris tous les risques en fait. Ouais, complètement. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé puisque t'avais 18 ans? Qu'est-ce que t'as risqué? Qu'est-ce que t'as eu comme condamnation derrière? J'ai eu un an de condamnation. Un an. Un an de prison ou t'as pas dû les faire? Non, donc j'ai fait 6 mois. C'était en Espagne en fait, pas ici. Ah, c'était en Espagne, d'accord. En Espagne, ils sont plus sévères. Voilà, donc j'ai fait 6 mois de prison et 6 mois donc sursis. D'accord, mais t'as quand même été 6 mois en prison. Oui, voilà. Ouais. Du coup, la prison, c'est comment? Là-bas, c'est la même chose qu'ici. Est-ce que t'as changé en prison? Ah, attends, il a dit c'est la même chose qu'ici. Donc t'as déjà été en prison en Belgique? Non, pas vrai, mais les gens qui racontent et tout. Donc, je regarde des documents, comment ils sont les prisons. T'sais, les prisons, généralement, je crois que c'est un endroit un peu très mal famé, en fait. Mon pote. Bon, tu regrettes avec la longue, quand même, on est d'accord? Non, moi, je regrette. C'est la bêtise. T'étais jeune et puis t'as été con. Et en fait, t'avais besoin d'argent pour la raison pour laquelle t'as fait ça? Voilà. On avait besoin d'argent et tout. Donc, c'est pour ça. Ouais. Mais besoin d'argent, genre comment? Besoin d'argent, genre pour manger ou alors pour acheter une télévision? Non, n'importe la trique. C'est bien, on était jeunes, on voulait s'amuser. Ouais, pour rien du tout, quoi. Ouais, tu voulais juste braquer. Voilà, c'est ça. Enfin, pour acheter des baskets, quoi. Et je me demande quel rappeur espagnol commençait à balancer des trucs genre faire du braquage et tout, là. Qui? Non, c'est une blague. Non, mais rien, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a un message qui arrive. On me dit, ouais, Vince, c'est à cause des rappeurs qui font trop de trucs de braquage, etc., là, qui influencent la jeunesse. Bah, je pense que la jeunesse, elle est pas conne. Elle sait très bien que c'est comme des films, c'est, comme, c'est pour déconner, c'est pour rigoler. Mais peut-être t'en as effectivement, t'as peut-être un là-dedans sur les 1000 qui ont compris que c'est de la blague. Il y en a peut-être un là-dedans qui se dit, ouais, trop. Vite gangster et tout, trop bien. Ça marche pas. En tout cas, c'est, tu vois, Clan, bah voilà, tu nous racontes ton histoire à l'antenne, c'est très fort. Il y a plein de messages qui arrivent, des gens qui ont été victimes, des gens qui ont été témoins de loin. Je vois vraiment de tout. Vince, un jour, il y a eu un braquage devant moi dans un restaurant et ils avaient des Kalachnikovs. Mais comment les gens font pour avoir des Kalachnikovs? C'est une bonne question, je ne sais pas. C'est... On appelle ça notre dark web. Exactement. En tout cas, Clan, merci à toi d'être passé à l'antenne. Hein. Ouais, merci à vous aussi. Bah, avec plaisir. Et maintenant, ça va, t'es rangé, tu fais un jeu de métier maintenant? Ouais, ça va, je suis ravi maintenant. Voilà. T'as fini les conneries, c'est terminé ça? Ouais, c'est terminé. Voilà, une femme, des enfants, la famille, tout non, ça? Non, pas encore. Pas encore. Voilà. Bah écoute, c'est. Toi, tu trouves qu'on peut mettre ça sur le compte d'une connerie de jeunesse? Alors attention, parce que ce que je veux dire, ça peut faire froid dans le dos. Mais je pense que quand t'es jeune, parfois, t'as fréquenté des gens. T'es pas un mauvais fond, forcément, t'as pas forcément un mauvais fond, non, mais t'as peut-être fréquenté des mauvaises personnes à un moment donné. Ouais, c'est vrai, peut-être ça. Que ta famille était dans une galère pas possible et que toi t'as eu l'impression, faute d'école, faute d'entourage, faute d'enseignement, bah, que c'était ta dernière solution. Ouais, c'est vrai. Et alors donc du coup je n'accepte pas, je tolère pas quelqu'un qui le fait, mais j'arrive à le comprendre. Ça veut pas dire que j'excuse le fait qu'il le fasse, c'est dégueulasse de le faire, faut pas faire ce genre de truc. Ouais. Mais j'arrive à comprendre le mécanisme qui amène quelqu'un à devoir braquer. Il y a peut-être des moments où le faire. Voilà, exactement. Parfois, on a l'impression qu'on se dit. Il y a des gens qui le font et qui n'en ont pas nécessairement besoin. Ouais. Non, mais c'est. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de trucs pour la gueule. Et par exemple, moi, ce qui me fait super mal au cœur, j'ai un voisin, il tient une librairie et il m'a dit ouais, c'est bon, j'arrête. Je fais pourquoi t'arrêtes? Non, mais parce que je me suis fait braquer 6 fois en 2 ans, j'en ai marre. What? Je fais quoi, 6 fois en 2 ans? Il me dit ouais, en plus, comme je suis à côté de l'autoroute, c'est toujours moi qui me fais braquer. Et en plus, les mecs, les cons, ils partent avec 200 euros, quoi. C'est-à-dire que tu vas braquer, tu risques 200 balles au final. T'as des gens, ils vont braquer, ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Ils vont braquer pour 200 balles et ils sont recherchés par la police pour 200 balles. Non, mais c'est un passage, c'est surtout que tu traumatises des gens pendant bien sûr, toute une vie. Tu détruis des vies, même. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a voulu fermer. Il avait un business et tout. Il s'est dit, c'est bon, je ferme. Je pars à la retraite, je suis pas bien, je vois un psy. Non, ça peut briser des gens, ça. Hein. Ça peut briser une famille, même. Hein. Parce qu'à partir du moment où c'est un père de famille ou une mère de famille, hein, n'importe, qui a été victime de ça, je te dis pas comment toute la famille doit le ramasser à la petite cuillère derrière et après, c'est un cercle vicieux, quoi. Et on a Noémie justement qui a été victime de ça, et ça c'est assez dingue. Allô Noémie? Oui, je suis là. Rebienvenue à toi Noémie. Noémie, on va parler avec toi dans quelques instants. Tu m'excuses ma chérie, il y a tellement de choses qui se passent dans cette émission parce que je sais que ça fait déjà longtemps que t'es dans le standard. Mais toi en gros t'as été victime d'un braquage. Est-ce que t'en ressors avec des séquelles psychologiques et tout, ou ça va? Bah, au début, c'était un petit peu difficile à gérer, mais après autant d'années, bon, maintenant ça va, tu passes dessus. Maintenant, ça. Voilà. Mais tu sais quoi, attends, vas-y, on a le son de Maître Gims, mais on va quand même en parler avec toi. On a eu quelques minutes, là, on va parler avec toi tranquille. J'ai pas envie de presser la chose. Noémie, comment ça s'est passé? Raconte, tu bossais dans quoi? Donc, j'ai travaillé au CUIC quand j'étais étudiante. Ouais. En plus, étudiante. Donc, j'étais là le matin avec mon équipe pour faire la mise en place. Mmh. Donc, les portes étaient fermées. Et à un moment donné, il y a un monsieur avec son chien est venu toquer à la porte pour demander s'il pouvait faire un petit tour aux toilettes. Mon collègue lui a ouvert. Donc, il a montré le chemin des toilettes. Après, bon, on a continué un petit peu à faire ce qu'on était occupé. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est passé par l'arrière, en cagoulé, et qui nous a tous demandé de nous coucher. Et donc, ils ont demandé où étaient les caisses, où était le coffre plutôt. Et donc, ils étaient à 3. Un est descendu avec une responsable, et les 2 autres sont restés en haut, donc mettant. Oula, attends, on commence à te perdre, Noémie. Tu passes sous un tunnel, on dirait. Et Noémie, ils avaient des cagoules ou pas? C'était armé. La première personne, apparemment, qui est venue avec le chien. Oula, non, on t'entend plus, Noémie. Malheureusement, on t'entend plus du tout, là. C'est le braqueur qui intercepte Ouais, c'est ça, ils interceptent le signal. Et tu perds le réseau. Ça a l'air d'aller, je sais pas pendant combien de temps. Vas-y, continue, raconte. Donc, je disais, la personne qui est venue prétexter qu'elle voulait aller aux toilettes n'avait pas de cagoule d'après le collègue, mais les 3 autres, oui. Ils étaient armés ou pas? Oui, ils étaient armés. Oui. Ah, c'est doux parce que le mec, vous l'avez quand même en caméra de je veux dire, le premier gars là, qui est venu ouvrir la porte et tout ça, il est sur une caméra de surveillance, lui, tu vois. Donc, C'est possible, mais à ce moment-là, est-ce que lui faisait partie des trois et qui est en cagoulé? Mais il n'y a pas eu d'enquête? Il y a une enquête, j'imagine, non? Oui, il y a une enquête. Parce que le type avec son chien, il n'est pas ressorti a priori parce qu'il était aux toilettes? Ouais, c'est ça. Non, je ne sais pas parce qu'il a été visité tout seul pour aller aux toilettes. Mais apparemment, d'après l'enquête, la personne qui est venue avec le chien connaissait très bien. Voilà. Oui, c'était sûr. Et il est parti ouvrir et tout ça. Bah, s'il les connaissait. Il est parti ouvrir, il a renseigné ses contacts. Bah donc, voilà. Oula, on t'entend très mal en fait, Noémie, t'as mis un kit oreillette à nos parleurs? Non, pas du tout, je suis avec. Ah, c'est bizarre, non, je sais pas, il y a le réseau qui passe bizarrement. Ah non, mais c'est chaud, dis-nous, vous êtes déjà été témoin d'un braquage, là, dites-nous là sur le WhatsApp. Lara, t'as déjà été jamais, et toi, Nigel? Ouais, enfin, moi, c'est plus d'un vol, de vol de sac à main, un carjacking, là. Carjacking? Ouais. D'accord, ils n'étaient pas armés. Un carjacking? Ouais, un carjacking. Parce que c'est pas vraiment avec braquage. Avec la voiture ou avec le sac? Non, avec la voiture. Genre, ils ont sorti la personne devant moi, genre. What? Ouais, non, j'ai. Mais en plus. Ah, ils ont volé la voiture, en fait. Non, genre, ils ont pris la femme de la voiture, ils l'ont jeté d'or, ils sont partis. Ils sont partis avec la voiture. Ouais, ils sont partis avec la voiture. Il dit non, alors que c'est oui. D'abord, il dit un sac-jacking, ensuite il dit un car-jacking. Ouais, mais bref, vous m'avez compris, genre, ils ont juste volé la voiture, quoi. C'est ouf. Un jour, j'étais sur ma terrasse tranquille et j'entends la police et tout, j'entends des cris. De loin, et en fait, c'est le cul devant chez moi. J'habitais à Anderlecht, là près du Cora, pour ceux qui connaissent et tout, et le cul qui s'était fait braquer. Et il y a eu un tir qu'on a tous entendu, et en fait, la balle s'est logée dans le bâtiment à côté. Ouais, la police scientifique a débarqué pour retrouver. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu des tirs, et en fait, c'est un tir d'un des malfrats qui était là-bas, qui a tiré, il y a eu une balle perdue. Mais t'imagines, elle atteint un mur. Imagine, elle tue quelqu'un de loin. Non, mais ce serait. Aucun rapport. Ce serait ouf, quoi. Imagine, pour tous les petits vieux qui sont curieux et qui regardent par la fenêtre. 30 000 points! Ouais, grave! J'adore parce que me dit Vince, moi j'ai déjà été témoin d'un braquage sur Netflix. Ah bah bien sûr, bah, je crois que tous on a été témoin d'un braquage sur Netflix. La mattina, mi sono alzato. Je précise, des braquages c'est pas cool. Hein. Non mais c'est pas parce que vous avez vu Netflix, la Casa des Papel où ils volent de l'argent, genre d'une banque qui existe même pas, machin chose, que vous croyez que c'est cool. Hein. C'est pas cool. Hein. Mais Florent qui me dit Vince, moi on m'a volé deux tracteurs agricoles. Ah ouais? Ah ouais, purée, merde, ça se démarre comment? Avec des clés? C'est bizarre quand même. Ouais, c'est chelou. Ouais, on remercie en tout cas Noémie. Merci Noémie d'être passée à l'antenne. Hein. Avec plaisir. Un gros bisou, ciao, ciao. Bisous, ciao. Bye bye. À Vince, à la naissance de mon frère, il y avait deux jours. Oula, Vince, à la naissance de mon frère, il y avait deux jours. Mais t'as vécu quoi à la naissance de ton frère? J'ai pas bien compris le truc. Hein. Alors, putain, on m'envoie des messages de ouf. Moi, on a tenté de me faire un carjacking sur moi. Vince, je suis totalement d'accord avec toi. On peut comprendre les gens, mais pas tolérer ce qu'ils font. Vince, salut. Tu sais avoir des armes venant de pays de l'Est pour 400 à 600 euros. Les Kalachnikovs, c'est des armes qui viennent de l'ancienne URSS, un truc comme ça. Ouais, effectivement. Un truc comme ça. Ouais. Non, depuis la chute de l'Union soviétique et tout, il paraît que ça s'est retrouvé un petit peu partout là. Bah oui. Eh, mais j'ai des témoignages de ouf. J'ose même pas les lire à l'antenne. Je te jure, je lis des trucs à l'antenne. Il y a la police qui débarque. C'est très sérieux. Non, putain, faut pas déconner, Vince, tu as entendu parler de ce truc, c'était nous. Non, bah arrêtez, c'est pas drôle, là, franchement, faut pas mettre la pression comme ça, là. Eh, mais vraiment, c'est ce genre de truc, quoi. Bon, allez, les amis, c'est parti, on va se faire un petit kiff tranquille tout de suite avec. Non, pas ça. D'abord, je voudrais qu'on écoute Corazon. David, mon Corazon qui a disparu de mon ordinateur. Ouais, c'est trop bizarre. Voilà, je voulais jouer Corazon et Corazon, il a disparu. Donc ça c'est pas juste. Bon Nigel, la suite du programme c'est quoi? Le temps de brancher mes trucs là. Ben après là on va faire un kiff ta sœur. Enfin un kiff ta sœur. Après on va aussi parler des enfants tueurs. Donc il y a une auditrice qui s'appelle Joy qui fait des threads sur Twitter qui va venir nous raconter un peu ça. Super. Ouais, et après ça on va aussi faire le dragophone qui est très attendu. Allez, est-ce c'est que parti. T'as trouvé la chanson? Oui. C'est bien parce que quand le cora se fait braquer. Corazon. Allez, 0492 222 0002. Bienvenue. Corazon. Tu fuis, tout toi, qu'est-ce que je suis, Nicolason. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, Nicolason. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, ne t'en vas pas, Nicolason. Corazon, Corazon. Pardon my French, it's Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist, counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together. My act together, your man heart black as leather. Me and you could get together, make nasty weather. Her name was Marie, I met her in Paris. She a thief cause she stole my... She love to hear it beat. I love her from my head to her feet. She my sweet, sweet. Warm hearted, hot French missus, French kissing. And she got that French dip. I'm French dipping. Tell your boyfriend, listen, I am what you've been missing. Tune, she got your quarters on skipping. Corazon. Au revoir. Dis-moi pourquoi tu fuis. Tout toi, qu'est-ce que je suis, Nicolas. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, Nicolas. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas, Nicolas. Baby, comment allez-vous? Coupe like a freestyle, top off the roof. I'm a new, you know the yacht like a cruise ship. Need to a Rory, diamonds freezing on my deuce and lion face. I'm talking about a 100 links. Fat tears, big beers, Usama cake. Hey, a brother like peers. Multi-millionaires for 20 years. Move it up, 24K gold solid. Through my city flow, did it up. Fresh vanilla on our rock, on our rock. I make it melon, do the pop. Bottom of the pot, on the top and the bottom, from the bottom to the top, yeah. And then you know what I'm on. Grind all night, count money in the morning. Corazon, dis-moi pourquoi tu fuis. Tout toi, qu'est-ce que je suis, Corazon. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, Corazon. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas, Corazon. Ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazon, dis-moi pourquoi tu fuis. Tout toi, qu'est-ce que je suis, Corazon. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, Corazon. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas, mi corazon. Corazon. Corazon. Dis-moi pourquoi tu fuis. Tout toi, qu'est-ce que je suis, mi corazon. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, mi corazon. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas, mi corazon. Corazon. Corazon. Maître Gim sur Energy avec Corazon. Mon Corazon. Corazon. Allez, la Camorra, c'est ce qui va arriver. On va parler avec Brian dans quelques secondes, là, qui va faire le kiff ta soeur ce soir. Et on a plein de cadeaux à vous offrir, les amis. Des places pour la symphonie Dragon Ball également. Des accès pour la nuit d'Halloween à la Louvière. Tout ça pour les vacances de Toussaint. C'est génial. Le soir. Du lundi au vendredi. Ouais. Dès 21h. Vince. Et sur Énergie. Exactement, bienvenue sur Énergie, les amis. On est en live. Vince et Drame. Maison. Voilà qui fait plaisir. Bon, attention, les amis. J'avais dit que j'allais chercher des histoires bizarres de braquages ratés. Ouais. Eh ben, j'en ai pas mal. Hein. Bah, non, mais j'ai un petit top là, très sympa, de gens qui ont tenté de faire des braquages et qui ont un petit peu, voilà, qui ont un petit peu fait les cons. En fait, j'en ai un là. Il est pas mal. C'est celui de Matthew McNally et Joey Miller qui ont foiré leur braquage. Ils entrent dans le Panthéon. Ils sont champions du monde. Tu sais ce qu'ils ont fait, Lara ? Non. Ils sont rentrés, ils ont braqué, mais comme ils n'avaient pas de cagoule, ils se sont grimés le visage. D'accord. Et en fait, ils ont pris un marqueur et ils ont dessiné sur leur visage. Voilà. C'est très sérieux. Non, c'est très mais sérieux. C'est un marqueur noir. Ils ont fait genre juste comme les masques de Zorro. Ouais, exactement. En gros, ils ont juste essayé de faire un blackface, c'est tout. Voilà. C'est nul. Ça ressemble à rien. On les c'est reconnaît. Moche. Bah, on les reconnaît de ouf. Ils pensaient qu'on n'allait pas les reconnaître. Voilà, c'est un peu con. Hein. Bah, voilà, tu braques, c'est comme déjà de base. Bref, il y en a un autre aussi. Il n'avait pas de cagoule. Lui, tu sais ce qu'il a mis ? Non. Du ruban adhésif. Voilà. Bah ça déjà c'est mieux. Oui, c'est on c'est dirait mieux. Plus l'homme invisible. Voilà. Ouais, c'est ça. Ou ça. La momie. Un petit peu bizarre. Hein. Et puis sinon, t'en avais un autre aussi qui a. C'était assez spécial en fait. Il rentre dans une. Il y a une vidéo là qui est sur le net. Elle est à mourir de rire. Bon. C'est un mec qui rentre. Bah, je peux pas te la montrer. Ça va être compliqué. Hein, c'est la radio. Il rentre dans une petite épicerie. Il veut braquer. Sauf que son téléphone. Allez, son flingue lui glisse des mains. Wow. Ah, on a vu cette vidéo. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il a les mains moites, il est stressé. Oh, ah ouais. Et quand il a les mains moites, hop, il sait pas. Le pauvre, heureusement. Non, mais tu sais que je pense que c'est pour ça, alors peut-être qu'ils mettent des gants. Ah, peut-être. Hein. Non, c'est pour les empreintes. C'est pour les empreintes. Ah ouais? Le type n'a jamais vu les experts manatales. Non, j'ai surtout jamais braqué. Alors, sinon, en septembre dernier, il n'y a pas très longtemps, Johnny Morgan est l'un des. Non, il venait d'un bled de l'Ohio, là, le mec. Et en fait, il s'est positionné. Comment je peux expliquer? Il s'est positionné malgré lui dans la palme du braqueur le plus abruti de l'histoire. Le mec, il a braqué et il s'est vanté sur les réseaux sociaux. Mais quel con! Avec la liesse de billets, en disant ouais, j'ai braqué, machin, avec une belle photo selfie de lui. Mais il est teubé ou quoi? Et la police a débarqué tout de suite chez lui. Non, voilà. Mais bravo, Moret, quoi. Ouais, non, mais complètement. Sinon, il y a des braquages avec un mec qui a voulu s'enfuir et courir, et il avait le froc trop large, et donc du coup, il est tombé par terre. Parce qu'il portait son pantalon qui était trop large. Ah, non, faut mettre des slims. Hein. Et vous avez vu cette vidéo du braqueur, là, sur le net? Elle est super connue. Un mec, il est là, il est super poli. Bonjour, voilà. Oui. Ce serait, s'il vous plaît, pour un braquage, excusez-moi. Il lui donne l'argent. Hein. L'autre lui donne l'argent, ouais, parce qu'il a pitié de lui. Tu fais, allez, vas-y, prends, parce que t'es en galère, là. Allez, ouais. Ce genre de. Gentleman braqueur. Ce genre de situation. Et, ah, et vous avez entendu parler de l'histoire de Charleroi? Non. Eh, mais Charleroi, c'était ouf. Ah oui, c'est passé quoi? À bah, Charleroi, il y a c'est deux braqueurs, en fait. C'est vraiment les plus idiots. Mais c'est un truc de ouf ce qui s'est passé à Charleroi, là. Ça et s'est passé. Alors, attends, j'essaie de retrouver quand ça s'est passé. Ah. Laisse-moi trouver, là. Ah merde, mais j'ai pas l'info de quand ça s'est passé. Ah, c'est dommage, hein. C'était il n'y a pas très longtemps en fait. Hein. En fait, en gros, il y a un mec qui s'appelle Didier, il tient un magasin de cigarettes électroniques à Montigny-sur-Sambre. Ah bah ça s'est passé ce samedi en fait. Hein. Voilà, ouais. Je crois que j'ai trouvé l'info. Ce samedi. Ah, okay. Voilà, vers 15h. Et en fait, il y a 6 individus qui entrent dans le magasin. Et il y en a 2 qui ont commencé à soulever leur t-shirt pour montrer qu'ils avaient des états armés et tout. Et les esprits commencent à s'échauffer, etc. Et en fait, Didier, le mec qui tient le magasin, leur a dit: écoutez, les gars, revenez plus tard, parce que là, la caisse, elle n'est pas remplie. Là pour l'instant, il y a genre y a la caisse elle est vide. Si vous revenez plus tard, genre vers 18h30 et tout, eh ben il y a pas de problème, la caisse sera remplie. Les mecs ils font ah ok, tranquille. Ils ont dit ok. Ils ont dit ok. Ils ont mais dit frère, okay. C'est comme si moi, je viens de braquer, je te dis frérot, donne-moi ton bif, tu me dis non, je te dis ah vas-y au calme frérot, je reviens après à 18h, je joue c'est à ça. Avec mes gars, j'arrive. Donc, les mecs ils étaient ici, c'était armé. Le mec leur a dit mais ça sert à rien de venir maintenant les mecs, j'ai pas de thunes. Bah ouais. Donc ils sont partis. Il a appelé la police. À 18h30, ils sont revenus. Mais et la police les a chopés. Ah, mais si. Voilà. Il y en a qui fument de la bonne. Hein. Ouais, mais du coup, ta musique, elle passe bien. Ouais, t'as j'ai vu ça. J'ai grandi à Charlouze. Charlouze. Malheureusement, elle est pas prête, tu vois. Là, c'est pas grave. Vous me prenez moi. Au dépourvu dans cette émission. Je l'ai fait moi, t'inquiète. C'est incroyable. Bon, allez, les amis, on arrive tout de suite avec Brian qui est là. Salut, Brian, comment ça va? Yo, les gars. Brian est dans la maison. Brian, allez. Est-ce que tu es prêt, mon pote, pour faire un kiff ta sœur ce soir? À fond, je suis chaud, mon gars. Eh ben parfait, on va téléphoner à qui? On va téléphoner à l'INSEE. Et tu vas lui faire croire que tu kiffes sa sœur, donc? Ouais. Et quoi, l'INSEE, t'as des sentiments pour elle ou pourquoi? Ouais, j'ai des sentiments pour elle. J'ai même rejoint son école et tout en même temps. Donc, eh ben c'est tout de suite sur Énergie, bienvenue. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes? Les nommés sont... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur energy.be. Les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1. Energy, hit music only. Reflecting my perspective, and now I know the love is never simple, no matter high or low. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. We don't need no drama, don't need problems in my head. We don't need no drama, dance with my body instead. When the night falls on us one by one, we will forget every bit of that drama, 'cause we don't need no. In a different lingo, you told me your heart broke. You've been reflecting, telling blessings, and now you know the love is never simple, no matter where it goes. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. Things are never simple. I guess if you don't wanna change your mind, you just gotta let me know. I told you before, told you before though. I just wanna dance with you, get involved, forget all of this drama that's getting old. And if it brings you pain, then it's okay. Don't need problems in my head. We don't need no drama. Dance with my body instead. When the night falls on us one by one, we will forget everything of that drama, 'cause we don't need no. Need that drama, 'cause we don't need no drama. 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Hey, welcome sur Énergie, les amis, on est en live. J'espère que ça se passe bien, tranquille. Oh, ça gueule. Doucement, les amis, il est 22h05 exactement. Nous sommes en direct, bien sûr. Mardi 23 octobre, bon anniversaire si c'est votre anniversaire. Et merci à Mégane qui nous envoie des messages, à Edwin aussi qui m'envoie une photo. Il m'envoie des photos, il m'envoie des drapeaux. Pourquoi tu m'envoies des drapeaux? C'est bizarre quand même. Il y a Théo également qui est connecté, il y a El Refe qui est là aussi. Et Mégane qui nous dit sur quoi je tombe, sur mon fil d'actualité. Ah ben voilà, l'histoire belge à Montigny-sur-Sambre, c'est drôle, on en parle. Et tout d'un coup, bah boum, ça apparaît. Avec Didier là, qui a demandé à ses braqueurs de revenir plus tard. Histoire bizarre, hein. Et les mecs, ils sont revenus quand même. Non mais vraiment, je les dédicace. Je sais pas s'ils sont en train de nous écouter, ou si la famille de ces braqueurs là sont en train de nous écouter. Mais vous, c'est magistral, le mec vous dit, j'ai pas de thune maintenant, revenez après. Mais... En fait, il voulait faire des usuriers un peu. Il voulait lui dire du ouais, coup, donne-nous 1000 euros par semaine pour assurer ta protection. Ah, c'est ça qu'il voulait faire. Ah ouais. Ouais, mais c'est des vieilles techniques là. Qu'ils font. Mais... Il y a beaucoup de gens qui font ça avec des boîtes de nuit. Mais ils ont trop vu des, ils ont trop vu de films. Du coup, est-ce que tu peux être, enfin, est-ce que tu es considéré comme un criminel si t'as pas vraiment braqué? Bah si, t'as fait quand même des menaces. C'est une tentative, hein. Ah, voilà, il y a eu intimidation. Ah, okay. Non, mais c'est super grave. Non, mais vraiment, en fait, parce qu'il y en a qui me demande, mais Vince, en fait, je comprends pas. J'ai lu sur internet que les mecs ont demandé de protéger, mais c'est pas une agence de sécurité. Non, je vous explique. Merci à Marion qui m'a envoyé ce message. En gros, il y a une méthode qui se fait parfois chez certains, pas des braqueurs, mais chez certains malfrats, c'est d'aller te voir dans des commerces, et dire bonjour, voilà, tout va bien, il n'y a rien de cassé. Non. Nous, on est là pour assurer votre protection. Alors la personne va dire, non mais écoutez, moi j'ai pas de problème, il n'y a aucun risque, tout va bien, mon magasin, ma boulangerie, elle roule, il n'y a pas de soucis. Et là la personne va dire, ah mais vous savez, vous êtes dans un quartier, alors le malfrat va dire, vous êtes dans un quartier dangereux monsieur, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment, nous on est là pour assurer votre protection. Au début tu comprends pas très bien, et après, tu dis non, mais non écoutez ça m'intéresse pas, ça vous intéresse pas? Pas de problème monsieur, le lendemain tu reviens, il y a ta vitre qui est pétée. Alors toi tu sais pas si c'est eux ou tu penses bien que c'est eux. Alors du coup les mecs reviennent. Toi, t'as intimidé. T'as intimidé, t'as peur. Et donc les mecs ils reviennent en disant ouais, vous avez vu hein, on vous avait dit fallait qu'on vous protège et tout. Et en fait c'est ça qu'ils font, tu vois. Si jamais tu veux pas assurer, tu veux pas fonctionner avec eux et que tu refuses leur protection, ils cassent tout. Et après, dès qu'ils ont fini de casser, ils reviennent le lendemain en disant « Bon, tu veux notre protection maintenant ?» Ouais, mais après, s'ils ont cassé et que c'est pas plus grand qu'une pièce de 2 euros, ils peuvent appeler Carglass aussi. C'est vrai, effectivement, ça peut être réparé. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des endroits où c'est vraiment comme ça, genre dans des quartiers ou quoi? Bah si, c'était comme ça dans certains endroits que je connais. Ah oui? Ouais. Ouais, Chicha Canal. Chicha Canal. Ah oui, non mais oui, Chicha Canal. Ouais, je balance des trucs. Non mais il y a plein de machins, surtout les boîtes de nuit. Hein. J'étais un jour avec un patron de boîte. J'étais là, j'attendais, j'avais mixé et tout, tranquille, j'étais installé. Et là, je vais tordre le nom, je vais rien dire du tout. Et là, tout d'un coup, il y a des mecs bizarres qui montent et qui commencent à parler avec lui. Et tu sais, le patron de la boîte, c'est aussi un peu un genre de gars, il faut pas commencer à chipoter avec lui, tu vois. Et là, c'était très spécial puisqu'il y avait une conversation de « Écoute, on est là pour protéger, parce que tu vois, ça peut vite arriver !» Et le mec fait « Non, je vous donnerai pas de thunes, parce que je sais, de toute façon, on a... » Et c'était une discussion, mais qui allait... Vraiment, les mecs, ils ont insisté. Et là, c'était une battle d'intimidation. Qui va plus intimider mais qui, écoute, tu vois? C'est comme ça, c'est le monde de la nuit. Ah oui, complètement. Non, mais c'est... Voilà, c'est spécial. C'est hein. Dark, c'est noir. C'est Batman, exactement. Bon, les amis, Brian avec nous. Brian, ça va toujours, Brian? Ça va très bien, faut juste se dépêcher parce qu'apparemment elle va aller manger. Ouh là là. Attention, Brian, on récapitule pour les auditeurs qui viennent d'arriver tout de suite à l'instant même sur Énergie. Brian, tu vas nous faire un kiff ta sœur. Alors, le kiff ta sœur, c'est que tu vas téléphoner à une copine à toi et tu vas lui dire que tu as des sentiments pour sa sœur. De base, c'est une blague, mais est-ce que c'est vraiment une blague ou il y a un truc sérieux là derrière? Non, c'est vraiment une blague. D'accord. Parce que même ta sœur était née au courant. D'accord, ok. Ah, ok. Ok, t'as mis la sœur au courant, super. Et la meuf que tu vas appeler, c'est une meuf avec qui ça se passe comment? C'est une amie uniquement ou il y a plus? Non, il y a plus. Ah, vous êtes ensemble en fait? Ouais. Ah, c'est une sorte de bébé. Bah, c'est un bébé, je les connais en fait. Bah, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est le bébé, j'ai déconné, je kiffe ta sœur. Voilà. Allez, c'est parti, on appelle. Brian? Oui. Concentration totale, on appelle, c'est parti. Attention. On appelle l'INSEE en direct sur Énergie, bon courage. Allez. Allô? Allô, bébé, ça va? Oui, et toi? Ouais, dis, voilà, je t'appelle parce que je t'avais dit qu'il fallait qu'on parle de quelque chose d'important. Vas-y, j'écoute. Voilà, c'est pas facile. J'espère que tu n'énerveras pas au moins. Vas-y. Voilà, ce qui se passe, c'est que Leslie et moi, donc ta sœur, tu sais bien. Ouais. Ça fait un moment qu'on se reparle, depuis que je ressors avec toi, tu vois. Ouais. Et tu sais qu'elle travaille dans une boulangerie. Ouais. Et bah, si tu veux, bah, tous les jours après le travail, bah, je la vois. Je vais la rechercher à la boulangerie, etc. On discute, etc. Et du coup, bah, on a créé un lien. Et un jour, bah, ça allait pas, etc. Et je lui ai demandé des nudes alors que j'étais déjà avec toi. Ouais. Ouais. Et je les ai, reçus. Et moi, j'en ai envoyé à elle, etc. Et du coup, ça fait, pour le moment, ça fait tous les jours qu'on se voit. C'est pour ça que tantôt, quand je t'ai dit que j'allais pas en ville, bah, c'était pour aller la voir. Ouais. C'est une blague. Ah. Non, c'est pas une blague. Parce que c'est pour ça que je veux absolument que je t'en parle, etc. Puis, bon, d'un côté, tu sais bien que toi, elle a des plus belles courbes. Et accroché, voilà, dinguerie. Oh là là. Elle est vénère, mesdames et messieurs. Elle est vachée. Ouais, elle, quoi, les elle t'a raccroché au nez, mais elle a même pas demandé son dû. Elle a pas chipoté. C'est un truc de ouf. Bon, bon, bon, écoute, Brian, on va la rappeler tout de suite. Ouais. Oh, purée. D'habitude, c'est les gens, ils font espèce de connard. Et ils raccrochent là. Ah non, elle rigole pas, elle. On cherche même plus. Putain, c'est un truc de ouf. Ou alors, il y a plus de batterie. Non. Attends. On rappelle. Putain. Attention, Brian, on rappelle. C'est chaud. Ouais. Allez. Oh non, décroche. Elle va voir sa sœur. Ouais, elle va peut-être voir sa sœur, là. Allô. Pourquoi t'as raccroché? Oh non! Oh putain! Là, faut raccrocher. Bon, messagerie vocale. Aïe, aïe, aïe, ça sent mauvais. Elle nous a entendu ou pas? Oh non! Non, je crois que ça sent très mauvais. Je pense que la situation est catastrophique. Ouais, là, ça pue. Là, ça pue grave, là. Bah ouais, mais c'est toi aussi. Attends, on va essayer de rappeler, là. Oh là là. Bon, ça craint un petit peu, là. Un peu beaucoup. Elle est partie frapper sa sœur. Ouais, il y a peut-être des chances. Allez, allez, faut qu'elle décroche, là. Oh là là. Allô? Oh non! Oui, mais écoute. Mais elle pleure. Pourquoi t'as raccroché? Bah parce que tu crois que je vais faire quoi? Je vais te dire que c'est bien, mon garçon. Tu me trompes avec ma soeur, c'est magnifique. Non, je la trompe pas avec ta soeur. C'est juste que, voilà, moi je t'en parle, tu vois, je suis honnête avec toi. Bah ouais, mais pourquoi, enfin, je sais pas, avec ma soeur, quoi. Bah écoute, si ta soeur te respecte quand même. Père. Franchement, je pense qu'elle l'aurait stoppé, mais elle a pas stoppé, donc c'est qu'elle en veut, et moi d'un côté, je la kiffe, tu vois, mais je veux pas que tu raccroches, je veux pas que tu t'emballes. Donc ça veut dire que en fait c'est fini quoi. Oh non. Non. Écoute, non, je veux les deux. Pourquoi t'as raccroché? Bah tu la kiffes. Non, chou, écoute B, raccroche pas, ok? Mais tu veux que je fasse quoi alors? Pleure pas, fragile. Arrête d'être. B. Ah. Quoi? Moi je suis dans la pleure pas, s'il te plaît. Pourquoi? Non, je ne suis pas dans un état comme ça. Attends, je vais me dire, on va tourner à rigolade. C'est tantôt que je te disais qu'il fallait que je te parle quelque chose d'important. Non. Ouais, bah ça j'ai compris. Ouais, mais avec ma sœur, quoi. Je sais pas. Non. Lui il devrait arrêter aussi, Brian. Je sais pas. Mais non, chacun ses pleurs. Dégueulasse. Avec Leslie. Hey, les auditeurs, vous choisissez. Vous voulez que ça continue ou vous voulez qu'on arrête, les auditeurs? Vous que choisissez. Eh, pas deux fois, frère. Laisse la chialer, c'est bon. Je vais te le dire. Tu vas faire un choix. C'est soit moi ou c'est elle. Oh, ah, mais donc elle est quand même contente s'il va avec sa sœur. Eh ben, non, elle réagit de merde. Dis-moi, je vais te le dire. Si jamais tu l'as choisi, elle me parle plus. Si jamais tu me choisis, moi. Me parle plus. Ouais. Voilà. Vous êtes pas cool. C'est 50-50, quoi, continue. Voilà. Dis-moi pourquoi je devrais prendre toi. Je veux juste savoir ça. Comme ça, c'est bon, ça prouve, c'est ok. Dis-moi juste pourquoi toi. Oui, je veux entendre je t'aime et tout. Pourquoi moi? Parce que je me suis quand même battue pour toi. J'essaie quand même de me déplacer pour toi alors que j'habite en Ogie. Il me faut 2h20 de bus pour venir te voir jusqu'à Liège. Et moi, je peux encore quoi prendre mon courage à deux mains, tu vois, et me taper 2h20 de bus. Demain, si jamais je n'ai pas de bus, j'y vais quand même à pied. Je voulais quand même aller à pied pour te voir avec mon genou déclassé, mais j'en ai rien à foutre. Je vais quand même venir te voir. Attends, Christelle. Non, là, c'est sérieux. Non, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ah, c'est la sœur. Oui, c'est bon. Elle rigole. Mon cœur. Quoi? Je vais pas non plus aller loin jusque-là parce que je vois que ça te fait hyper mal. Attends, mais on va lui dire la vérité. Allô, ouais. Lindsay? Oui. Ouais, je t'explique. Je suis un pote à Brian, là. En fait, ce que Brian, il voulait te dire, c'était. Il osait pas te le dire. Donc, du coup, moi, je vais le dire. C'est qu'en gros, ce qu'il voudrait, c'est coucher avec toi et en même temps avec ta sœur. Il osait pas te le dire. Non, non, Lindsay, c'est une blague, t'es sur énergie. C'est une blague. T'es sur énergie. Allô. Mais non, t'es pas à la radio, on pas. Lindsay. Oui. T'es sur énergie. 21h minuit. Tous les soirs. Oh mon dieu. Mais je Vince, pas. Tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser. Allô, Lindsay. T'as oui. Chier. Brian, explique-lui, dis-lui tout. B. Oui. Mon cœur. Oui. J'entends plus. Je l'entends pas. Là, vous attendez. Attends, tu vas l'entendre. Voilà, là, vous entendez. Elle t'entendait. Mon cœur. Allô. Ouais, mon cœur, c'était une blague. T'es sur énergie. Ah ouais. Purée. Et ta sœur était dans la combine et tout, comme ça, tu sais. Oh purée, moi, je crois que j'ai balancé la punchline. Tu sais, moi, je me suis dit, elle va comprendre que c'est une blague, tu vois. Ouais, il voudrait coucher avec toi et avec ta sœur en même temps. Mais vas-y, mais pourquoi tu veux toujours arrêter quand il pleure, quoi? Mais la gueule, parce que c'est horrible. Mais non, mais flemme, frère. Mais non, mais la pauvre, j'ai pas envie de faire mal au cœur aux gens. Mais c'est non, tout. Mais c'est ça le plus drôle, c'est quand mais il pleure. Toi, t'aimes bien les films d'horreur, t'aimes bien les films comme ça où les gens souffrent. Non, mais quand aux auditeurs, cool. On aime trop quand il pleure. Non, c'est pas. T'as dit quoi, Lindsay? Non, elle dit à sa famille. Ah ouais, à sa famille. Non, mais c'est pas drôle quand quelqu'un se met à pleurer. C'est drôle avant, et puis dès que la personne se met à pleurer, c'est plus drôle. Non, mais on s'en fout quand elle dit qu'elle fait 2h20 de bus pour aller chez lui, on s'en fout. Ah non, c'est enfin justement, alors là, Lindsay, franchement, t'as dit un truc qui m'a beaucoup touché, même si c'est pas à moi que tu l'as dit, mais c'est à Brian. Tu tapes 2h20 de bus pour aller le voir. Bah oui. Eh ben Brian, tu ferais mieux de faire autre chose que faire des blagues à la radio. Tu ferais mieux de lui offrir un bouquet de fleurs, hein. Parce que ça, non, c'est quand même. Wow. Ça, c'est prévu quand j'aurai la première touche. Ouais, ah bah, mais par contre, premièrement, ouais. Eh ben bravo, hein. Eh, 2h20 de bus, tu te rends compte ce que c'est? Ça, c'est de l'amour, hein. Parce que je connais des meufs, genre, viens me chercher. Oh non, flemme, c'est trop loin. Je connais des meufs, elles doivent faire Saint-Guidon jusqu'à Bizet, à Bruxelles et tout. Elles disent, ah non, un arrêt de bus, un arrêt de métro. Ah non, ça me fait chier, quoi. Non, je te jure. Y a même des gens, genre, ah non, t'as Smart? Ah, c'est une Smart de merde. Non, désolé, moi, je roule en Mercedes. Non, hein. C'est Mercedes, Smart. Voilà, oui, c'est la même chose, mais voilà. c'est la petite sœur, tu vois. C'est la même chose. C'est la même marque, mais c'est pas la même marque, en même temps. Et non, voilà, et l'INSEE, c'est autant de bus. Non, mais franchement, mais respect, hein. Voilà, bravo. Bravo, hein. Ça va, l'INSEE, tu te sens mieux un petit peu, là? Quand même. Plaire, ça fait du bien. Arrête, Nigel. Non, mais par contre. Je suis désolé pour le comportement de Nigel. Non, est-ce que Brian peut lui acheter, genre, clairement, à sa première paye, c'est des mouchoirs, frère? Ah ouais. Laisse-la. Nigel, je t'adore, t'es trop l'enculé. Encule ta femme, frère. Oh là là. Oh. Arrête, toi aussi. T'as, Nigel, il a bu ce soir. T'as dû enculer ta femme, mais t'es ouf, toi. Te faire enculer. Bah, en même temps, c'est sa femme. Il a ben ouais, du coup, il a le droit. Il a tout à fait le droit. Ouais, mais quand même, pas forcément. Je veux que la double béné. Voilà. On se calme. Par contre, les gars, dis-nous. Par contre, les gars, plus jamais la face que vous nous avez fait hier avec le sus chocolat, plus jamais, les gars. Pourquoi? Plus jamais. Pourquoi? Ça t'a plu? Parce que Nigel, petit, mon cousin dormait, Nigel faisait ses bruits de jouissance, j'en pouvais plus, j'étais plié dans mon lit. Ah, c'était énorme. Et en plus, il était tard, il était quelle heure quand on a fait ça hier? 1h du matin. Hein. Il était 1h du matin, mais je vous avais sonné, mais il y avait les autres connards qui faisaient ouais, de fils de pute et tout, et du coup. Ouais, parce que quand on est tard, on a un peu tout le monde là, qui nous appelle. Ouais, c'était sympa. Voilà, bon, allez, la suite, ça va arriver juste après. Et je te fais un gros bisou, Brian, et bravo, Lindsay, et appelez-vous, parlez-vous un petit peu en antenne, et voilà, en tout cas, bravo, le défi est réussi. Ouais, Vince. Dis-moi, Brian, je t'écoute. Possible de faire une dédicace vite fait? Ah, fais péter la dédicace. Allez, dédicace à mon cousin, à toute ma famille, à tous les potos qui m'écoutent, qui savaient que j'allais venir et que j'allais pranker. J'allais la pranker. Ah, voilà, il biquait pas la street zère. Et à la sœur de Lindsay. Voilà, et la sœur de Lindsay qui est au coup. Impeccable. Et gros bisous, Brian. Bisous, Lindsay. Au revoir. Ouais, bisous, allez, au revoir. Au revoir. Portez-vous bien, les amis. Nadjo, est-ce que tu peux nous faire un petit cri, on nous demande? Oui. Allez, Aya Nakamura. Allez, copines, bienvenue sur Energy, on arrive. Il m'a dit t'es où, je me Qu'est-ce qui se passe? Ça marche bien avec ça. Non, mais écoute vraiment le son. Écoute, quand ça fait. Oh, non. Oh, ouais, c'est vrai, je fais ça du. Oh purée, mais c'est pas possible à un moment donné. Oh, pas possible de faire cette émission correctement. Allez, tiens, vas-y. Et encore après, écoute. Il m'a dit t'es où, je te rejoins. Mais non, fallait pas que j'entende ça dans ce morceau, non. Mais c'est pas à chaque fois que je vais mettre Ayakumura, je vais entendre que le Ayakumura. Ayanakamura. Ayakumura. Ayanakamura. Attends, vas-y, tu sais quoi, je réécoute, attends. Mais non, pourquoi j'ai entendu ça? Si vous voyez là. J'entends plus que ça. Oh, je suis désolé. Hey, on est en train de gâcher le son d'Ayana Kamura. On est vraiment désolé. Quand on dit le gâcher, c'est-à-dire que maintenant vous n'allez entendre plus que le au début de son. Quand vous êtes avec votre meuf au lit et que vous entendez rien, concentrez-vous sur ce bruit. Écoute. Allez, on met le son depuis le début, c'est parti. Allez, Ayakamura, copine sur l'air, on arrive. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête, à ma telle fessée. J'ai pour moi tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin. Super cool. Oh mes copines, oh mes copines. On est sous énergie. Bombardé. Et qu'est-ce qu'on fait quand il est 22h22? 1, 2, 3, 4. Tu crois que j'ai ton time à ton avis? M'appelle pas bien mort. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois viser dans le mic. Voudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Il a plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Yeah. Au 0800 234 56. 0800 234 56. Et délire avec lui à l'antenne. Et en plus, c'est gratuit. La Vince est dans la maison. On Energy. Allez, bienvenue les amis sur Energy. Merci, il y a trop de messages qui sont arrivés ce soir là. Hello l'équipe, toujours au top, dédicace à Spring Moglas. On est de plus en plus nombreux à vous écouter, Vince. Merci Greg, c'est très gentil pour ton message. Merci pour tous les 22h22 qui sont arrivés en masse là. Bisous à Paul qui est là, 22h23, 22h24 qui m'envoie. On a délire avec 22h22 dans cette émission. Si vous venez nous rejoindre, je m'appelle Vince. Effectivement, je réponds en plein de messages. Il y a Renaud qui me dit, Vince, que c'était toi qui étais avant sur cette radio-là. Oui, c'était moi, effectivement. Bienvenue à toi. Bienvenue. Merci pour ton message, Renaud. Tranquille. Et effectivement, je fais de la radio depuis pas mal d'années. On est arrivé avec l'équipe ici, avec Lara, avec Nigel, avec Eddie, avec Thibault. On est arrivé le 27 août. Ouais. Notre première émission. Et puis là, ce soir, nous en sommes bientôt à 2 mois d'émission. Bientôt. Le temps passe très vite. On a pas mal de choses de prévues. On a une Halloween, spéciale Halloween ce jeudi. Ouais, jeudi, ouais. Avec paranormal, des histoires paranormales dans l'émission. On va ramener une table de Ouija. Oh non, non, je t'en supplie. C'est pas moi qui vais ramener, c'est Véronica la voyante. Non, mais attends. Donc moi, je vais me foutre de l'eau bénite sur la gueule avant de faire ce truc. Tu crois que ça marche? Et j'y crois pas, mais. Mais frère, par bénéfice du doute, je le fais pas. Véronica était là vendredi. Oui. Elle nous a dit que le Ouija, c'était genre, il fallait jamais faire ça et tout. Elle avait trop peur. Ouais, mais elle a décidé de le faire. Donc non, mais attends, mais du coup, elle veut nous ensorceler. C'est Thibaut qui va le faire. Je peux faire en duplex par téléphone. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'il y a moyen de passer par téléphone comme un simple auditeur? Ah, vous allez être là. C'est Thibaut. Thibaut, t'as pas peur, toi, Thibaut? Tout va bien. Mais en fait, j'ai envie de tester l'expérience parce que j'ai des potes qui l'ont fait et tout et j'ai envie de le voir. Lara, explique-nous, c'est quoi une table de Ouija? Mais je suis pas du tout une pro là-dedans. Je crois que c'est une table avec des lettres et tu. Un yes et un no. Et tu dois poser des questions, invoquer les esprits. Et après, du coup, le truc, soi-disant, se met à bouger et écrire quelque chose. Mais c'est quoi qui bouge? C'est un verre, c'est quoi? C'est un verre ou une sorte de bulle, je sais pas très bien. Je croyais que c'était un test de français-néerlandais. Non, du tout. C'est tout. C'est tout. Thibaut, il me met vraiment mal à l'aise parce qu'il a envie de danser avec des démons, des trucs bizarres comme ça. C'est vraiment pas très cool. Moi, je suis au standard avec lui. Mais ça se voit, on dirait qu'il est possédé. Lui, on dirait qu'il veut ouvrir une porte sur un autre monde. Ça se voit. Ah, pas du tout. C'est juste par curiosité, en fait. Ouais, c'est ça. Quel kiff votre émission. Merci, c'est gentil. Salut Vince, dédicace à Carmen, mon chaton. Message bien passé. Hey, Carmen. Quoi, vous allez vraiment faire le Ouija? Ben, pas nous, pas moi. Thibaut, oui. Thibaut, il va faire le Ouija tout seul. Oui, moi, j'ai déjà fait ça. Oui, mais y'a. Voilà. Et merci à Xaside là, qui nous dit: ok, mon poteau, on va tous se brancher ce soir sur Énergie, la meilleure radio. Moi, putain, je vous kiffe. Merci. Je reste derrière la vitre. Hein. Ouais, si tu veux, tu mais peux rester loin. Je crois que les esprits traversent les vitres. Hein. Ouais, mourrez pas sans vous, Énergie. C'est gentil, merci. Elle refait. On verra ça. Bon, les amis, j'ai pour vous un petit truc pour vous faire partir avec des cadeaux. Ah, on a des cadeaux à vous offrir ce soir. On a des cadeaux très sympathiques. C'est un truc de ouf. Et ça va pas être facile du tout. Ah non, là, il va falloir bien réfléchir. Il va falloir vous creuser les méninges. C'est quoi? Alors, il y a le choix. On va le faire le jeu sur WhatsApp. Donc, on va vous offrir des cadeaux via le WhatsApp, les amis. Le jeu, c'est très simple. C'est. Alors, c'est pas une scène culte, c'est le cri. Il va falloir reconnaître qui crie. Qui crie? Qui crie? Qui crie d'amour? Voilà, exactement. Vieille référence. Qui crie? Qui crie? Si jamais vous arrivez à trouver, et si jamais vous arrivez à savoir, qu'est-ce qui crie, ça peut être un animal, comme ça peut être, je sais pas, un robot, un truc dans le genre, j'en sais pas, bref. Ça a donné des indices. Voilà, peut-être pas. Qui crie? Si jamais vous arrivez à deviner le cri, qui fait ce cri, eh ben. Vous repartez avec des cadeaux énergie. On a quoi offrir, Nigel? Bah, on a plein de choses. On a des jeux PS4, des jeux sur PC, des jeux Xbox One. On a plein de compiles. Pourquoi t'es mort de rire? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais parce que le standard, il me regarde et il me font. Pourquoi tu dis qu'on a beaucoup de compiles? Oui, on en a beaucoup. On a plein de figurines. On a vraiment plein de choses. On a des passes pour Dragon Ball Symphonie à offrir. Ouais. Et aussi pour la nuit d'Halloween où tu vas mixer. Ouais. Exactement. Le 31 octobre, ça va se passer du côté de la Louvière ou Louvre Expo. Bon, attention, vous êtes prêts? Ouais. Sur le WhatsApp, vous me dites, d'après vous, c'est le cri de qui ou de quoi? On y va. Attention. Allez, musique. Voilà. Hein? Ah non, bah d'accord, je suis pas cool. D'accord, je vais le mettre en plus long. Voilà, d'après vous, c'est le cri de quoi, ça? Ça fait peur. C'est un peu flippant, je dois avouer. Ouais. Ah, je sais pas, on dirait une fenêtre qui se casse. Alors, attends, je vais te le remettre, on y va. Alors, qu'est-ce qui crie comme ça d'après vous? Si vous avez une idée, vous l'envoyez sur WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est le 0492-222-002. Le 0492-222-002. Lara, elle est flippée. Non, c'est ça à quoi ça fait penser? Je suis sûre que c'est pas ça. Et je vais le dire, mais désolé si je spoil. Si spoil, non, mais c'est une référence de nous, là, de Packard Bell. Là. C'est, on dirait les bruits de Duke Nukem quand tu tuais des. Ça faisait. Putain, j'ai joué à Duke Nukem, c'était ouf ce jeu. J'ai joué à Duke Nukem. C'était Duke pas Nukem. Ça le bruit. Duke Nukem, c'est un jeu de. C'est un jeu c'est en. C'est un SPF. C'est un SPF. Alors. FPS. C'est un FPS, effectivement. Qui raconte l'histoire d'un mec qui est un peu un Stallone, pas un Stallone, mais un Schwarzenegger et tout. Qui s'appelle Duke Nukem. Ok. Qui est armé de bombes atomiques, des trucs dans le genre. Et en gros, le gars, il doit. Il est dans un vieux empêcher, cinéma et il doit empêcher une invasion extraterrestre. Et puis, il y a eu le Duke Nukem, il y a eu plein de jeux Duke Nukem différents. Et c'était toujours très bizarre, c'est-à-dire que c'était toujours porté sur le sexe et la violence, ouais, en fait. J'ai kiffé, moi. Mais on avait donné de l'argent aux stripteaseuses et tout. Et après, tu voulais et dégommer, tu voulais. Ça faisait pas ce bruit quand ils tuaient des Uruk Hai, là? Ouais. Ça faisait ça! Ouais, mais c'est pas ça. Personne n'a idée du cri. Oh my god, non, pas du tout. C'est le bruit que tu fais quand tu rentres dans ton bain, il est trop chaud. Ouais, c'est le bruit que je fais quand je me cogne le doigt de pied sur un meuble. Ah ouais! Le bain. Ah ouais. Quand le bain il est brûlant, t'as déjà mis tes chevilles, tu brûles. Qu'est-ce qui est le plus horrible entre quand t'as mis ta cheville que c'est brûlant et quand tu te coignes le petit doigt de pied? Tu fais pas ce bruit avec le doigt de pied. Si, écoute. Mais si, bien sûr, tu fais ce cri là. Je vais m'étouffer. Ah putain. Oh putain. Non, mais ça, c'est alors... quand quelqu'un respecte pas ma priorité. Donc... Non mais ou alors quand tu te retires la peau d'un ongle là, tu vois qu'il va trop loin. Oh putain. Oh non, c'est horrible. Odivine, c'est le dragon dans Game of Thrones. Ah pas mal, mais c'est pas ça. 0492 222 002. Si vous avez une idée d'après vous c'est quoi, allez-y au 3018 si vous voulez jouer avec nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Joy qui est avec nous ce soir. Salut Joy. Salut l'équipe. Joy est dans la maison. Elle est de retour dans la maison les amis, puisqu'elle était avec nous sur Énergie pour nous parler du Darknet, hein, le Dark Web. Joy. Oui exactement, elle a fait tout un trade là, sur Twitter et tout. Et elle est de retour avec un nouveau trade. Ouais. Qui nous a interpellé. Mais t'es une rédactrice en chef toi en fait Joy. Oui, franchement, je me suis découvert une passion comme ça. Genre, je savais pas que je pouvais faire ça. Et du coup, maintenant, j'adore. Genre, vraiment, elle ne fait que des trades battus. C'est une tradeuse. Ouais, voilà. Mais par contre, c'est une tradeuse. Mais la meuf, elle fait quand même plus de 14 000 retweets et tout. Hein. Ça fait rêver. Ah, ouais. Oui. Sur Twitter, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment. Et tu as raconté un truc auquel je me suis jamais pensé sur le sujet. D'ailleurs, ce serait bien qu'il y ait un petit documentaire sur Netflix. À mon avis, ça ne saurait tarder. Tu vas nous parler des enfants tueurs. Non. Voilà, exactement. Wow. Oh, je voulais toujours parler de mon enfance, comme ça. Les enfants tueurs, parce que vous savez qu'on entend beaucoup parler de faits divers, etc. Et c'est rare, les faits divers avec les enfants. On n'en entend pas beaucoup parler. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais c'est possible, on respecte ça. Un peu l'enfance aussi. Bien sûr, mais j'ai l'impression que les médias n'en parlent pas. En fait, c'est quelque chose, Joy, je ne sais pas, c'est quoi ton avis? Tu trouves que les médias, on parle beaucoup des enfants qui assassinent et tout? Non, pas vraiment, parce que perso, quand je regarde la télé, j'ai jamais ou très peu entendu d'affaires criminelles. Avec des enfants. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup ? Il y en a énormément. What ? Ouais, mais du coup, surtout aux États-Unis. Ah ouais, dans les États-Unis, voilà. Avec toutes les armes qui traînent dans les tiroirs et tout, déjà ça. Ouais. Mais alors, il y a de tout, hein. On va parler d'enfants tueurs, et ceux qui sont volontaires, donc ces enfants qui tuent volontairement, et ceux qui tuent de manière involontaire, on est d'accord. Oui. Mais c'est chelou, mais c'est vrai que c'est un truc. Pendant qu'on y pense, regardez, on prend un peu de recul. Les enfants, c'est quelque chose qui est quand même sacré, tu vois. Les enfants, c'est mis en avant dans la société, on essaie de les protéger un maximum. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai trouvé plein de faits divers, notamment en Belgique. Ah ouais? Mais qui arrivent en fait sur des trucs qui sont pas vraiment visités. Alors du coup, je me dis, mais ça doit être du fake, c'est-à-dire que c'est des articles. Les articles, en fait, c'est des coupures d'articles de presse qui sont scannés et qui sont mis sur Internet. C'est ça que j'ai trouvé en tout cas au niveau belge. J'ai pas vraiment trouvé d'articles web. C'est comme si on veut pas que ça se sache trop. C'est comme si, il faut éviter d'en parler. Et donc, on va en parler avec toi, Joy, dans quelques instants, ça va? Oui. Eh ben super, formidable. Les amis, on arrive tout de suite, bienvenue. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Facebook, V-I-N-Z. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Il est brillant, à tout point de vue. Et vous allez l'avoir en main avant tout le monde. Cette semaine, écoutez Énergie chaque matin et gagnez le nouvel iPhone XR. Réveillez-vous avec le 6-9 sur Énergie et gagnez l'iPhone XR. Avant tout le monde, exclusivement sur Énergie. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait elle m'attire, comment lui dire, une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chez là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. C'est hey, ma bella, hey, aïe aïe aïe aïe. Donne-moi un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe aïe aïe aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl so sexy. The way she dance so sexy. So she give me love sexy. You may give me once more sexy. Yeah. With your sexy body, come and chop my money. Oh. Aye, aye, aye, aye. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Aye, aye, aye, aye. Make we Maya, they go, baby girl, so. Aye, aye, aye, aye. Make you follow me, go make you chop all my money. Aye, aye, aye, aye. Aye, aye, aye, aye. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur, elle l'a mis game over. Elle pas une autre. C'est dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur, elle l'a mis game over. Ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe. 21h minuit. I just saw the sushi from Japan. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. Exactement, c'est comme ça que ça se passe sur Énergie. Tranquillou, là, on va parler des enfants tueurs. Mais d'abord, voici Jonas Blue avec Rise. Et franchement, moi j'aime bien ce qu'elle fait. Allez la checker sur Twitter, les amis. C'est underscore joyeusement. Pas joyeusement, joyeusement underscore. Donc, sinon, allez voir sur mon tweet, Vince Radio, je vais retweeter direct. Comme ça va être plus simple. Vraiment, elle fait des trucs très sympas là. On arrive tout de suite, on va parler de ça. Les enfants tueurs. J'adore, je dis les enfants tueurs avec Jonas Blue derrière, ça le donne vraiment pas, tu vois. J'essaie d'être crédible, mais je suis pas crédible. Les enfants tueurs. Non, ça marche pas. Les enfants tueurs. Oh my god. Allez, welcome sur Énergie. Sur Énergie. Ok, Vince, on va à la maison, les amis, avec toute la team. Here we are, here we go. Et j'espère que vous êtes bien, vous êtes chaud, tranquille, à 22h39. Yeah. On va parler d'un truc qui fait un petit peu froid dans le dos. Il s'agit des enfants tueurs. Ouais, c'est le genre de truc qui existe. On n'en parle pas des tonnes. Hein. Vous savez, quand on dit enfants tueurs, c'est pas des enfants qui sont des. C'est pas des tueurs à gages. Hein. C'est pas genre on demande à un enfant, vas-y, va tuer celui-là, parce qu'on va pas le voir, va pas voir venir le coup. Ouais, non, rien à voir. C'est des enfants, parfois, qui ont des petits soucis psychologiques ou des gros et qui partent en sucette. Tu te souviens au début du générique de Dexter? Ouais. Quand il expliquait le début de l'histoire. Ah ouais, c'était lui. Son père. son... Bah, tu te souviens de Dexter? J'ai pas regardé la série Dexter. Bah, sérieux? Désolé, j'ai regardé Laboratoire de Dexter, moi. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé Dexter. Ce que je me rappelle, c'est dans Dexter, c'est Motherfucker, un truc dans le genre. Ah ouais, Surprise, Motherfucker. Surprise, Motherfucker. Excellent, excellent. Voilà, continue, vas-y, on t'écoute. En gros, Dexter, c'était un psychopathe qui tuait des gens. Effectivement. Et en fait, il est rentré dans la police et je sais pas quoi. Enfin bon, tous ceux qui ont suivi Dexter savent qui c'est Dexter, puisque personne m'aide autour de cette table, hein, merci. Oui, donc c'est un tueur qui est. Ouais, c'est un tueur en série. Et dans la police aussi. Donc les policiers et tueurs en même temps. Sauf qu'il a commencé quand il était petit et son père l'a découvert, etc. Et il a essayé de le calmer. La scène était assez belle sur un bateau, c'était assez poignant. Parce que le père découvre que son fils tue des animaux, etc. Enfin, il a commencé par les animaux au départ. D'accord, ah oui, ok. Ouais. Bah, y a beaucoup d'enfants qui torturent des animaux. Hein. Ouais, effectivement. Bah oui, les potes à Thibaut, du côté de Nivelles, qui jettent les chiens par la fenêtre. Effectivement, ça arrive souvent. Quelqu'un a tordu des animaux autour de la table. Voilà. Et d'accord, ok. Bah, justement, on en parle tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas, sur le WhatsApp, d'après vous, quelle est la réponse à ce cri? Le cri de qui ou de quoi? Je sais, ça fait un petit peu peur, surtout si on est en voiture dans le noir et que tout d'un coup, au milieu de la campagne, on entend un truc dans le genre. Non. Ça fait un peu. Alors, c'est le cri de quoi? Allez-y, 0492-222-002. Je crois que j'ai trouvé. Hein. Ouais, bah ne dis rien alors, ouais. Je pense avoir trouvé. En attendant, on récupère Joy de son Twitter, joyeusement, qui nous fait des traits sympas. Et justement, qui veut nous raconter alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as découvert un petit peu dans tes petites enquêtes de traits là? Vas-y, raconte-nous un peu avec les enfants tueurs. Alors en gros, un jour, je voulais faire un trade et je me suis dit pourquoi pas le faire genre sur des affaires criminelles, du coup sur les enfants. Mmh. Du coup, j'ai dégainé mon MacBook Pro et je me suis dit que j'allais rechercher donc plusieurs affaires et j'en ai trouvé vraiment pas mal. Donc je vais commencer avec la première affaire. Ouais. En gros, vous avez deux enfants de 10 ans qui ont séché les cours et qui se sont dit qu'ils allaient kidnapper un enfant. Donc, ils sont partis dans un centre commercial à Liverpool, donc en Angleterre. Et ils ont repéré un petit garçon de 2 ans qui était tout seul pendant que sa mère commandait de la viande à la boucherie. Ils avaient quel âge, les enfants qui voulaient préparer 10 ans, d'accord. Okay. Et du coup, ça leur a pris même pas 30 secondes pour faire sortir le petit de la boucherie et pour l'emmener en dehors du centre commercial. Bah ouais, c'est des enfants. Bah ouais, entre enfants, c'est facile. Hein, et les parents font même pas gaffe. Je dis, ah, des enfants, ils jouent entre eux, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Ils avaient 10 ans seulement, c'est incroyable. Donc c'est du coup, ils l'ont sorti, ouais. Ils l'ont sorti, du coup, ils l'ont emmené dans un canal à quelques kilomètres de là et ils ont commencé à le frapper. Oh, oh non, mon Dieu. Hey, cette émission, elle va être... excusez-moi, je mets Là, on est dans autre chose, là. Je me permets de mettre le sigle, hein. Peggy 18. Voilà, parce que ça va être hardcore ce qui va se passer dans cette émission. Ah non, mais je l'avais dit sur le WhatsApp quand j'ai envoyé le message à tout le monde. J'avais dit, les amis, aujourd'hui, voilà, ça va être très spécial. Hein. Vas-y, continue, alors, du coup. C'est chaud. Du coup, il comptait le noyer de base, sauf qu'il attirait trop les regards avec ses cris. Du coup, ils ont quitté les lieux pour aller dans une petite gare abandonnée. Oh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont jeté de la peinture bleue dans les yeux. Mais ils avaient volé la peinture, donc ils lui ont jeté de la peinture bleue dans les yeux. Et ils ont continué à le frapper avec tout ce qu'ils trouvaient dans la gare, donc des briques, des barres de fer. Hey ils ont 10 ans, quoi. D'accord, ils ont fait ça normalement, ils ont pris quelqu'un au hasard. Ça s'est passé donc en Angleterre. Je suis méga choqué, en fait, c'est hyper choquant, toute l'histoire, parce qu'au début, quand t'as dit deux enfants de 10 ans qui avaient pensé à tuer un enfant, je pensais que c'était un enfant qu'ils connaissaient, où il y avait un lien. Tu vois. Bon, déjà, c'est horrible. Mais quand il y a un lien, tu peux expliquer peut-être une histoire en disant, il y a un enfant qui a agressé peut-être les autres. Enfin, on ne sait pas. Mm-hmm. Là, c'est vraiment des enfants qui se disent, on va tuer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est étrange. C'est étrange, le mode de pensée. Qu'est-ce qui amène un enfant à penser ça? Mais déjà ça, et genre, être deux et à se dire, ouais, tranquille, viens, on y va. Déjà deux, à penser à voler un pot de peinture pour après le noyer et tout, enfin, c'est un truc de ouf. Ouais. Ouais, c'est alors attention, parce que ce dont on parle, c'est vraiment c'est choquant, quoi. Attention, hein, préparez-vous. Et donc du coup, continue, Joy, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bon, j'imagine qu'ils ont, ça c'est horrible, j'imagine qu'ils ont été super loin avec le petit, non? Pas très loin, ils l'ont torturé, mais il n'y a pas eu de violence sexuelle ni rien. D'accord, non, mais tu m'étonnes, il n'est pas décédé. Tu pas droit, quoi. Il n'est pas décédé. Si, ils ont été très loin, quoi. Mais qu'est-ce que Joy est devenu un psychopathe à regarder non, ces trucs. Non, ils n'ont pas été très loin. Non, ils l'ont tué. Non, mais elle dit peut-être ça par rapport aux autres histoires qu'elle a, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont dû aller en tôle ou pas? Oui, ils ont eu 18 ans de détention. Ah, quand même. Ouais, parce que c'est ça, non, pardon. Jusqu'à leurs 18 ans, ils sont restés en détention. Et ensuite, ils ont été libérés, donc liberté conditionnelle, sous une nouvelle identité. Donc là, ils peuvent être en France, peuvent être n'importe où, on ne saura jamais ça, ce que c'est. C'est la question. quand ce sont des enfants qui font ça, est-ce que c'est... Alors, je voudrais l'avis des auditeurs, parce que c'est un débat, c'est un sujet, mais c'est profond. Ouais. Les professionnels, les psychologues et tout, et selon la loi, normalement, quand tu fais un crime de ce genre-là quand t'es enfant, il y a des conditions, il y a quelque chose qui t'a amené à... Bref, voilà, c'est, voilà. Donc du coup, on n'estime pas que tu dois être puni comme un adulte. Enfin, parce qu'on estime que t'es pas responsable. Un enfant, normalement, bien sûr, mais on estime qu'un enfant n'est pas responsable. Faut pas oublier ça, c'est important. Et surtout quand c'est même pas de l'adolescence. Là, c'est 10 ans, on estime qu'ils sont pas responsables. Donc s'ils l'ont fait, c'est quelqu'un d'autre qui est responsable. Les parents, l'éducation, je ne sais pas. Tu crois que c'est comme ça ? Non, je ne crois pas. J'explique comment ça se passe pour l'instant. Okay. Donc, ma question, c'est, et je voudrais avoir l'avis sur WhatsApp des gens ou sur le 3018, est-ce que les enfants qui ont fait ça, c'est horrible, ils ont 10 ans, ils ont assassiné un petit gars là, de 2 ans, est-ce qu'il doit faire la taux la vie ou pas ? C'est une question philosophique, c'est une question de ouf, hein, sociologique de malade. Toi, t'en penses quoi, toi, Joy ? Bah, à mon avis, franchement, il devrait être enfermé à vie, hein, parce que si ça se reproduit une fois, ça pourrait très bien se reproduire une deuxième fois. Mais le problème, c'est que toi, ce que t'as dit, c'est qu'ils étaient donc en prison, entre guillemets, pour les enfants, jusqu'à 18 ans. À 18 ans, t'es toujours fragile. Même quand t'as rien fait, t'es en crise identitaire, etc. Donc, eux qui ont fait ça, qui ont été enfermés toute leur vie, ils sont libérés à 18 ans. Ouais, mais attention, je répète, c'est des enfants de 10 ans. Peut-être que ce qu'ils ont fait, alors ça peut paraître très bizarre, la psychologie d'un enfant, faut essayer de se rappeler comment on était quand on était enfant. Bien sûr. Pour eux, c'est un jeu. On n'en sait rien. Non. On peut pas juger ça. Ah, non, on peut pas savoir. On peut pas savoir. D'accord. On connaît pas c'était peut-être pas du tout un jeu. Bien sûr. Mais peut-être que dans le fonctionnement et le façonnage mental, j'ai pas envie d'être trop psy là dans l'émission ce soir. Pour eux, peut-être que dans cette construction mentale, c'était un jeu. Peut-être. C'est horrible. Mais 10 ans, c'est pas 4 ans ou 6 ans non plus. Bien c'est sûr. 10 ans, quoi. 10 Alors ans, on nous dit que c'était prémédité, donc voilà. T'es déjà là à 10 ans. Je pense. Mais attends, vous savez pour qui, hein. Là, une fois qu'ils sont sortis de prison à 18 ans, il s'est passé quoi ? Est-ce qu'ils ont après ? Est-ce qu'ils ont encore été poursuivis pour d'autres choses ou pas ? Ils ont disparu. Bah, il y en a un des deux qui est reparti en prison parce que il détenait de la pornographie infantile. Ah bah voilà. Ok, donc le cerveau était déjà bien pété avant, quoi. Ah, c'est dingue. Alors, Vince, un enfant doit être sensibilisé. Ouais, 10 ans, ils font ça à 14. Moi, je me fais frapper par les filles. Waouh, j'ai pas compris le message. Un enfant doit être sensibilisé, leur faire comprendre que les enfermer à vie, c'est chaud, et faire un diagnostic pour voir si c'est prémédité ou pas. Ça l'était. On nous dit si à 10 ans t'es déjà assez grand dans ta tête pour imaginer un truc pareil, pour moi tu restes assez grand pour prendre perpétuité. C'est ce qui a été envoyé. C'était prémédité, alors voilà quoi. 50 ans de vie, je dirais. Oui, prison direct à vie. Je lis un peu vos messages, hein, votre avis, ce que vous en pensez. Purée, ça fait flipper les enfantures. Ouais, non, mais là, les amis, on s'apprête à... On a fait exprès de l'aborder tard. On s'apprête à... En même temps, la prison à vie, ça n'existe pas vraiment. Mais non, la perpétuité, c'est 30 ans. Oui, d'accord, mais bon, c'est vrai que ça dépend à quel âge. C'est pas une vie entière. Alors, pas enfermer la vie forcément, voir un psychologue si c'est possible, de les remettre dans la société. Et première récidive, on enferme, tant pis, on nous a envoyé là. Vin, je souhaite une bonne soirée à tous. Merci, c'est gentil pour le message. Si vous voulez réagir, 0492-222-002. Qu'est-ce que tu as ensuite comme dossier, Joy ? Alors, je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée en France, cette fois-ci. Donc, une histoire qui s'est passée en 2010. Wow. Donc, c'est un jeune homme qui s'appelle Mathieu. Il avait 16 ans et demi. Et un jour, il a proposé à une amie de faire une promenade dans un champ. Donc, comme c'est une amie, du coup, elle s'est pas doutée de grand-chose. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a violée sous l'âge d'un couteau. Oh, ah là là, il avait quel âge, t'as dit ? Il avait 16 ans et demi. Bah, c'est, du coup, c'est là, t'es hyper confiant. 16 ans, c'est plus un enfant. C'est plus un enfant. T'es plus un enfant à 16 ans. Je pense que là, voilà, là, c'est galère. Ah ouais. Et du coup, il lui est arrivé quoi ? Bah, il a eu prison en vie, j'espère. Enfin, prison en vie. Là, c'est que le contexte. C'est pas encore la vraie histoire. C'est le contexte pour expliquer en fait ce qui va se passer par la suite. Parce que c'est pas sa première vie. C'est pas la victime. Ah. Enfin, c'est une victime, mais c'est pas la vraie victime. C'est pas la personne qui s'est tuée. Ouais, continue, vas-y, raconte. Waouh. Donc, elle s'est fait violer, sauf qu'elle a reçu un appel de sa mère, donc ça l'a sauvée, du coup, il l'a laissée partir. Mais un an plus tard, il y a une jeune fille qui avait 14 ans, qui s'appelle Agnès Marin, qui est arrivée dans l'internat où il était. Et ce qu'il a fait, c'est que, donc, il l'a emmenée dans un bois. Il l'a menacée, il l'a violée, il l'a poignardée et il a brûlé son corps. Wesh. D'accord. Wow. Wesh. Ok, ok. C'est choquant, bien sûr. Hein, c'est... Voilà. Je sais pas quoi dire. On est vraiment dans fait entrer l'accusé. Oui, mais vraiment. Mais... Non, mais genre, tu vois, quand t'es chez toi, genre un dimanche soir et tu regardes la télé, t'es choqué, tu ouais, dis rien. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, Vince, peut-être qu'ils sont nés avec le syndrome du tueur, le gène du tueur. Ah ouais, il y a une histoire comme ça. Le syndrome 47. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ah, donc il y a des chiffres et tout. Oh, c'est un chiffre préféré. Code 47. Syndrome 47. Hitman, le jeu vidéo. Ils ont l'appelle code 47, le syndrome 47 ou XYY. Alors attention, juste c'est de tête que je vous raconte ça, je connais pas vraiment, je suis pas pro là-dedans, mais il s'agirait entre guillemets d'un syndrome en fait caractérisé par syndrome de Jacob, enfin syndrome du tueur. C'est quelque chose qui t'amènerait à avoir des voilà, il y aurait en fait un chromosome qui t'amènerait à fonctionner et être un tueur. C'est intéressant. Oui, c'est très bizarre effectivement, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est dans Hitman ou c'est un vrai truc? Non, c'est un vrai truc le 47 hein, Non, c'est vrai, il a raison, ouais, c'est X, si. Y, ouais. Voilà, X, Y, Y. Ouais, donc c'est en fait, c'est, une maladie, c'est pas une maladie héréditaire, en fait, hein, faut le préciser. Attends, je suis en train de regarder sur Internet, là. Voilà, comme ça, je vous donne plus d'infos pour être plus précis. Aussi, ouais, franchement, c'est un truc de ouf, je suis en train de regarder, là. Alors, il y a eu des premiers cas, etc. Il y a des fictions. Voilà, le jeu vidéo Hitman est basé sur code 47, machin chose. Ah, oui. Mais en fait, ce serait tout simplement un gène qui te crée une anomalie en toi et qui t'amènerait à banaliser et à trouver normal le meurtre, en fait. Wow. Voilà. C'est... Ah ouais. Bah non, voilà, c'est ce qu'on. Mais peut-être qu'il y a des gens qui l'ont et qui sont pas des meurtriers pour autant. Ouais, je sais pas. T'imagines ceux qui l'ont mais qui n'ont jamais tué de leur vie. Ouais. Wow, reste pas à eux quand même. Hein. On devrait faire le test ici. Voilà, non mais c'est des gènes qui sont associés à des comportements violents. T'imagines, on fait un test dans la radio et on vérifie qu'il y a le gène du tueur. Wow, oh, ce sera un truc de ouf ça. Ouais, grave. Moi je suis sûr, Yannick Farkas, le journaliste, il a le gène du tueur. En plus, il a un regard perçant comme ça. Il a un regard de méchant. Vince, moi je pense que c'est un esprit qui les pousse à tuer là. C'est ce qu'on nous a envoyé là. Ça, alors franchement les enfants, ces enfants méritent la perpétuité qu'on nous a envoyé. T'as quoi d'autre comme dossier du coup, Joy? Mais du coup je vous ai pas prévenu pour ce garçon là, il est en prison à vie. Donc ah ouais, aujourd'hui il est toujours en prison. Voilà. C'est l'un des seuls en France d'ailleurs, je pense. Parce qu'en France c'est pas courant, c'est pas répandu, je pense. Normalement ça n'existe pas, mais il est en prison à vie. D'accord, ok. Bah, wow. Bah, c'est mérité, on va pas se mentir. Mais, franchement, il a été super loin. Non, mais c'est flippant. T'imagines, ça peut être dans ton entourage et tout. C'est chaud, quoi. Faut rester méfiant. On a pas envie de vous faire peur, les amis. Mais. Non, mais t'imagines, genre, c'est ta sœur ou ta fille ou je sais pas. Ouais, ouais. Non, mais c'est chaud. C'est ouf. Hein. On dit Vince, c'est sérieux ce truc de géniture. Mais attention, c'est des suppositions. Il y a des scientifiques qui disent que c'est vrai, d'autres scientifiques qui disent que c'est pas vrai. Ah, commencez pas à faire des dingueries et puis vous dites, ouais, moi c'est Vince qui m'a dit ça. Voilà, ouais, moi j'ai tué quelqu'un parce qu'on m'a dit que j'avais géné le tueur. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Allez. Une belle chanson maintenant, Soprano, à la vie, à l'amour. Une belle chanson. On reprend Joy dans quelques instants sur Énergie. On va lancer le Dragophone aussi. Bienvenue, on est en direct, les amis. J'espère que vous allez bien. Et essayez toujours de deviner. C'est le cri de qui, celui-là? Celui-là. Bon courage. Ce n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie. Car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, sa tendre merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis. C'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles. Combien au paradis. On vit avec cette mélancolie. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay la la lay. Danse danse à la vie à l'amour. Lay lay lay lay la la lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay la la lay. Danse danse à la vie à l'amour. D'où je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf ce que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Lay, lay, lay, lay, la, la, lay. sur Énergie, Soprano. À la vie, à l'amour. Hey. Tu veux délirer avec Vince en direct? Ah bah oui. Appelle maintenant le numéro gratuit 0800 23456. 0800 23456. Vince dans la maison. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Énergie. Quoi que vous fassiez ce soir, que vous soyez du côté du boulot, peut-être en train d'étudier, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est votre cas, peut-être vous nous écoutez effectivement en train de piloter votre taxi ou votre Uber. Ah oui, parce qu'on a un auditeur, c'est qui a déposé qui? Je me souviens plus là. C'est un Uber, ouais, je sais plus comment il s'appelle, il m'avait déposé, ouais. Il t'avait déposé toi, mais aussi un des animateurs de Nostalgie Énergie, je crois. Ah oui. C'est qui? Ouais, ouais, je sais plus du tout. Il arrive chez l'auditeur, hey, mais disons, on vous écoute, hein, c'est Stéphane Show. Ouais, Nostalgie. Ah oui, Stéphane Show, ouais. Voilà. C'est ça, ouais. It's the show. Il est arrivé, il nous a dit, hey, mais les gars, on vous écoute, hein, j'ai pris un Uber. Il était tellement fier de dire qu'il avait pris un Uber, le pauvre. Oh. Et parce que Nostalgie, tu vois, c'est. T'es pas gentil. Ouais, à ce moment-là, c'est difficile d'utiliser un smartphone. Après, encore la trottinette, hein. Tu vois, après ouais. Encore des vieux vélos. On va voir si vous serez encore là. Ouais, bah t'inquiète, hein, on s'entretient. On est déjà là. Voilà, exactement. Et donc, du coup, il nous a dit ouais, mais il écoutait Énergie et tout. Donc, on vous salue, on vous remercie, les chauffeurs Uber, d'écouter Énergie. Si vous êtes un chauffeur Uber, venez nous le dire, les amis. Sauf si vous utilisez déjà votre téléphone sur votre application Uber ou sur Waze. J'en sais rien, mais venez nous le dire sur le 0492 222 0092 0492 222 0022. Écrivez votre ville derrière. Et tu sais quoi, c'est très important. Tout à l'heure, on va faire un petit topo de savoir qui nous écoute et depuis où. C'est important parce que je voudrais un petit peu savoir. Une petite battle de ville là qu'on aime bien faire le soir. On en fait une par mois. Et la dernière fois qu'on l'avait faite, c'était La Louvière qui avait gagné. Ah ouais. Si je me souviens bien, c'était La Louvière. La Louvière, il perd ça quand même. Voilà, ouais, quand même, hein, de ouf, hein, La Louvière. Ah, ah, t'inquiète. La Louvière, ah, ils sont là, La Louvière. Hein. Ce sont vraiment nos oreilles. Hein. Et les amis, on est dans un gros sujet. Un sujet qui fait également très froid dans le dos, à savoir les enfants tueurs. Et on récupère Joy. Joy qui, qui nous raconte son trade. Son trade qui est disponible, allez-y, j'ai retweeté sur Vinz Radio. V-I-N-Z-R-A-D-I-O. Et Joy, toi, tu as parlé des enfants tueurs. T'as fait combien de retweets là sur ton truc? Sur la première partie, j'ai fait 11 000 et quelques. Ah ouais, quand même. Ah, c'est énorme. Hein. C'est mignon ça, hein, c'est très mignon. Je tiens à préciser que joyeusement, Joy adore parler de choses qui font flipper. Elle a parlé du Darknet. Ouais. Et là maintenant, des enfants tueurs. Voilà. Pourtant, elle s'appelle Joyeusement. Exactement. Ouais. Donc en fait, elle tourne ça dans le bon sens. Ouais. Joy, qu'est-ce que t'as d'autre comme dossier à nous raconter ce soir-là? Alors, j'ai un enfant qui est beaucoup plus jeune que les précédents. Donc celui-là, il a 7 ans. 7 ans! Oh, oh mon Dieu. My god! 7 ans, d'accord. Hein, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, tiens? Ouais. Alors, ça se passe en Inde, donc il y a un petit de 7 ans qui s'appelle Amarjit Sada qui a tué 3 bébés. Genre des petits qui n'avaient même pas un an. Hein ? Chouchou. Et il a fait comment, lui ? Alors, sa première victime, c'était sa petite sœur de 8 mois. Il a étranglé sa petite sœur de 8 mois. Okay. La deuxième victime, c'était sa cousine de 6 mois. Ouais. Mais j'ai pas trouvé les détails de sa mort. Comment et la troisième, c'est la fille d'un voisin. Donc, il déteste les filles, quoi. Mais je comprends pas comment est-ce que ce gosse a encore réussi à côtoyer des enfants, tu vois. Je comprends pas. Tu l'as fait une fois. Tu l'as fait une fois. C'est horrible. Comment t'as pu le faire deux fois, trois fois? Les parents, là, à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça dépend comment il les a tués. C'est-à-dire, ah, il les a étranglés. Ouais. Ah ouais. C'est un dad. C'est sûr. Il a tout fait d'affilée. Non, il a pas fait d'affilée. Il a pris. C'est chacun à son tour, quoi. Comment? Il n'a pas fait tout le monde d'affilée, il n'a pas tué tout le monde d'un coup. Non, pas tout le monde d'un coup. Mais c'est-à-dire que le... C'est sur plusieurs jours. Ouais, c'est ça, ah ouais, mais c'est-à-dire que le petit, ils se sont aperçus qu'il avait fait ça, mais ils l'ont laissé là, tranquille, à la maison. Les parents ont couvert ses actes, jusqu'à la troisième victime, parce que c'est la fille d'un voisin qui l'a frappé à mort avec des briques. Oh, ma... oh putain. Attends, à 7 ans. Eh, vas-y, nique ta mère. Mais à 7 ans, tu sais rien soulever. Non, attends, c'est pas ça que vous avez pas compris. Lui, il a étranglé malheureusement sa petite sœur. Ensuite, il a étranglé sa cousine. Ouais. Puis la voisine. Ouais. Non. Puis la fille de la voisine. Voilà, sauf que la voisine l'a vue, je crois. Et donc elle lui a acheté. Elle lui a. Elle l'a soupçonné, en fait. Hein, soupçonné parce qu'il y avait que lui. Il y avait que lui qui aurait pu faire ça et il a été heureux d'avouer ses crimes, en fait. Heureux. Ah ouais, c'est un psycho. Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai tué des gens. Comment je crois? C'est quoi? C'est un film? Un film, ça fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui peut provoquer mais ça? Je sais pas. Il a. Parce que, comme nous tous, je crois qu'on était petits, on est tombé sur un film qu'il fallait pas voir. Ouais. Mais. Ouais, ça. Par exemple. Bon exemple. Ouais. Mais je sais pas, mais d'autres jeux vidéo, moi je joue à GTA depuis très jeune, tu vois. Je sais pas. Mais c'est pas les films, enfin je sais pas, il a dû lui arriver quelque chose. Il tue que des petites filles. Ouais, est-ce que t'as réussi à savoir s'il lui arrivait un truc avant ou pas? Non, il est juste, il a été diagnostiqué de troubles, des troubles très importants du comportement, oui, et il a été décrit comme étant un profond sadique. Ah oui, d'accord, ok. Eh ben dis donc. Comportement tueur. Je suis dans mon comportement, comportement tueur. Hey, c'est horrible, c'est horrible. François, tu lui dit quoi? Tu peux tuer un enfant, pas 15. Hein. Tu peux tuer deux enfants, mais pas 15. À la rigueur, tu peux tuer trois enfants, ouais. Trois enfants, tu peux. Mais par 15 hein. Ou alors, tu peux même en tuer 4 enfants. Mais par 15. Mais par 15. Voilà. À rigueur, même peut-être 50. 14. On exagère, 14, on exagère. 14, c'est la limite. Voilà, c'est mais ça. Mais par 15. Putain, mais c'est ouf quand même, comme truc. Et donc, il lui arrivait quoi par la suite? Dès qu'il a avoué ses crimes et tout. C'est marrant parce qu'il a juste passé 3 ans dans un centre pour mineurs et il a été libéré. Ah eh ben. Madou On veut te chercher, Madou. Ah, mais je suis choqué, j'imagine que ça arrive à quelqu'un de mon entourage. Oui, oui, c'est abusé. Moi, le gosse, je fais tout pour qu'il reste enfermé. Je me dis, t'es ouf, c'est le diable, le gosse. Eh, c'est moi, je le tue après. Et vous avez vu le 439 sur Netflix? Non, tu vois des films de ouf. Le 439, ouais, je crois que c'est ça. Je vais taper pour être sûr, 439, que je me trompe pas de chiffre. C'est l'histoire d'une. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, quand tu regardes le film au début. Mais tu vas pas spoiler, hein. Non, mais je t'explique. Quand tu regardes le film au début, tu vois, il y a une femme qui travaille pour les services sociaux qui décide d'adopter une fille parce que la fille, en fait, elle se fait battre par son père. Ils ont voulu la mettre dans un four. Son père et sa mère ont voulu la mettre dans un four. Ah ouais. Et tout ça. Et elle a fait un peu la victime, la fille et tout. Et les parents, ils la tapent et tout. Et en fait, à un moment donné, quand la femme des services sociaux, elle arrive dans la maison parce qu'elle se dit, tiens, je vais une fois voir comment ça se passe. Il les grille en live en train de mettre leur fille dans le four, les parents, oui, et d'essayer de le fermer et tout. Et donc, du coup, bien sûr, elle l'adopte. Genre, ah non, vous verrez plus jamais vos enfants, vous allez en prison et sauf tout le bordel. Sauf qu'en fait, la fille, allez voir le 439, la fille, en fait, c'est pire. Je spoil pas, c'est pire qu'une psycho. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait amener des parents à mettre leur gosse dans un four? Ça veut dire ça. Je raconte pas. Le soir, quand tu dors, elle te mord la chou, quoi, tu vois. Non, mais c'est pire que ça. Hein. J'adore le petit avant-goût avant l'émission d'Halloween. Dormir, en tout cas. Eh ben, regardez ça ce soir. Nigel, tu me diras quoi demain? Ouais, je te dirai. Le 439, c'est sur Netflix. Non. Si vous voulez, je vous crée un compte. Mais j'ai moi, je faisais une battle de pluche avec ma sœur. Bah oui. Putain. C'est, ouais, grosse différence, d'accord. Hein. Vince, le film de Netflix, ça s'écrit comment? Le K. 39, un K comme un K, voilà, tu vois. Comme la lettre K. Ouais, non. C-A-S 39, le K 39. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors Case 39, un truc dans le genre, j'en sais rien, moi. Voilà. Joy, en tout cas, on voulait te remercier d'être passé à l'antenne. Ouais, tu nous as bien fait. Merci à vous. Et n'hésite pas, prochaine fois que t'as un trade sympa, quand tu veux, on refait ça. C'est quoi le prochain, d'ailleurs? Je vais en faire un dernier dans pas longtemps et après je vais peut-être me lancer sur YouTube du coup. Ah bah t'as raison. Aïe, elle nous racontera ses histoires. YouTube Money. Voilà. Le prochain. Exactement. Les grands meilleurs tubes. Voilà. On arrive tout de suite sur Énergie. Bienvenue, merci à toi en tout cas. Bisous Joy. Merci à vous, bisous. Bisous, ciao. Et je vous rappelle tout de suite, on a le dragophone qui arrive et on cherche toujours qui a fait ce cri. Si vous avez une idée, envoyez maintenant parce que je vais prendre un gagnant tout de suite là. Qui a fait le fameux cri, le vous avez entendu le. On est d'accord, vous l'avez entendu ou pas? Ouais, ouais. Encore. C'est pas un truc que j'entends faire. Tiens, je te le mets. D'où vient ce cri? Allez-y, dites-nous qu'on arrive tout de suite. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes? Assistez à la soirée événement. Partez à Cannes, assistez au Energy Music Awards avec la phrase Energy. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Energy Belgique ou sur energy.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Energy. Je veux assister au Energy Music Awards à Cannes. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes. Energy. Hit music only. Everything you say, every time you swear, every word you speak, every time reminds me of that Monday night when the streets were cold and the lights were dead and you wanted to let go. Go. I need a final way to say I never meant to spin out of control. You're tired of staying up all night. Stop trying to find a way to get back home. Énergie le soir. Ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h sur Énergie. Welcome sur Énergie. Putain, t'en as Maison. Bienvenue. Merci, hein. Et bienvenue à vous, les amis. Merci d'être là. Il y, y a eu des goals ce soir. Il y a eu des goals. Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Il y a eu. Je l'ai dit. Il y a eu beaucoup de goals. C'est pas cool pour la Belgique, puisque la Belgique ne joue pas ce soir. Mais je répète que le Bayern a battu l'AEK Athènes 0-2, l'Ajax Amsterdam a battu l'Ajax, pardon, le Benfica 1-0. Offenheim Lyon, c'est 3-3. 3-3, ça a fait ? Ouais, complètement. Ah ouais. Manchester City a battu le Shakhtar Donetsk 0-3. Real Madrid, Victoria Plzen 2-1. La Roma contre le CSKA Moscou 3-0. Valencia Young Boys de Suisse 1-1. Et Manchester United a perdu son match à domicile contre la Juventus. Ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Juven... Alors, qui la a marqué Juven... Elle tousse. Oh, but de Paulo Dybala, tiens, c'est Dybala qui a marqué à la Roma, je regarde qui a marqué vite fait là. Ah, c'est Dzeko, bien sûr. Ah ouais. Et au Real, c'est Marcelo et Karim Benzema. D'accord, Benzema a marqué à City, et eh ben 3 buts de Kompany. Non, je rigole. Arrête, c'est... Ouais, non, j'ai eu peur, gros. Non. Non, puisqu'il est défenseur, il est loin derrière. Bernardo Silva, Emeric Laporte et David Silva. Voilà. Et du côté de, du Bayern, alors, tu sais, Ribéry, là encore. Ribéry joue encore au Bayern ou pas? Ouais, il joue encore, ouais. Ah, purée, pas mal. Hein. J'aime bien, lui. C'est Lewandowski et Javier Martinez. Oui, pas Roberto Martinez. Hein. Ravi Martinez. Ravi, ouais, moi je dis Ravi. Ah, je suis ravi de te rencontrer. Voilà, exactement. On a Gianni qui est là. Salut, Gianni. Allô, Gianni. Allô. Allô. Yo, Gianni, oh, Gianni dans la maison. Putain, vous êtes chaud, hein. Ah ouais, mais toi aussi, t'as l'air chaud avec ta radio elle derrière. Ta radio. Eh, la radio, elle tourne pas, c'est le GSM dans la voiture. Putain, ton GSM est trop puissant. Ah ouais. La puissance. Voilà. Donc, j'arrive. Ouais, ça y est. Ah ben mieux, voilà, c'est bon, là, on t'entend bien. Comment ça va, Gianni? Ça va et toi? Ça va tranquille. Tu viens de quelle ville, dis-moi? De Mons. Mons est avec nous ce soir. Et c'est bon, ça. Vas-y, chante avec Gianni. Ah, son téléphone décode. Ah, ça fait du bien. Bon, Gianni, est-ce que tu nous entends bien? Parce qu'on dirait que ça bug un peu là. Moi, je t'entends pas bien là. Ah, moi, je t'entends bien. Attends. Allô? T'as mis un haut-parleur là, c'est pas possible. Deux secondes. Aïe. Ah, j'en ai fou de notre tronche. Aïe. Là, maintenant, ça va? Ouais, écoute, ouais. Ça va et toi, Zena? T'as la concentration pour régler un téléphone. Incroyable. Ça va maintenant ou pas? C'est mieux, Gianni. Merci à toi. Gianni, bienvenue à toi sur Énergie. Ce soir, au Dragophone, tu vas affronter Nina. Salut, Nina. Salut. Bienvenue sur Énergie. Nina dans la maison. Nina dans la maison. Sur Nina, tu viens d'où? De Mons aussi. Eh ben dis donc, on a que des Montois ce soir, hey, qu'est-ce qui se passe là ça... Et c'est parti. Bah oui. Nous irons ville quart d'or, à la procession des Monts. Ce sera le poupée Saint-Georges qui nous suivra de tout le monde. C'est le doudou, c'est maman, c'est le poupée, poupée. C'est le doudou, c'est maman, c'est le poupée Saint-Georges qui va. C'est le doudou. C'est le doudou, c'est le maman. Voilà. C'est le maman. Tu as dit quoi, Thibaut? C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée de Saint-Georges qui va. Voilà. Ça ne veut quoi? Ça ne veut rien dire. Bah, c'est du wallon, hein. C'est du wallon. C'est le maman ou c'est le moment? Le maman. Ah, c'est le maman, ça ne veut rien dire. C'est le maman. Voilà. Bon, ben, on est de Mons aussi. Merci, Sergio, pour ton message. Oh, 0492-222-0002, je vous le rappelle. On va faire le Dragophone tout de suite sur Énergie avec ce soir. Gianni contre Nina, Nina honneur aux dames, tu choisis de faire équipe avec qui ce soir? Tu as Eddy, il y a Thibaut, il y a Lara, il y a Nigel. Yeah. Lara. Ah. Yes. Les gens sentent, ils savent que Lara est forte à ce jeu. Hein. Gianni, il te reste Nigel, Thibaut, Eddy. Je me suis pas choisi moi parce qu'il faudrait faire un peu tourner toute l'équipe et parce que je suis une vraie merde dans ce jeu. Ok, il sert à quoi l'équipier en fait? Qui ça? Il a rien compris lui. Non, hein? Bah non, j'ai pas compris. J'ai dit t'as le choix de faire équipe avec Eddy, Thibaut ou Nigel. L'équipier te permettra peut-être de gagner le jeu si jamais toi tu n'arrives pas à placer tous tes mots dans le Dragophone. On va pas tous tes mots, mais à te faire inviter. Ça va? Ok, ça va. Nigel. Eh ben très bien. Là, raconte Nigel ce soir. Les règles du Dragophone, elles sont très simples. On téléphone à des gens et il faut tenter de se faire inviter chez ces personnes. Tout de suite, maintenant, aller chez eux. Pas devant la porte, pas dans le jardin, chez eux. C'est important. Il ne faut pas dire qu'on appelle pour un jeu télévisé. Il ne faut pas dire qu'on appelle au nom de la radio. Et il faut pas dire oui si vous dites oui, je vais gagner quelque chose. Ah non, ça marche pas ce genre de règle. Hein. Voilà. Ça, c'est important, il faut le signaler. Et donc, c'est en combien de temps qu'on doit en faire ça? En une minute, il faut tenter de se faire inviter. Ok. On va commencer avec Nina ce soir, mais d'abord, on a plein qui galèrent pour trouver le cri de ce soir. Si vous arrivez à trouver le cri, je dis respect, hein, le cri de ce soir, c'est le suivant. Qui crie comme ça? On me dit, c'est le cri d'un iguane. Je vais vite lire les propositions avant de lancer le dragophone. On me dit, c'est Godzilla. Ce n'est pas Godzilla. Ah. Ce n'est pas un iguane. Ce n'est pas le volant dans Resident Evil non plus. Ce n'est pas une puma ou un panthère ou un lion. Non, ce n'est pas un éléphant. Ce n'est pas le kraken. Le kraken, il est dans l'eau, il fait blablabla. Ce n'est pas un orque. Non. Un ourouk. Aïe. Non, toujours pas. Est-ce que c'est un truc? Pourquoi c'est un truc quoi? Tu c'est un truc avec deux mandibules comme ça qui s'ouvrent très très grand et genre 500 dents des petites. Qui s'ouvrent en quatre. En quatre? C'est comme dans Stranger Things ça. Alien. Ouais. Alien ça s'ouvre pas en quatre. Si, ça fait. C'est Predator qui s'ouvre en quatre. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. On me dit un ours, non plus. Il y en a que la bonne réponse. Steph a la bonne réponse. Attention, c'est un tirage au sort dans ceux qui trouvent la bonne. Hein. Mais vous galérez. Hein. Enchanté. Merci Lidwin, merci pour ton message. Bienvenue à toi. Un dinosaure génétiquement modifié, pas mal. Mais ce n'est pas un dinosaure génétiquement modifié. En fait, on est en train de faire le mot de la fin à 23h. Quasiment, ouais, c'est ça. C'est pas Godzilla, c'est pas King Kong. 30-18 si vous avez la réponse. C'est pas King Kong. Hein. C'est pas le monstre dans Pacific Rim. C'est pas mal d'avoir proposé ça. Un Velociraptor non plus, c'est pas ça. C'est un truc de mec? Sauron, c'est pas Sauron. Oh, Sauron. Ouais, l'œil de Sauron. Non, il fait. On me dit c'est Cristiano Ronaldo. Non, c'est pas Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est. C'est ça? Ouais, il fait ça. Ouais, quand il marque, il fait su. Je veux des chaussures. Comment vous l'entendez? Su S avec plein de U. Su. C'est sur FIFA. Voilà. Comme transpirer en fait. Ah, ça vient d'où? Un rhinocéros. Non, un rhinocéros, ça n'avait pas de bruit. Un tripotalanus. Oh, le billon. Ce n'est pas ça. Vince, c'est ma femme quand je passe par derrière. T'imagines, ta copine, elle est là, elle est en mode. Allez, chérie, vas-y, comme ça, là. Voilà, celui-là. Non, pas celui-là. Ça fait ce genre de bruit, effectivement. Ce n'est pas un T-Rex, non, effectivement. Le cri de la mère de Chuck Norris quand elle l'a mis au monde. Ouais, non, c'est pas ça. Un hippopotame, non, c'est pas ça. Ça fait pas de cri, un hippopotame, je crois. C'est un animal? Qui existe? Non, c'est pas un animal. Mais au 38, il propose truc... King Kong. King Kong, là, j'ai déjà dit que c'était pas King Kong. C'est un truc ferré. Un truc comment? Ferré, mécanique. Non plus. 0492 222 002. Mécanique. Il propose Nigel quand il est la dalle. Un Yeti. Le chien à trois têtes dans Harry Potter, non plus. Un lion. Non, c'est pas ça. Un sèche-cheveux. Putain, t'imagines ton sèche-cheveux? Il te mange. Une carcasse de bagnole. Ah, pas mal. Un orque. Non, c'est pas ça. Un immeuble qui tombe. Eh ben, dis donc, voilà. Eh ben, vous savez quoi? Le cri là, celui-là, est capable de faire tomber un immeuble. Voilà, je donne une info de dingue. Bon, attention, c'est parti, dragophone. On va commencer avec Nina. Nina qui fait équipe avec Lara. T'es prête, Nina? Je suis prête. Allez, c'est parti. On téléphone à quelqu'un au hasard, des gens qu'on ne connaît pas. Il faut tenter de te faire inviter chez ces personnes. Nina? Oui. Coucou, Nina. Essaie de placer un maximum de j'arrive, comme ça, pour pousser la personne à dire oui. Voilà, c'est mon petit conseil beauté. On appelle Tari, 23h15. C'est chaud. À mardi. Ah, ça sonne. Il faut que ça décroche. C'est super. Ah, il est tard. Ouais, d'habitude, on fait ça avant 22h, mais là. Ah, on est transféré ailleurs. On appelle peut-être un autre. Le bruit, c'est Godzilla. Allô? Non. Oui, bonjour. Madame? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien chez la dépanneuse? La dépanneuse, non. Oh, excuse-moi, je vais m'arrêter avec moi. Par contre, alors, parce qu'en fait, je suis chez vous. On l'entend pas du tout. C'est par hasard, je vous dis. On l'entend pas du tout. Ma dépanneuse, je viens de trouver mon pneu. Mais en fait, je pense que vous êtes trompée, en fait. Je peux pas venir jusque chez vous, juste pour prendre un cric. Elle a raccroché. Et malheureusement, ça a coupé. Ah, quel dommage. J'ai pas d'idée aujourd'hui. Parfois, le téléphone fout la merde. Et quand le téléphone fout la merde, ça va, mais... Eh ben, c'est la merde. Ah, voilà. C'est toujours, tu vois... Il faut acheter téléphone Samsung de Corée du Sud. Mais bien sûr. Meilleure qualité. Quel cliché que je viens de faire. C'est incroyable. Bon, bah, malheureusement, c'est râpé. Je suis désolé, Nina. C'est pas grave. Ah là là, ouais, non, mais sur le téléphone, elle a déconné. Hein. Ouais, mais dommage. C'est toujours, tu sais, quand les téléphones des gens, ils déconnent, tu dis répète ton truc. Quand ils répètent ce que t'as déjà entendu, il n'y a pas de problème. Ouais. Dès qu'ils disent le mot que t'avais pas entendu, ça se. Tu vois, c'est ça. Exactement. Tu ne sais pas pourquoi. Et j'adore, il y a Tracy qui m'envoie enchanté, Tracy. Enchanté, Tracy. Moi, c'est Vince. Nigel, enchanté. Toi. Vince, le bruit, le cri, c'est le bruit de paix de Maggie de Bloc. Oh non, non, non, non, ah, non, les non, bâtards. Les créatures du film Rampage, j'ai toujours pas vu ce film d'ailleurs. Hein, une explosion, non, c'est pas ça. C'est Nigel quand il pète, non, c'est toujours pas ça. Allez, bon courage. J'ai mis Godzilla en premier, donc j'ai gagné, mais j'ai déjà dit que c'était pas Godzilla. Ce n'est pas Godzilla, pour la dernière fois. Gianni, t'es prêt? Gianni? Gianni? Gianni nous entend plus, les gars. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qu'on a avec le standard ce soir, mais j'ai l'impression que ça déconne dans tous les sens. Allô, Gianni? Non, malheureusement, on a perdu Gianni, mesdames et messieurs. Allô, allô, ah, ça y est. Ah, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, Gianni? Bah, gros bug, je sais pas, il a appuyé sur silence pour rien. Peut-être qu'il se console, c'est Versace. Gianni. Allez, Gianni, c'est parti, attention, on appelle, faut tenter de te faire inviter. T'es prêt? Ok, ça va. Bon courage. Bienvenue sur voicemail. Ah, directement voicemail. Bon, bah, on appelle ailleurs. Hein. Allez. C'est parti. Il faut que ça décroche. Allez, on y croit. On y va. On prie. On croise les doigts. Allô? Non. Attends, ça sonne, ça sonne. Alors, Choc Norris, ça s'écrit pas Choc, mais Choc. Merci. On appelle encore ailleurs. Il est tard, les amis. Donc, on aura difficile à joindre les gens à cette heure-ci. On appelle sur des fixes en plus. C'est Yann Jambon quand il voit un flic. Oh! Allez. Ah, ça galère ce soir. Galère pour décrocher. Ah, il est fou, hein. Je vous remets le cri pour ceux qui ne connaissent pas le cri. 0492 222 002 sur WhatsApp. Je précise bien sur WhatsApp. Plus 32 422 222 002. C'est quoi le cri? Écoutez. Ça fout les boules déjà. Bon, ça ne veut pas décrocher, on va appeler encore ailleurs. Bon, on appelle plein de numéros, comme ça tu sais. Hein, bonjour. Ouais, ouais, pas de soucis, t'inquiète. Ça galère un peu, là. Allez, mon ex-femme. Ouais, mon GSM qui bug. On rappelle ailleurs encore. Allez, c'est reparti. Bonjour, je suis momentanément indisponible. On a remarqué, merci, on appelle ailleurs. Ah, mais quand il est tard comme ça, décidément, c'est mort. Un robot qui détruit un immeuble. Non, Maxime. Ce n'est pas ça. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. J'arrive pour vous déposer vos deux pizzas. Pardon? Je suis en direction de chez vous pour vous déposer vos deux pizzas. Vous avez bien commandé une margarita et une cap fromage? Non, c'est pas moi. Ah, désolé, alors ça doit être une erreur, mais par contre, les pizzas sont payées, donc maintenant, si vous voulez les prendre, parce que là, c'est les dernières livraisons, donc on va pas retourner chez l'autre personne. Donc les deux pizzas sont là. Maintenant, vous êtes où? Je suis à Bruxelles, c'est pas chez moi. Je suis à 5 minutes de l'adresse qu'on m'a donnée, madame. Et apparemment, c'est chez vous parce qu'on m'a donné votre numéro. Maintenant, ah non, comment... c'est sûr que c'est pas chez moi. Vous allez où exactement? C'est dommage. Ben, on m'a donné votre adresse, madame. C'est maintenant, gâché. Si vous... c'est ben seconde. Non, si c'est pas mon adresse, si vous êtes trompé de numéro. Allez. Non, madame. Ouais. Maintenant, si vous voulez, je peux simplement passer et vous faire signer un document. Ça, non. Ça pas. Ah, du coup, mais comment les pizzas sont payées, j'ai besoin absolument d'une petite signature. Si je peux vous pouvez les manger parce que c'est pas les miennes. Voilà. Mais fini, on raccroche. Vous on raccroche. Ah, ouais. Eh, non, mais c'est trop tard. C'est fini. C'est fini. Gianni, c'était servi sur un plateau. Ah, mais complètement. C'était là. C'était là. Mais t'as raté. Mais t'as trop compliqué l'histoire. T'as trop compliqué l'histoire. Fallait juste dire, écoutez, voilà, j'arrive maintenant, ok. Et là, dire ok. Allez, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Qui va s'y coller? Qui va faire gagner peut-être Nina ou Gianni? Et bon, on va commencer, comme ils auront tous les deux raté, les pauvres. On va commencer avec Amstramgram, piqué, piqué, collé. Allez, Lara, c'est Lara qui s'y colle en première. T'es prête, Lara? Oui, je suis prête. Et ben, c'est juste après Benny Blanco. Ouais. Avec Eastside. Bienvenue sur Energy, let's go. Nouveau hit, tout frais, tout frais, tout frais, dans la playlist Énergie. Énergie. Benny Blanco et Khalid. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day. She found her way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with the sun on set. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23 and we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead-end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we'd ride, through the back streets in a blue Corvette. I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put our mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. Run away now, run away now. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side, the city where the sun don't set. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider, Vince. Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur Énergie. Ouais, soyez bienvenus sur Énergie, les amis. Merci à vous. Vous êtes 312 000 sur la page VNZ et ça fait plaisir. Ouais. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Hello Vince, Bruxelles vous écoute de mon taxi. Vous êtes géniaux. Merci Faisal pour ton message. Merci à tous les nouveaux là. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je vais dédicacer une petite partie de l'émission à vous là dans quelques instants. Tous les nouveaux qui nous ont envoyé des messages pour la première fois ce soir. Et merci aux anciens. Quand je dis les anciens, ceux qui sont là depuis une semaine, deux semaines, trois semaines, qui sont là depuis des années. Ils écoutent l'émission depuis très longtemps. En tout cas, dites-vous un truc, c'est que si vous écoutez l'émission, vous pouvez réagir avec nous en temps réel. Vous pouvez essayer, ça fonctionne. Hein, c'est en live. L'émission est en live. Il est 23h24 sur notre numéro WhatsApp. Les amis, 0492 222 002. Dans quelques minutes, j'aurai des places à vous offrir pour la symphonie Dragon Ball, là, Dragon Ball Symphonic Adventure, Avenger, avec Hirooki Takahashi. Là. C'est le chanteur du générique de Dragon Ball. Ce sera juste après. Je tiens à préciser, ça va se passer le mardi 30 octobre au Palais 12 de Bruxelles. Et ce qui est super cool, c'est que c'est carrément une symphonie avec des orchestres et tout ça. Je sais pas combien de personnes sur scène, 80 personnes. Ouais. C'est assez impressionnant et tout. Et vous avez droit aux meilleures musiques du manga comme ça sur grand écran en même temps. Enfin, c'est vraiment, c'est impressionnant à voir et ça va se passer donc pendant les vacances de Toussaint. Donc ce sera dans quelques minutes sur Énergie. Tranquillou, on va vous offrir ça. Et merci pour tous les messages là. Indominus Rex, non, c'est pas l'Indominus Rex, le cri bizarre. Bon les amis, vous êtes prêts, hein? Oui. On continue la suite du Dragophone. Yeah. Tentez de se faire inviter chez quelqu'un, sauf que pour vous c'est plus compliqué les amis. Ah oui, vous avez vous avez une contrainte. Oh non, j'avais oublié ça. Alors, c'est quoi la contrainte? Mais oui. La contrainte de Lara qui s'y colle en première. Ouais. Lara. En premier, oui. Oh oui, en première, non? Non. Tu t'y colles en première? En premier. Non, en premier, en premier. Ah, locution adverbiale. Ah ben, locution adverbiale. Mais à coule pas. Vas-y. Non, dis donc. Excuse-nous, pardon. Locution adverbiale. J'avoue. Expression de français. Et donc, je vais faire quoi? Bah écoute, on appelle, je te dis pendant l'appel. Non, non. Ok, ça va. Non, c'est bien comme ça, elle se prépare pas. Kenji Girac. C'est une blague. C'est pas une blague. Ah, franchement. C'est parti, on appelle. Bonsoir. Voilà, Bella. Tu vas te faire inviter. Kenji Girac, c'est pas une contrainte. Ça dépend. Bah, faut pas faire la crédible, on appelle en Belgique. C'est ce que moi je fais. Oui. n'est pas disponible. Ah, bah, bah, bah, écoute, non, non, on appelle ailleurs, t'inquiète pas. On appelle ailleurs, t'en fais pas. Ah, bah, on appelle encore ailleurs puisque le numéro n'est pas attribué. Peu cher. Oh, peu cher. The number you have dialed is. Bah, ouais, comment c'est possible? Escorte figue, tu me fales le cœur. Je me le fange. C'est long. Et merci à Quentin qui nous envoie une vidéo de lui là au volant. Mais fais gaffe quand même, hein, Roux. Tu filmes au volant. Allô ? Ah, ça va être. T'es en train de parler. Heureusement que c'était toi qui parlais. Non, non, ça, ouais. Franchement, la rapidité de décrochage, la rapidité de raccrochage, la personne n'a pas cherché à la décrocher, raccrocher en fait. Voilà, elle m'a pas entendu. Ouais. Voilà. J'avais pas le temps. Voilà, merci à Quentin qui nous envoie. Bonsoir à la maison. Merci à toi. Il nous écoute. Bienvenue sur Voicemail. Du côté de Forêt-Saint-Gilles. Merci à toi. Mais tu sais que ça, c'est des numéros qui répondaient tout à l'heure. The number you have dialed. Mais ouais, comment c'est possible ça ? Eh ben, on appelle encore ailleurs. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ? 23h27, il est trop tard pour ce jeu, c'est incroyable, c'est ma faute. On a pris trop de temps. Allô ? N'est pas disponible pour le moment. Mais les gens, ils décrochent, ils raccrochent quoi. Je comprends pas comment c'est possible. Et les auditeurs, donnez-nous des numéros de téléphone, s'il vous plaît. Donnez-nous des numéros de téléphone de gens de votre entourage. Allô ? Bon, directement, ça raccroche. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est quand ça sonne, faut plus du tout parler parce qu'ils entendent l'antenne. Je crois pas qu'ils nous ont entendu. Hein. Non, si, ils entendent. Non, ils ont pas le temps. Ils entendent Kedji. Allô ? Moi, je vois pas les appels. Allô ? Ah ouais, mais ça, c'est attends, un problème. Attends, je vais dire allô. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. En fait, je pense que votre fils est en train d'appeler ma fille depuis là tout à l'heure. C'est une erreur, madame. Je ne pense pas, parce que je reçois des appels de vous. Ce qui va se passer, c'est que bon, je vais un peu faire peur à mon fils, enfin, ma fille, parce que je ne voudrais pas que ça continue encore. Ça fait 3 semaines comme ça, moi, je n'arrive plus à dormir. Donc, en fait, je vais... Madame, c'est un problème, là. Je suis désolée, moi, je suis en train de dormir. Oula, je suis désolée, mais attendez, je vais juste lui dire que j'arrive chez vous, comme ça, elle a un peu la flippette. Donc, j'arrive maintenant, ok ? C'est une erreur, madame. Elle le mentait. J'arrive maintenant, ok ? Madame, c'est une erreur. Mais dites-moi juste oui, comme ça. Ah ! Hey, dites-moi juste oui, comme ça, et ben boum. Et j'ai bien. Elle était bien, le. Bien joué, bien joué. Non, moi, franchement, belle tentative, Lara. Ah, belle ça tentative. M'a fait du bien d'être dans Kenji Girac. Oui, ça fait du bien. Alors, c'était... comment tu dessines d'avoir pris du poids? Eh ben, je sais pas, j'ai comme si mes doigts, tout d'un coup, ils arrivaient à pianoter, guitariser l'histoire. Tu te sens un petit peu grosse, là, ce soir. Hein. Oh. Non, mais Kenji, il a pris un peu de poids, Kenji il faut le dire. Aussi, bon, Nigel, t'es prêt, ouais, Nigel? Je suis prêt, ouais. Allez, c'est parti, on appelle pour Nigel. C'est quoi ma contrainte? Ta contrainte, c'est... un cochon. Il y a Kenji Girac et bah toi, t'es... Toi, t'es Matt Pokora. Allez, bonjour. M. Pokora. Il n'y a pas d'accent, c'est vrai. Attends, vas-y. Accent canadien, québécois. Non, ça, je sais pas faire. Dis rien, dis rien. Ah, si, c'est ton... Je sais pas le faire. Accent québécois. Et tu rajoutais... Ben ouais. Non. Et tu rajoutais des... Ah, c'est pas grave. Is not in use. On appelle ailleurs. Is not in use. Donne-moi ton numéro. On appelle ailleurs. Oh là là on se verra après des Canadiens. On a des numéros sur le WhatsApp, les gars. Des c'est pour qui... qu'ils n'ont pas pensé. Bonjour. Ils n'ont pas pensé à. Ouais, messagerie. Sur WhatsApp, vous donnez des numéros, frère. Mais on ça pourrait trop pas. Appeler des Canadiens. Il est quelle heure là-bas? À 5h de l'après-midi. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne idée, ça. Allez, on rappelle d'ailleurs. Alors, on va attendre l'accent de Nigel. Allez. Vas-y. Bonjour. Allô. Allô. Oui, allô. Oui. Alors, on a dit. Voilà, bon. Ok. On accroche. On appelle j'avoue ailleurs. Que tu reçois un appel à cette heure-ci, tu flippes, quoi. Oui, oui. Wow. T'as l'impression que c'est Hercule Poirot. Alors. Allô. Allô. Allô. C'est qui? Oui, bonjour. En fait, je suis devant chez vous. Je pense que j'ai oublié mes clés devant votre porte. C'est possible de passer, hein? Canadien. Oh. Ah, raccroche la journée. Mais là, mais le panne, où on l'entend. T'as parlé, il fallait pas. J'aimerais bien vous dire juste quelque chose. Quoi? C'est que entre le moment, c'est-à-dire, elle a pas entendu que j'ai parlé. Elle était déjà dans son action de raccrocher avant même que je dise ailleurs, canadien. On rappelle ailleurs. Non, mais on rappelle. Ça s'entend. Il faut pas parler. Attention, parce que je ne dis plus rien. On n'a pas de système ici pour couper tous les micros. Je ne souhaite pas gagner par la force. D'accord, très bien. À quelle force? On se voit voir. Pas de force. Allez, répondez, les gars. Moi, à 23h30, je dors pas. Et ton accent, il est claqué. Je sais pas faire l'accent. The number you have dialed. J'ai déjà dit. Et on rappelle encore ailleurs. Mets des S après tes T, genre tu te sais, tu pas. C'est possible de parler un peu comme ça de ton nez. C'est possible, tu as dit. Là. Va chercher dans ta cloison nasale. Va chercher, là. C'est possible de dîner chez vous. Voilà, non, c'est un peu. Je suis canadien, quoi. Ouais, c'est je suis canadien. Tu sais pas. c'est pas possible. Par contre, je vais bien faire l'accent ch'ti, sachez le tenir, tu vois. Ah ben non, canadien. Mais canadien, c'est pas possible. Ça, ça décroche pas, ça fait une heure. Bienvenue sur... Non, vas-y, ça fait une heure. C'est pour moi, j'ai perdu, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Ah ben c'est dead, hein, les amis. Non, mais attends, allez, on tente une dernière fois. Une dernière, mais c'est la dernière, parce que ouais, là, toi, on a un friend zone. Si je réussis pas, c'est bon. Je ne suis pas accessible pour le moment. Allez, salut. Bon, voilà, c'était la dernière. Au revoir. Eh ben, quelle déception. C'est personne incroyable, mesdames et messieurs, il se passe des choses. Oui, effectivement, vous savez, quand on appelle après 23h, c'est fini. Nous sommes dans un pays où les gens dorment très tôt. Ce jeu-là, il faut le faire à un début d'émission, à un début de show. Là. Ouais, grave, on aurait dû le faire au début. Mais c'est pas faux, tu prends trop de temps. Les gens en Belgique, là, sont pas foufous. Hein. Ah 23h30. Gianni et Nina, malheureusement, il ne s'est rien passé ce soir. La déception, on est triste. Mais c'est pas votre faute, les amis. C'est la faute des gens qui vont dormir très tôt. C'est leur faute. Là. Et donc, du coup. Ils ne vous écoutent pas. Et ouais, voilà. Exactement. Et voilà. Voilà. Ou peut-être qu'ils nous écoutent et qu'ils ont peur de répondre. Ouais, ou peut-être qu'ils vont faire dodo parce que la vie est dure, c'est pour ça. Bon, Nina et Gianni, dans cette déception, je vous fais un gros bisou et vous repassez quand vous voulez dans l'émission, les amis, ça va? Ok, pas de soucis. Bisous. Et il n'y a personne qui a gagné? Bah non, personne n'a gagné ce soir, c'est comme ça. Bisous Gianni, bisous Nina. Bah non, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est la dure loi de la life, qu'est-ce que tu veux? Eh oui, mais c'est pas grave, puisqu'on a encore pas mal de conneries qui arrivent tout de suite sur l'énergie. Bienvenue, on est en live, let's go. Le soir, du lundi au vendredi, dès 21h. Et sur Énergie. Il est brillant à tout point de vue et vous allez l'avoir en main avant tout le monde. Cette semaine, écoutez Énergie chaque matin et gagnez le nouvel iPhone XR. Réveillez-vous avec le 6-9 sur Énergie et gagnez l'iPhone XR avant tout le monde, exclusivement sur Énergie. Merci à vous, merci d'être connecté, merci d'être avec nous le soir sur Énergie. On a démarré l'aventure le 27 août et chaque soir, il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent, qui sont là, qui sont connectées, qui sont branchées, qui sont au rendez-vous et qui nous envoient des messages en temps réel. Ouais. On essaie de vous faire rigoler. Parfois les dragophones tombent à l'eau comme ça fait plouf. Mais c'est pas grave puisqu'on est là pour kiffer. Il y a Lara qui est avec moi dans cette émission. Lara Belle Rose pour vous servir. Elle s'appelle vraiment Belle Rose, c'est pas une blague. C'est vrai. C'est très sérieux. Il y a Nigel également. On est là dans la place. Voilà, il s'appelle Nigel Sanchez. Oui. Mais je suis sur une chaise. Oui. On est d'accord. Il y a également Thibaut qui est au standard. Yep. Il décroche. Yep, je m'emmerde. Yep. Oh. Oui. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. T'as de la chance, connard. Je pensais à quelque chose. Et puis on a également Eddy qui est là. Ça va, Eddy? Yep. Eddy qui a, depuis qu'il est dans cette émission, a perdu sa sacoche. Oui. à plein de poches. Qu'est-ce que elle est pas certainement perdu. Coincée in the tube. Voilà. Ma virginité. Exactement. Tu l'as perdu aussi ? Ouais. Félicitations. Avec Thibaut ? Ouais, avec Thibaut et Nigel à 3. Oh purée, je... ah, merveilleux. Zen Room. C'était dans, quel, pauvre, dans quel ordre ? Ouais. L'humain centipède. Et puis en même temps, le pauvre, il a pété ses doigts lors de son passage de permis de conduire. Il a pas de chance. Là, je fais une dédicace, mais il n'y a personne qui voit. Ouais, si. Enfin, moi, je vois. Édicace. Il y a Léla qui m'écrit par un message sur WhatsApp. Quand est-ce que je viens me faire tatouer Vince ? Waouh. Une auditrice veut se faire tatouer Vince. Je sais que des auditeurs veulent se faire tatouer Énergie. On a une émission spéciale tatouage à la rentrée le 5 novembre. Et dans cette émission, il va y avoir des tatouages aussi. On va tatouer Thibaut. On va tatouer les personnes qui veulent dans cette émission, mais on va décider. Ah oui, mais on va décider ce que vous allez. C'est lui qui l'a décidé dans cette émission. Lara, elle veut grave se faire tatouer depuis 2002. Éventuellement. Ouais. Mmh. Moi, je suis chaud, mais pas un truc trop chaud non plus, parce qu'il y a une émission où il faut mettre un truc bizarre. Ouais. Ça peut partir en sucette, effectivement. Ouais, voilà. Ça sera le 5 novembre, à partir de ce jeudi. Émission spéciale Halloween. On va parler de paranormal. On va parler de Ouija. Avec Véronica, la voyante, pour ceux qui connaissent. Véronica, c'est une voyante qui vient dans l'émission le vendredi, généralement une fois toutes les 5 semaines. Mais elle-même a dit que c'était pas possible de faire ça. Ah, mais si, elle-même a dit c'est pas grave, je le ramène, je le fais, elle a dit. Ah, c'est elle qui ramène la table. Oui. Ah, ouais. Oui. Elle a dit qu'il y avait des anges dessus, du coup, c'est bon. Voilà. Ah. Et chers auditeurs, je m'adresse à vous. Je m'adresse aux auditeurs qui nous écoutent le soir, peut-être en rentrant du boulot, avec cette sympathique musique qui passe à l'arrière. Car tu t'appelles Vince. Merci. Et tu es aussi autour de cette table. C'est vrai. Et si nous avons un deuxième nom, toi aussi tu as un deuxième nom. Et quand on fait le verlan de ton deuxième nom, en fait ça fait Taken presque. Taken ? Taken. Kanté. Ah ouais putain. Taken. Taken. Donc les amis, je voudrais m'adresser à chaque auditeur qui n'a jamais envoyé de message à la radio. Si vous n'êtes jamais parti, vous n'avez jamais participé, jamais envoyé un petit texto, genre vous avez juste profité de la radio comme ça, des délires du soir dans la libre antenne. Gratuitement. Exactement. Eh ben, je voudrais que vous m'envoyiez un message. Vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait de toute votre vie. Wow. Je veux savoir comment vous appelez et d'où est-ce que vous venez. D'où est-ce que vous nous écoutez. Merci à tous les auditeurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont fidèles, qui envoient full message le soir. Et là, je m'adresse à ceux qui ne l'ont jamais fait. Si tu es actuellement dans ta voiture, tu n'as jamais envoyé de message à la radio. Jamais. Viens, on fait connaissance. Viens. Le numéro de téléphone, c'est le 0492 222 002 sur WhatsApp. 0492 222 002 sur WhatsApp. Et je vais lire tous tes messages. Tous les messages que tu as envoyés, je vais les lire. Vous n'avez jamais envoyé de message à la radio ? Mettez ça sur WhatsApp, ajoutez Vince à vos contacts. Et ça y est, ça commence à arriver. Oh putain, vous faites du n'importe quoi. C'est lui qui fait trop fort, laisse-moi faire, wesh. Ouais. Oh, c'est du beau. Micro. Fais pas. Il n'arrive pas à régler son volume, lui. Quoi faire ça dehors derrière la vitre. Je salue Richard et Jérôme du ballon à Marchienne. Merci pour vos messages, les amis. Nordine aussi. Vince, le téléphone au volant, c'est interdit. Non, il faut se mettre sur le côté, effectivement. Mettez-vous sur le côté pour envoyer un message si vous êtes actuellement en voiture ou autre. Merci à Silvio qui est là. Merci à toi. Vince, elle a pris quoi, Lara, aujourd'hui ? Bonne question. Non, rien, justement, je suis calme. Dédicace à Théo qui est à l'étage du dessous. C'est génial, ça. Comment t'as baissé le micro ? Ouais. À Philippe du Luxembourg qui est là. Oh my God. Richard et Jérôme. Ouais. Balotin de Marchienne, je crois que j'avais déjà dit. Balotin. Vince, j'ai commencé à écouter aujourd'hui. Oh, eh ben, wow. C'est quoi ton prénom ? Là, là, vos sons passent mieux. Là, c'est vrai. Oh my God. Hein. Mais là, on peut les faire avec le vrai volume. Ouais. Wow. Merci à Lidwin. Ouais. Pascal de Charleroi qui m'a jamais envoyé de message. Waouh. Wow. À quoi il s'agit de représenter leur ville, ils sont là. Hein. What? On synchronise là. Ouais. Il y a aussi Agram de Charleroi qui n'a jamais envoyé de message. Oh my God. Il y a Corentin. Namur est dans la maison. Big up aux collègues. Alex, alias le patrouilleur. Ah ah ah, big up l'équipe. Je m'appelle Arti et j'habite Liège. Artificiel. Ouais. Et d'une Louvière. Grosse dédicace à tous les chauffeurs de Colruyt qui nous écoutent. Ouais. Vince, envoie-moi des dossiers sur l'équipe, je vais les dessiner ce week-end. Avec plaisir. Hazel aux îles de Charleroi. Hazel 0492-222-002 sur WhatsApp. Prenez l'application, vous ajoutez le numéro à vos contacts. 0492-222-002. 0032. Et oui, il est aussi possible d'envoyer des notes vocales, je confirme, comme celle-là. Merci. Tout le monde fait les bruits comme nous. Ouais. Wow. On a Rama qui est là, salut Rama. Wow. Salut. Rama est dans la maison. Doucement, calmez-vous, partez en sucette. Allez, je remonte dans vos micros. Ouais. Merci. Rama, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Ouais. Ah, formidable. Tu viens de quelle ville, Rama? Bruxelles. Rama, tu es le BX, pardon, oui, Bruxelles. Mais quelle commune à Bruxelles? Etorbeek est dans la maison. Ah, c'est pas loin de chez nous, ça. Pas loin du studio d'énergie. Bruxelles B. Alright. Et si t'es à l'antenne, c'est parce qu'on a fait un cri. Et tu fais partie des personnes qui ont trouvé la réponse à ce cri. Alors attention, ne dis rien. Je remets le cri. On y va. Il est flippant. Est-ce que tu peux me donner la réponse? C'est Hulk. Hulk est une bonne réponse. Bravo. Oh, voilà. My god. C'était le cri de Hulk, en fait. Ah ouais, ouais, Hulk, quand il se vénère, il fait... Oh, ah, il est fort. Ah oui, ça... C'est oui. Glaçant. Hein. Ouais, il peut péter un immeuble. On est d'accord, Rama, il peut péter un immeuble, Hulk. Ouais. Il est mais capable. C'est sûr qu'avec ce bruit-là, il pète pas qu'un immeuble. Ça, c'est certain. On salue toutes les personnes qui nous écoutent du Luxembourg. Sophia aussi, du Luxembourg. Ouais. Bien plaisir. Merci à toi pour le message. Money. Salut Vin, c'est la team. Premier message, sympa l'émission. Chris, maître chien à Bruxelles. Oh. Intéressant. On va faire un petit délire, journée mondiale des chiens. Ramener, faire un petit parcours, un petit saut et tout, là, ça peut être très sympa. Avec des chiens. Voilà. Et Quentin aussi, Claire. Je suis dans la maison. Et vas-y, on envoie des jingles comme ça, je fais des trucs pour mais Halloween. C'est clair. Génial. On m'a encore envoyé Luxembourg dans la maison. Eh, hey, frère, big up au Luxembourg, ils sont tellement nombreux le soir. Premier message qui vient d'arriver 0492-222-002. Premier message d'un auditeur, dont le numéro termine par 72. Et il envoie une note vocale directe. Salut Vince, moi je t'écoute tous les soirs, mais j'ai jamais su t'appeler, gros. Aujourd'hui, je suis tombé dessus. Eh ben, gros coucou à vous tous et gros bisous. Ouais. À suivre, c'est Tché de Krainem. Eh ben, merci, big up à Krainem dans la maison. Là. Vince Elias de Bruxelles, je réponds à ton appel. Ah, oh, ça fait plaisir, là. Mathieu également, quel plaisir de t'écouter depuis des années. Merci à Mathieu qui m'a envoyé ce message pour la première fois. Merci. Il y a Sven aussi, Luxembourg dans la maison, premier message, là, qui m'envoie. Il y a full genre du Luxembourg, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, Vince, tu peux faire une dédicace à Nuage Noir, s'il te plaît. Merci à vous. Message bien passé. Vince, honte à moi, je connais une bonne partie de l'histoire de Hulk et je suis même pas capable de trouver son cri. Bah, bravo! Hein, David Banner, va falloir se rattraper. Katharina, Charleroi ici, big up. Rama, merci à toi d'être passé à l'antenne, bravo, on prend tes coordonnées tout de suite, ça marche? Merci à vous. Hey, Rama, t'as quel âge au fait? J'ai 14 ans. Et t'es dans quelle école? Arlette Richard. Arlette Richard, elle est où celle-là? Arlette. C'est près de Montgomery, je sais pas si tu vois. Si, je connais très bien Montgomery, effectivement. Je connais pas Arlette Richard. Arlette Richard. Arlette? T'as deux arrêts. Ah, lui, il est dans une école, il sait même pas comment ça s'appelle. Comment ça fait que tu connais pas le nom de ton école? Comment ça fait? Tu dis Ernest Richard. Ah, j'ai compris Arlette, moi. Arlette Richard. J'articule mal. T'es au CES de Etorbeek, en fait. Comment? T'es au CES, en fait. C'est quoi ça, CES? Eh, vieux, c'est le nom de ton école, hein. CESE, en fait. CESE. Tu connais pas le CES? Ben c'est ton école, mec. Attends, c'est une blague. Tu lui dis CES, il connaît pas. Tu lui dis CESE, il connaît. Attends, c'est quoi ce délire? C'est pas grave. C'est juste une lettre en plus. C'est pas grave. T'es arrivé de quand dans cette école, en fait? Bah, cette année. Ah, cette année, t'étais où avant? Avant, j'étais à Kremlinck. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Kremlinck, lycée Kremlinck, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai fait trop de bêtises. Hein. Ah, t'as été viré. Ah ouais. Bah, ouais. Voilà. Le directeur demanda à Castor de ramer depuis Castor à Rama. Excellent. Ah oh non, le bon. Super, il a un nom prédestiné. T'as fait quoi comme connerie? Non, mais raconte, Rama, t'as fait quoi comme bêtise? Ah, j'ai tapé quelqu'un. T'as tapé quelqu'un? Pour quelle raison? Non, mais attends, on est curieux, on voudrait savoir, peut-être pour éviter que d'autres personnes refassent la même connerie. Raconte-nous ton histoire. Il a insulté ma mère. T'as dit quoi? Il y a sa mère. Il avait insulté ma mère. Ah, il a. Attends, c'est quoi, c'est tout? Enfin, je veux dire, sais très bien que quand quelqu'un insulte une mère, c'est des conneries, quoi. Ouais, mais surtout, Zidane, il a donné un coup de boule parce que l'autre, il a insulté sa mère et lui, ça va. Ouais, mais ça veut dire qu'il a insulté sa mère pendant 90 minutes. Hein. Alors, donc, peut-être lui pendant des années. Et puis, c'était une finale de Coupe du Monde, t'es sous tension, tu vois. Ah, ouais, d'accord, alors ça va. Non, ça va pas non plus. Non, ça va pas non plus. Donc, à quoi il a juste dit, il a dit quoi exactement par rapport à ta mère? Bah, je veux dire. Bah, oui, dis-le, ouais, pas de problème. Baisse ta mère, fils de pute. Ah, ça. Mais attends, mais du coup, est-ce que tu l'aurais fait? Ben non. Mais du coup, alors pourquoi tu t'es énervé? Mais attends, mais, parce que d'abord, c'est quand on te dit ça, ça veut dire qu'il y a déjà eu une embrouille avant. Mais c'était quoi l'embrouille? L'embrouille de base, c'était pourquoi? En fait, le type, c'était même pas mon ami, mais il forçait trop avec ça, en fait. Il me le disait tout le temps. Ah ouais, donc il faisait du harcèlement. Ah ouais, donc il a commencé, il a continué, et puis à un moment donné, t'as pété un câble, tu l'as frappé. Tu l'as mis KO pour être viré comme ça? Non, j'ai pas mis. Il a eu un œil au beurre noir, puis c'est tout. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Il a eu un œil au beurre noir. Ah, il a eu l'œil au beurre noir. KO! Oh, excusez-moi, moi j'entends pas forcément. T'as le casque le plus fort de nous tous. Non, je crois que j'entends différemment, puisque j'écoute depuis la table de mix, et j'ai l'impression que le son est complètement différent. Ah. Sérieux? Je crois que vous avez un son compressé, et pas moi. Ouais. Moi j'ai un son brut, tout pourri comme ça. Ah, d'accord. Brut. Je pense qu'on est décompressé. Voilà, donc tu l'as mis KO, d'accord. Eh ben dis donc. Enfin non, œil au beurre noir. Ouais. Voilà. Et donc du coup il s'est plaint, donc il t'a insulté, il s'est plaint, il a fait m'a frappé et tout, et puis t'as eu des problèmes quoi, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ouais, non, bah, bon, je dis pas c'est pas bien, c'est pas cool de frapper, faut pas faire ça, mais. Ah, mais de temps en temps ça fait du bien. Il a un peu cherché, hein. Non, ça n'est pas du bien. Non, après, on sait pas. Que l'autre, il a dit des mots et l'autre, il a utilisé la violence des Ouais. Il faut jamais répondre à ça, tu sais, quand quelqu'un il t'insulte, la meilleure technique c'est de nier, tu vois, tu fais genre il est inexistant, et ou t'es là et tu rigoles, tu souris, non, mais en tu tournes à la dérision. Je crois que ça fait encore plus mal à la personne, tu sais, il y a pas plus grande douleur. Ouais. Que l'ignorance en fait. Quand tu ignores quelqu'un, c'est bien pire qu'un coup de poing. Non. La répartie. Ouais. Et après, si tu t'entraînes vraiment dans la répartie, peut-être tu pourras trouver un job à la radio même. Bah, exactement. Mais maintenant, si vous n'avez pas de répartie, et ça peut arriver, il y a des gens qui sont là, peut-être, ils savent pas quoi répondre. Répondez pas. Et c'est pas répondez pas, genre, faites comme la personne n'existait pas. Tourner en dérision, c'est... quand je dis tourner en dérision, regardez vers le ciel, faites un peu, tu sais, quand on te fait une feinte, tu regardes vers le ciel, genre, waouh, t'as une blague de ouf, tu vois, oh mon dieu, oh putain, non, ça c'est déjà la répartie, non, ça. Tu dis, ma mère est morte. Voilà, bam, c'est trop beau ça. Grosse punchline. Bah, c'est mal barré, ma mère est morte. Ouais, vraiment. Imagine, tu dis ça, il dit, ah, mais t'étais ta mère, fils de pute. Si je pouvais, mais on voilà. L'a brûlé. Et donc, du coup, là, t'es dans une nouvelle école. L'autre, ils ont pas cherché loin, donc t'as été viré direct, quoi. Ils ont même pas essayé de trouver des circonstances atténuantes et tout. Ouais, parce que. En même temps, je suis un Renoir, l'autre, c'est un blond, là. Ah Donc, la discrimination. Donc, attention. Non, il a dit un blond, virgule, là. Voilà. Mais ça, on n'accepte pas. Un blond, quoi là un blond, là. Ah, un blond, ça, là. Ça, c'est discriminatoire. Un déterminant derrière. Commence pas à insulter Thibaut, toi, là. Rama. Rama, écoute-moi, il y a plein de gens de couleur dans Acroblinque, là où t'étais. Ouais. Donc, c'est pas une histoire de. Voilà, c'est pas une histoire. Maintenant. Effectivement, t'as peut-être déconné, t'as certainement, oui, en effet, déconné. Il faut pas faire ce genre de truc, tu vois. Enfin bon, non, je suis pas ton père, hein, c'est pas ça, mais voilà, ça t'amène que des problèmes, que des ennuis de toute façon. Donc voilà. Bon, maintenant, t'as changé d'école, t'es de l'autre côté. C'est quoi le nom de ton école encore, rappelle-nous? Ernest Richard. Voilà, ok, c'est bon, on a refait le test, hein. Eh ben, que tout se passe bien là-bas, essaye de t'appliquer, et puis voilà, quoi, tranquille, ça va? Bah merci à toi, merci. Avec plaisir, mon pote. On est là. Et puis, merci pour ton message. Et bravo à toi, t'as gagné aussi des cadeaux. Donc, félicitations. Ah bon? Ah bah oui, il a trouvé le cri de Hulk. Ah oui, ça n'a rien à voir avec l'histoire où il tape des gens. En fait. Non, mais on discute avec lui. Il a trouvé Hulk comme par hasard. Voilà, ah bah ouais, celui qui tape, bah dis donc. Eh, bisous, vraiment, à bientôt, merci à toi. Hein. Ah, ciao. Et les amis, on devait avoir la friendzone et malheureusement, déception une nouvelle fois de plus dans cette émission. Oui, on peut faire. Attends. La friendzone ne répond plus. Est-ce que ça veut dire que éventuellement que on fait le mot de la fin et on termine à minuit? Eh ben oui. Ouais yeah Bienvenue sur Énergie. Et je suis sûr qu'il va être minuit, on va dire allez viens, 2h du matin. Allez, on est que Black sur Énergie équilibré. Light up the oak and drink some rum. Link up the girl, them we get some fun. And we make the girl, them giddy man bun. And look around the place, this is London. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nous. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les loups. Oh, yes, alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai on s'en bat les couilles, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. The bad girl wicked, équilibré. Me make the girl turn freaky, équilibré. Them a fait wine pon the dicky, équilibré. Go them pa ya like the city, équilibré. On est trop logo, Ben Ben Rafa dans moto. Qui prend les règnes ce ce soir c'est de la balle c'est la street, ouais. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai, on s'en bat les couilles, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Da bad gal wicked, équilibré. Me make the gal turn freaky, équilibré. Dem a fait wine pon the dicky, équilibré. Go dem pa ya lock the city, équilibré. Ah. See me in the club, be a girl, me a fuck. Talk them a talk, but my drops them strap. That one day wicked, somebody have to drop. Open the door when the guns them a knock. Énergie le soir. Énergie le soir. Ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h sur Énergie. Il est 23h53 les amis. Merci à vous d'être connectés. Merci pour tous vos messages. Merci Vince, c'est cool de m'avoir répondu, qu'on m'a envoyé aussi. Quelqu'un m'a demandé, Vince, c'est quoi la répartie? J'ai déjà entendu, mais j'ai jamais poussé le truc. La répartie, comme je viens de t'expliquer sur le WhatsApp par écrit, c'est le répondant, la manière de, avec laquelle tu réponds aux gens. Voilà, de se défendre. Si ça jamais t'as de la répartie, bah quelqu'un qui vient, il te critique, il t'insulte, etc. Bah, et tu fais ch'toc, ch'toc. Voilà, et ch'toc. Hein. Et bien, c'est pas moi, et c'est celui qui dit qui aide d'abord. Ouais. Une répartie, mais de base. Voilà. Après, il y a des layers. Il faut que votre cerveau fonctionne vite. Donc moi, mon conseil, c'est préparer pour si vous avez des soucis à l'école pour avoir de la répartie et tout ça ou au boulot. Eh ben, vous allez regarder sur internet, répartie, vous notez des phrases, des petites punchlines. Et au fur et à mesure que tu apprends, eh ben, tu t'entraînes ou alors tu écoutes l'émission du soir sur Énergie. Mais ça peut trop être une séquence dans notre émission. Genre la personne nous dit voilà, il y a quelqu'un qui me dit tout le temps ça. Ouais. Et je sais jamais quoi répondre. Qu'est-ce que vous répondrez? Et alors, boum, après là, et nous, c'est bim, parti. On sort les On est lancé. Eh ben, c'est bon. On a inventé un jeu dans l'émission. Ouais. Paye ta répartie, super, voilà, super. Bah, on est reparti. Si jamais vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider, du coup, les amis. Direct de la E411 dans mon camion, je vous écoute, merci. Restez jusqu'à minuit et demi, au moins, sinon on s'ennuie, nous sur la route dans nos camions, merci, allez, à chaque fois. C'est vous, quand vous me dépassez les camions avec ma Smart, j'ai toujours l'impression de m'envoler. J'ai l'impression que ma Smart se transforme en hélicoptère, là, tellement elle est légère. Vince, dédicace au pousseur du Condro, là, chaud la balle. Big up. Et Mathieu Datus aussi qui a envoyé le message. Grand big up à toute l'équipe. Vince, toi, Vince avec toi et Lara. Vince, quel souvenir tu gardes de la radio où tu étais avant? Souvenir de chouettes trucs, de chouettes moments, de découvertes d'artistes, de découvertes de talents, de plaisir. Avec les auditeurs et sinon avec la direction, c'était de la merde. Voilà. Comme chaque personne, comme chaque employé avec sa direction, hein, on est bien d'accord. Non, ça dépend lesquels, regarde. C'est vrai, ici, non, on est ici c'est génial. C'est vrai, effectivement. Non, mais c'est blague à part parce qu'on me pose souvent la question là, sur le WhatsApp et j'avais envie d'en parler là. Ah bah, moi, t'es donc, honnête. Non, franchement, bah oui, ça vous me connaissez, je suis méga honnête. Tu sais quoi, c'est un moment honnêteté dans cette émission. Ah, putain, allez, tu veux pas faire le mot de la fin? Si, on va se le faire. Posez n'importe quelle question, les amis, je vais être méga honnête. J'espère que vous êtes prêts. Vous allez tous devoir être honnêtes. Dès que je dis suivant, les questions iront à Nigel et Nigel doit être méga honnête. Oh non ! Ah si, non, si, si, si. Pas ce jeu. Ah si, c'est comme ça. Vas-y, je vais être méga honnête. Attention, hein. L'honnêteté, mesdames et messieurs, nous allons être méga honnêtes. C'est un miracle. Ah, vite. Attention, c'est parti. Méga honnêteté maintenant. Allez-y, posez vos questions. Est-ce que t'aimes les Arabes ? Oui, pas de problème. On m'a envoyé. Est-ce que Lara est en couple ? Non, ça, je ne suis pas encore. Donc, moi, je vais répondre, je ne sais pas. Je suis honnête. Je suis méga honnête. Comment ça, là, tu sais j'ai pas toutes les questions qui arrivent non, sur WhatsApp. Honnête, mais tu sais. Je ne sais pas. À quoi tu si sais. Quand même, oui. Bah, si, ouais, oui, c'est... Lara est en couple. Alors, putain, oui. Mais en fait, il n'est pas honnête du tout. Non, mais je ne sais pas. Non, franchement, je. Comment ça, tu sais mais pas. Je sais, à la fois, je ne sais pas. C'est bizarre. Oh là là. C'est comme si mon conscient le sait, mon inconscient le sait pas. Je n'ai pas expliqué. Ouais, bah, ton inconscient, je vais le. Alors, Vince, est-ce que c'est possible de faire une émission sur l'échangisme LOL avec les sex friends? Oui. Lara est-elle mariée et des enfants? Je ne sais pas. Je suis honnête. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je suis très discret. Avez-vous déjà pensé à pécho Lara? Non. Putain, mais il y en a pour. Est-ce que t'as déjà menti à des collègues? Oui. Est-ce que tu peux sortir avec une blague? Je sors avec une blague. Enfin, blague, mais tu sais, je sais pas, ce serait bien comment on dit, mais je sors avec un être humain, en tout cas, heureusement. En tout cas, ça a des bras et des jambes. Heureusement. Putain, une question de merde. La direction de l'autre radio en France, c'est des enfants. Non, la direction, non. Hein? On m'a posé est-ce que la direction de l'autre radio où t'étais en France, que ce sont des enfoirés. La direction, non. Vraiment pas. Non, je vous jure, la direction, non. Non, la direction, non. Donc, oui. La direction d'antenne, là, c'est pas pareil. Attention, ça passe à Nigel. Nigel, ouais. Les questions. Non, question pour Lara. Excuse-moi, on arrive à Lara. Oh, vas-y, on calme. Lara, combien de fois tu pètes dans une émission? Jamais. C'est vrai en plus. Ah non, jamais. Lara, est-elle une chaudasse? Oui. Ah. Alors, putain, vite, c'est la dernière fois que vous avez fait un jeu comme ça, ça a mal fini. Lara, as-tu déjà couché avec un collègue? Non. Okay. Arrête de mentir. Ah oui. Ah ok. Bah, en même temps, je fais ce métier depuis que j'ai 12 ans. Ça veut pas dire que j'ai fait ça à 12 ans. Mais... Alors, heureusement que c'est pas sur moi. On passe à Nigel. Nigel, as-tu déjà trompé ta femme? Non, c'est pas sur moi. Ok. Nigel, est-ce que tu... Nigel n'aime personne, on nous a envoyé. Ouais. C'est bon en plus. Est-ce que tu fumes de la beuh? Non. Ok. Je fume que Jimmy. Vince, que t'as plus de nouvelles de Kaufman? Si, j'en ai encore. Kaufman avec qui c'est un pote, il y a pas de problème. Vince, alors attention parce que ça c'était une question pour moi. Alors qu'est-ce qu'on nous envoie, Nigel? Vous faites quoi dans la vie à part la radio? Mais c'est oui ou non, oui. Non, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant. Voilà. Et je bicrave des shit. Alors... Oh non, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai. Lara, on retourne à toi. Oui. Lara, t'es de quelle origine? Je suis turco-albanaise, je suis belge. Vous savez quoi, pour les coups d'honnêteté, vous écrivez Vince, la question, Lara, la question, Nigel, la question. Mais mon père est turc, ma mère est albanaise de Macédoine. Est-ce que Lara est en couple, on nous demande? Oui. Alors, est-ce que t'as déjà embrassé un membre de ton équipe, Nigel? Ouais. Ok. Quoi? Pas ici, quoi. De mon équipe, mon équipage, oui. D'accord, ok. Ah, oh. Ok. Nigel, arrives-tu à avoir ton tiche quand tu vas aux toilettes? Non. Alors, attention, on continue avec l'honnêteté. Jeu de l'honnêteté. Nigel, est-ce que t'as déjà été cocu? Non. Alors, ok. Ah, ouais, si, ouais. D'abord, il dit non, puis il dit oui. Ouais, j'étais cocu. Alors, Vince, est-ce que c'est vrai le débat qui était sorti en 2013 comme quoi tu avais fait un poisson d'avril qui était parti trop loin avec Olivier du Réveil du Roi qui était avant sur NRJ le matin? Oui. Oui, c'est vrai. Le débat est vrai, c'est vrai. Ouais. Je lui ai fait une blague, je lui ai fait un poisson d'avril, ça a été filmé et il croyait que c'était un attentat terroriste et qu'il allait être. Ah ouais. Non, mais vraiment. Mais toi, tu fais toujours des trucs comme ça chelous. Si tu veux, quand t'apparais avec une grosse barbe, je crois que t'as des gens, ils y croient. Enfin bref, on le salue, le pauvre. Franchement, je me suis excusé mille fois parce que c'était un garçon émotif, c'est un homme émotif et il est gentil en tout cas. Alors attention, je reprends les questions. Nigel aime les auditeurs? Non. Ok. Oh. Combien de grammes le shit, Nigel? Ta gueule. Nigel, tu étudies quoi? De quoi? Tu étudies quoi? Communication. Très bien. Ok, super. Alors, on m'a envoyé dédicace Lara. Voilà, dédicace Lara. Merci. Tranquille. Alors, on m'a envoyé Vince, es-tu en froid avec un gars qui s'appelle Manu? Lui est en froid avec moi. Moi, je suis en froid avec personne. Et c'est jeu de l'honnêteté. Aïe, aïe, la street. Et c'est jeu de l'honnêteté. Moi, je lis les questions des auditeurs. Hein. J'adore parce qu'il y a des auditeurs qui se doivent dire, mais c'est qui? C'est personne. Alors, Lara, je t'invite à un resto en tête à tête. Oui ou non? Non. Non, ok. Alors, Vince, énergie ou fun radio? Bah, énergie. Vince, que tu fumes du shit? Non. Ben non, vous croyez que quoi? De la marijuana, non, pas du tout. Nigel, est-ce que tu aimerais sauter Lara? Ouais. Oh non. Vince, quel est ton vrai nom? C'est Vincent. Putain, on est dans le moment d'honnêteté. Posez vos questions d'honnêteté là. 0492 222 002. Meilleur Vince, Nigel, le meilleur moment dans cette radio, Nigel? La fois où je me suis fait masturber. D'accord. Quoi? C'était con ça? C'était pas avec vous? C'était alors, après l'émission? Non, moment de ma signature, voilà pour être honnête. Ah cool, Vince, as-tu eu encore des contacts avec des anciens de l'autre radio? Oui. Avec Audrey? Oui. Très bien. Et d'ailleurs, elle m'envoie un mail parce qu'elle a besoin de moi de témoigner dans une affaire. Oh putain! Nigel et Lara, oserez-vous laisser Vince lire le dernier message reçu sur votre GSM? Non. Non, putain, la confiance, là. Il faut être honnête, mais non. Parce que ouais. Non, mais parce que toi, tu vas pas lire le dernier message, tu vas lire tous les derniers messages. Et j'adore les questions des gens. Il y a François qui me demande, Vince, pourquoi as-tu dû quitter ton ancienne radio? Parce que j'avais beaucoup plus de respect et j'ai eu beaucoup plus de respect à l'endroit où je suis maintenant. Voilà, putain, mais je suis trop honnête. C'est super comme jeu. C'est horrible comme jeu. Non, mais c'est trop bien. Parce qu'en plus, on a trop l'impression d'être sous pression. Genre, on a un couteau sur la gorge. Je suis sous pression. On pose des questions chaudes. Là, heureusement, ça tombe pas trop chaud. C'est bien, au moins, on est sur un piscolo. Alors, Eddie, est-ce que t'as téléphoné au numéro que je t'ai donné, Eddie? Ah non, une question pour toi de la part de Rachid. Non. D'accord. Ça a l'air d'être un truc compromettant un petit peu. Nigel, t'es d'où au Maroc, on nous a envoyé? Ah, ta gueule, je peux pas dire. Non, tu vas dire. Non, Tanger. Tanger, d'accord. Ouais. Le papa ou la maman? Ben, ma mère, elle est espagnole, donc. D'accord, ouais. D'accord. Attention, on continue. Et c'est pas fini, hein. Putain, ça part attention, en sucette. Tanger. Alors, question Tanger. Pour Thibaut.

c'est beau, Dadju, avec Jaloux. Le soir, 21h minuit. Du lundi au vendredi, Vince. Vince sur Énergie. Allez, bienvenue sur Énergie, j'adore vos questions. Oh, c'est un truc de ouf ce soir là. Vince dans la maison. Allez, on est à minuit 7, donc là c'est plus de la radio. Là c'est de la radio bizarre. C'est de la radio, ah. On coupe la musique, on s'installe. Oh, on s'étire un petit peu. Oh là, non, j'ai pas demandé ça quand même. Pas déconner. Bon, les amis, on est toujours en direct avec vous, les amis. Merci, merci, merci d'être là, franchement. Oh my God. Ça fait plaisir de faire une émission avec plein de messages comme ça. Et on s'est lancé dans un délire. C'est arrivé, je sais pas comment ça arrivait. C'est toi là. Où on s'est promis de dire la vérité. On va continuer ça dans quelques instants. Mais d'abord, n'oubliez pas que j'ai des cadeaux pour vous. Comment faire? Très facile. Dragon Ball. Très prochainement. Mais d'abord, nous allons parler de quelque chose qui fait peur. Quelque chose qui fait flipper. Je mets une musique japonaise, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais le 31 au soir? Et vous, qu'est-ce que vous faites le 31 au soir? Tu Halloween's. Exactement, on Halloween's. On Halloween. Halloween à la Louvière, événement malade. Avec cette musique, je trouve que ça donne pas du tout. Faut que je mette un truc qui fasse un peu plus peur, là. Un peu d'action comme ça. Ah, j'ai pas de musique qui fait peur, c'est dommage. Mais t'avais fait entrer la cuisine? Ouais, c'est vrai, mais je l'ai plus entre temps. T'as pas Thriller? Ouais, ça va, tiens, allez, hop. Ah oui, voilà, tiens. J'ai trouvé un petit truc sympa. Hop, au hasard, c'est parti. Je fais péter. Et voilà, allez. Les nuits d'Halloween. Prochainement, du côté de la Louvière. Au Louvre Expo, la nuit d'Halloween. Et on a des places à vous offrir ce soir. Je serai au platine. DJ Flash sera au platine. Et je vous rappelle que dans cette émission, le 25. Nous aurons une émission spéciale Halloween. Jeudi. Exactement, jeudi soir. Ouh là là. Ce jeudi. On va parler paranormal. Émission spéciale paranormal, du coup. Ça, hein. C'est une chose d'un côté, jeudi soir. Oui. Et après? Le 31. Le 31. Au soir. Deuxième chose. La nuit d'Halloween. Et on vous offre des places ce soir. Je précise là-bas, ça va être cool. Hein. Il va y avoir animation. Grimage. Grimage, show. Attractions qui font flipper. Et c'est une soirée, donc il y aura de la musique aussi. Clairement. Et les amis? On vous offre des places. Comment faire? Eh bien, inscrivez-vous maintenant et on prend quelqu'un en fin d'émission. Vous envoyez Énergie, espace Halloween, au 78. C'est un euro le message. Et vous pourrez envoyer ça à partir de maintenant. Yeah. Deux places à gagner pour la nuit d'Halloween au Louvre Expo. Ça va être très sympa. Je serai au platine. On va délirer ensemble. On va se poser. On va faire la chorégraphie de Michael Jackson avec Thriller. Oh yeah. Ça va être très cool. La nuit d'Halloween? Le 31, à la Louvière, au Louvre Expo. Les amis, vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Attention, je retape la musique, parce que vous êtes trop nombreux à envoyer des trucs. C'est assez impressionnant, d'ailleurs.